Bienvenue avec les Peck Avengers sur Indestar pour cette spéciale Culture Day. Il est 21h. Bonsoir à tous. Les Peck Avengers sur Indestar, on est jeudi, je sais plus combien d'ailleurs, en vrai. 23. 23, merci Galen. De rien. Il est 21h, on va parler du Culture Day aujourd'hui, on va parler aussi de musique, on va parler de plein de choses, on a des interviews, on a des blind tests, on a des quiz, je sais plus ce qu'on a d'autre. C'est déjà pas mal. Bah on a toi aussi. Ah oui, on a moi. Ouais. Oui. Ouais, bon bah moi, vous me connaissez, c'était dit le boulanger, voilà. Enfin, on a Nono, ou Jolan, comme on veut. Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir. Qui est au bouton et qui s'amuse avec ses boutons avec Isma. Isma, bonjour. Merci Isma. Tout à l'heure on t'entendait, mais là on t'entend plus. Ouais. Quand faut pas parler, tu parles. Mais non, mais le micro il a plus de batterie. Ah, il a plus de batterie. On non, a des piles dans l'autre local. C'est pour te faire stresser. Si on t'entend. Y a point S. Ouais, on l'entend, c'est dommage. On m'entend trop, c'est ça. Tu vas bien Ismaël? Comme d'habitude. T'as fait quoi de ta semaine toi? Bah, depuis dimanche, évidemment. Ah, dimanche, bah j'étais au Culture Day, y'a tout le monde. Depuis dimanche, ah, tout le monde était au Culture Day, évidemment. Tout le monde sait ce que c'est. J'ai rien foutu, honnêtement, j'ai joué aux jeux vidéo, voilà. Non, c'est pas rien foutu. T'as travaillé pour Peck Avengers, c'est pas pareil. Ouais, on est d'accord. Voilà. Allez, excuse. Non, mais c'est ça, hein, tout à fait. Ce soir, toi, tu vas nous parler d'un jeu, peut-être. Skyrim. Ouais, on va pas le chanter, musique, mais on aura la musique tout à l'heure, je pense. Alors, personnellement, je chanterai pas, mais. Non, on voit pas parce que j'aurais écouté le blind test en. Non, vaut mieux pas que tu chantes. Merci, ah, la violence. C'est toujours avec un grand plaisir. Nous avons Marguerite. Bonsoir, Marguerite. Hello. Ouais, on est en manque de micro. Hein. On est 8 dans ce studio. 1, 2, 3, 8. Ouais. En plus, nous avons un invité. Et nous avons un invité que nous a présenté tout de suite après. T'as fait quelque chose dans ta semaine? On t'a été à l'escat? J'ai travaillé. Ouais. Globalement. Ah, faut bien. Hein. Non, j'étais réal aujourd'hui. C'était cool. Ah ouais? On avait un projet pour un petit projet d'école. C'était cool. D'accord. Un petit projet d'école. Ok. Et est-ce que du coup notre invité Pierre était dans ce projet d'école? Dans un autre projet, mais le même. Dans un autre projet, ouais. Mais le même sujet. D'accord. Donc, j'étais Perchman. C'est très bien, Perchman. Du coup, tu es à l'escat. Ouais. Et t'as entendu parler de Peck Avenger. Non, t'as pas vu de la lumière, toi. J'ai écouté la dernière fois. Ça m'a bien plu. Et voilà, je voulais venir voir comment ça se passait. Et voir, si je pouvais, voir si je pouvais apporter quelque chose. Et voilà. Des pizzas, peut-être. on verra bien si ça te plaît ou pas. On verra à la fin. Nous avons Elliot en rouge. Pour le coup. Je sais pas si mon micro il fonctionne. Ouais, on t'entend très bien. Ok, bah bonsoir. Bonsoir. Du coup, t'es tout en rouge aujourd'hui. Ouais, c'est bien. Gryffondor, non, je calme. T'as dit quoi? Gryffondor. On a une double dose de générique. D'accord, t'as cliqué à côté de ton bouton, je crois. On est généreux ce soir, c'est pour ça. D'ailleurs, ce générique, on lâche. Oui, on est toujours généreux. Je donne tout. Ah oui, trop d'allusions. Non. Dans ton micro, ça serait encore mieux. Faudrait qu'on chante un de ces quatre, le générique nous-mêmes. C'est ce qu'on a déjà fait. C'est ce qu'on a fait. Là. Mais il faut qu'on le refasse. Ouais. Avec parce que les gens qui sont dans l'équipe maintenant. Parce que là, dans ceux qu'on chantait, je crois qu'on en a que deux. Bah oui. Non, ouais. La tristesse. Ouais. Peck Avenger a changé. Pour les jingles. Ok. De toute la manière, tu seras notre directrice chanteuse artiste. Je sais pas quoi. Avec grand plaisir. Tu chantes. Enfin bah. Et Yette. T'es à l'escat aussi, du coup t'as fait quelque chose dans ta semaine, à part bosser. Ouais, bosser. Ouais, bosser c'est bien ça. Ouais, et un mal de dos, mais après ça passe. Ouais, c'est vrai, t'étais bloqué tout à l'heure. Ouais. C'est un peu c'est con, assez mais... drôle. Ouais, bah ça. Ah, les serpentins. Non, on revient pas là-dessus. Charles. Salut. J'adore c'est quand je regarde Charles, des fois il est ailleurs. Non, je suis pas ailleurs, pire que moi. Je réfléchis souvent et c'est pour ça que j'ai. Ah ouais, c'est ce que je dis aussi, t'inquiète, je connais ces excuses. C'est ce que je dis toujours au boulot. Non, t'inquiète. Du coup, je suis là. Toi, t'as pas été à l'escat cette semaine? Non, j'ai pas été à l'escat. J'étais à la piscine, par contre. Tu voulais dire chêne, non? Non, pas du tout. Non, t'as été à la piscine. On le connaît, Galen. Ouais, j'étais à la piscine. Dire, bah, pourquoi t'es un grand nageur? Je suis un grand nageur, ouais. Enfin, j'y vais 3-4 fois par semaine. Caniche ou requin? Brasse coulée. Alors, moi, on m'a toujours dit que je faisais un nage du caniche. D'accord. Pour la petite info. Je demande à voir. Ouf, on pourrait y aller tous les deux si tu veux. Sans problème. Okay. Ah, je vais te mettre la misère. Ça moi, je filmerai pour les auditeurs. Oh, putain. Oh, on va mettre ça sur. Ah oh, ouais, on va mettre ça sur Peck Avenger. Et d'ailleurs, je passe une petite. Enfin, j'étais avec Clément aussi hier soir et ouais. Clément de l'émission J'ai vu de la lumière. Mais du coup, c'était avant hier soir. Avant-hier soir, pardon. C'est pas grave. Ben non, c'était le mardi soir, c'est le mardi soir. Ouais, donc, c'est le mardi soir. Ouais, avant-hier soir. Avant-hier soir. Ok, autant pour moi. C'est pas grave, j'ai vu la lumière. Et du coup, j'en profite pour lui passer le bonjour, voilà. Oh, tu pouvais dire fuck aussi si tu veux, hein, c'est ça qui te demandait. Non, j'espère qu'il écoute. Non, il écoute pas, impeccable. Il écoute que j'ai vu la lumière, clairement. Il écoute, il sait que tu utilises ses beds. Enfin, c'est. Il le sait parce que quelqu'un lui a dit. Mais je suis sûr qu'il écoute pas. Clément, si tu nous écoutes, et ben envoie-moi un message, comme ça on verra. Voilà. On verra bien s'il nous envoie un message. Du coup, toi, tu fais de la natation et ouais, si tu veux, on pourra aller nager ensemble. Ouais, pas de problème, je te montrerai mes talents légendaires. Pourquoi j'ai perdu les interclasses en 6ème. Tu nous ramèneras des chouquettes, comme ça on a l'air. Ça, je sais faire. On aura l'air de piètre nageur avec des chouquettes. Franchement, ouais. La brioche et les chouquettes. La brioche, c'est notre bide, hein, évidemment. Ouais, bah évidemment. Mais, ok, pas de et problème. Okay, on mangera des chouquettes et on nagera ensemble. Guélan. Oui, moi, pas de natation. Pas de natation. Pas de natation. Ok. Oh. Tu veux pas faire la sortie Peck Avenger natation? Non, mais par contre, t'as bossé, j'imagine? Ouais, je suis fatigué. C'est vrai? Ouais, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Non, bah, ça fait que commencer? Non. Non? Non, non, c'est bon. C'est... Demain, c'est non, la non, fin. C'est bon. Non, c'est bon, j'arrête. Demain, repos. Okay. Toi, tu vas nous parler de deux films en plus aujourd'hui. Ouais. Tu vas faire un combo. Une double dose. Ouais. Ah, j'adore. Petite référence à Zombieland? Sûrement. Ok, bah ouais, moi je vois ça. Hein. Ouais. Genre toujours double dose, règle je sais plus combien, toujours mettre de cartouches. Et tu vas nous présenter deux films, dont un, je sais ce que c'est E.T. Ouais, c'est ça. Un film, je sais pas, légendaire on va dire. Culte. Culte. Voilà. Légendaire, c'est très bien aussi. Et l'autre c'est Scott Pilgrim, ça je connais pas. Pourquoi. Aussi, c'est ça. J'en ai vu des images, mm-hmm. Mais je connais pas. C'est cool. Cool. C'est cool. Ouais. On va avoir quoi d'autre aussi dans cette émission? On a du Skyrim, on va avoir... Oh, tu nous as fait un petit top 5 des musiques préférées, on va dire, de l'équipe dans le domaine du gaming. C'est ça, et puis je vais vous parler des musiques, de la place des musiques dans les jeux vidéo. Très importante, évidemment. Très important. Charles, tu vas nous parler d'un... Un jeu PS2 qui s'appelle Airblade. Voilà. Qui parle d'un jeune qui fait de l'overboard. Tu restes dans le skate. T'es skater aussi. Oui, tu me l'avais dit. De skate. C'est à cause de ça qu'il poignet. S'est fait mal. Ouais. À la main. C'est ça. Bravo. Il a mal au poignet, tu vois. C'est une excuse. Ah, vous avez pas l'image, c'est dommage. Ah bon, on a tous compris. Charles a mal au poignet. C'est très handicapant, je peux te le confirmer. Vous imaginez le geste, voilà. Voilà. Et ben non, il on peut pas le faire. Avec ça. Il était droitier en plus, ça tombe. Ah merde. C'est ça. Et Eliette, tu vas nous parler. Alors, tu as ta rubrique à toi maintenant. On va oui. Dire. Ouais. De sorte de personnalité de la semaine. C'est ça. Entre grandes guillemets. Et là, ça va être une compositrice de musique de jeux vidéo. Exactement. Qui s'appelle. Je ne vais pas spoiler. On ne spoil pas, voilà. Alors. Surprise. Surprise. Voilà. Quant à moi, je vous parlerai de Inazuma Eleven, la série et les jeux. J'adore. Et qu'est-ce que. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai honte d'avouer que moi aussi j'adore et j'ai joué comme un ouf et que j'ai regardé tous les animés de toutes les séries. Mais pareil, je les ai regardés de A à Z. Il y a presque 150 épisodes, je les ai tous vus. Et du coup, je vous dis que j'ai bien la place dans cette équipe, malheureusement. Bien sûr, bien sûr. Ça reste dans mon cœur, Inazuma Eleven. Même si c'est un truc d'enfant, je m'en fous. Les techniques, faire des techniques, bon, j'en parle pas tout de suite. Évidemment, on aurait tous kiffé faire du foot comme ça. Faire genre, tu tires un super tir, un peu comme Olivier Tom, pour ceux qui connaissent. Genre le tir de l'aigle ou genre de truc. Mais en beaucoup plus imagé et beaucoup plus d'effets spéciaux. Ouais, et beaucoup mieux. Surtout que là, ils font des duos, genre, et même des oui. Trios. Même des... Et je crois que c'est même toute l'équipe des fois qui fait un truc. C'est ça. Ouais. C'est n'importe quoi. Exactement. Donc on parlera ça tout à l'heure. Plus tard. Mais pour le moment, on va parler du Culture Day qu'on a fait dimanche. On y a tous été. Quasiment tous, je crois. Ouais. Qui était pas là? Bah Pierre. Oui, mais Pierre, notre invité du coup, qui ne connaît pas le QG. Oh bah c'est dommage. Pourquoi t'es pas venu dimanche? Non. Du coup, pour te résumer, Culture Day, en fait, c'est un événement autour des jeux vidéo, de la pop culture en général. Hein, donc ça colle bien avec notre émission. Nous, on y a été déjà pour enregistrer des bouts d'émissions qu'on va passer là dans quelques instants. Et on a fait l'animation aussi. On a organisé, on a parlé du tournoi. Enfin, comment dire. Voici, on a organisé le tournoi à Smash, grosso modo. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Des blind tests, des quiz. Les blind tests, les quiz. Des danses japonaises. Oui. Des jeux japonais aussi qu'on peut faire avec les geishas. Et comment on met un kimono? Comment on met un kimono? Un yukita. Non, c'est non, un yukata. Yukata. Un yukita. Pareil. Oh, j'avais toujours eu du mal à prononcer celui-là. Et ils nous ont appris aussi à faire le salut japonais, où qu'on se met à genoux et qu'on doit se saluer. Oh, ça fait mal. Les genoux, elles s'en souviennent. Oh, ça fait mal. J'en peux... ah ouais, mais... Et c'est le même principe au karaté. Oui. On devait faire ça à chaque fois. Mais quand j'étais jeune, j'y arrivais. Au judo aussi, on devait saluer comme ça. Et puis, la souplesse, dans ma jeunesse. Ouais, c'est ça. Dans ma jeunesse, la souplesse, c'était bien. Mais alors là, on a une petite vidéo d'ailleurs, vous pouvez voir sur Facebook si vous voulez. C'est Mathilde Casse-Patou. sur le Facebook d'Indestar, vous pouvez voir les vidéos qu'on a tournées là-bas. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur indestar.fr. Vous pouvez nous appeler aussi si vous avez envie de réagir ou si vous êtes venu au Culture D. Au 09 70 407 306. C'est tout. On est aussi en live normalement sur Twitch. Là tout de suite maintenant, on va écouter une musique et après on lancera après, on l'interview du maire. C'est ça. L'interview du maire de Nazel, qu'on a interviewé pour le Culture D et qui joue un petit peu aux jeux vidéo, figurez-vous. On vous en dit pas plus. Mech Avenger sur Indestar, c'est mieux que l'animé Dragon Ball Evolution. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Mech Avengers. C'était Gif là ? Du coup, parce que tu... Ouais, je suis désolé. Oui, c'était... T'as pas eu le temps d'annoncer, ouais. Jifa, la coréenne, qui fait des reprises, c'est ça, sur YouTube. Exactement. Eh bah oui. Wow. J'allais le dire. Eh, y en a qui sont fans d'Indestar ou pas, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ok. Bah, dis rien, alors. On va passer l'interview du maire. Le maire de Nazel-Négron. Le maire de Nazel-Négron, qui a accueilli le Culture D dans sa commune. Et figurez-vous qu'il joue aux jeux vidéo, c'était assez drôle. J'espère qu'on l'entend dans l'interview, parce que bien sûr... Non, on l'a coupé exprès. Il est très gentil, puis il joue aux jeux vidéo. Franchement, que demander de plus. Et nous sommes donc avec Richard Châtelier, le maire de Nazel-Négron. Bonjour monsieur. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai envie de vous demander, pour commencer, comment est venu ce projet ? Alors ce projet, bien évidemment, il est venu à nous, puisque les personnes responsables de cette association se sont rapprochées de nous dans deux temps. Le premier, c'était pour voir comment est-ce qu'ils pourraient installer définitivement leur association au sein de Nazel-Négron. La seconde, pour pouvoir organiser cette manifestation. La première, malheureusement, a eu une réponse négative parce qu'aujourd'hui, l'évolution majeure des associations sur Nazel a fait que de 2014 à aujourd'hui, on est passé de 32 à 44 associations et on a d'énormes difficultés à pouvoir accueillir des associations puisque, bien évidemment, il faut les héberger. Aujourd'hui, c'est ce qui nous fait cruellement défaut. La seconde, bien évidemment, c'était la mise à disposition de ce centre socioculturel pour réaliser cette opération. Et pour nous, c'est aussi quelque chose d'important parce que les jeux vidéo font partie de la vie au quotidien des Françaises et des Français à des niveaux différents, bien évidemment, mais chacun a plus ou moins, à un moment ou à un autre, surfé sur cette vague-là. Alors, Nazel-Négron, c'est combien d'habitants ? Alors, Nazel-Négron, c'est 3700 habitants, ce qui en fait une commune de plus de 3500 habitants, avec toutes les contraintes qui vont avec, mais aussi le service public à fournir, les associations à accueillir. Donc c'est une commune vivante et dynamique, d'où cette volonté aussi d'accueillir cette manifestation-là. Et justement, quel est l'intérêt d'un tel événement comme aujourd'hui pour une commune comme Nazel ? Ben, l'intérêt, c'est de faire voir que même au milieu rural, on peut s'intéresser à des choses qui paraissent plutôt réservées au milieu urbain, aux grandes villes. Bien non, à Nazel-Négron, et c'est la volonté de cette municipalité, c'est d'accueillir toutes les formes associatives, qu'elles soient culturelles, sportives, et les jeux vidéo font partie de cette vie au quotidien qu'on souhaite évidemment mettre en avant et développer sur notre commune parce que on se doit en tant qu'élu de fournir un service public. Et fournir du service public, c'est accueillir toute forme de manifestation mettant en avant la commune et les associations qui y viennent. Alors justement, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, au sujet des jeux vidéo, quel est votre avis, quel avis vous portez sur les jeux vidéo et quel aspect vous voyez ? Alors ça peut être négatif et positif, hein, pour notamment l'éducation des jeunes. Alors l'éducation des jeunes, évidemment, il y a, comme vous le dites, effectivement un aspect négatif parce qu'aujourd'hui, on voit malheureusement beaucoup de jeunes qui sont en addiction avec ce genre de jeu et qui du coup, je trouve, se coupent de la vie, du lien social, du partage avec les autres. Par contre, quand c'est pratiqué d'une manière raisonnable et qu'on est en capacité de passer une journée sans avoir un jeu, me paraît être là une bonne chose. C'est un élément un élément déterminant aujourd'hui, et je vous le disais précédemment lorsqu'on a préparé, moi je suis le premier le matin à 6h30 d'aller sur mes deux jeux préférés, à savoir Criminal Case et Candy Crush. Voilà, c'est quelque chose que je suis depuis 6 ou 7 ans maintenant, voire peut-être même plus. Et du coup, c'est un élément important pour moi. Ça fait partie de mon réveil des neurones, suivi des mots fléchés de la Nouvelle République, fait que ensuite je suis complètement éveillé au niveau de mes neurones et je peux accomplir mon travail de maire au quotidien avec plaisir et surtout avec de l'éveil, puisque je suis éveillé grâce à tout ça. Alors j'ai ouï dire que vous étiez aussi famille d'accueil. Est-ce que justement par rapport à l'éducation que vous pouvez faire aux jeux vidéo, est-ce qu'il y a des contraintes que vous imposez aux jeunes par rapport à ça, à cet usage ? Ouais, tout à fait, parce que avec mon épouse, ça fait 34 ans qu'on fait ce métier-là. On a élevé 27 enfants et on a vu sur ces 34 ans cette évolution majeure avec cette volonté de plus en plus pressante et de plus en plus tôt, de plus en plus jeune, de cette volonté d'avoir son téléphone portable et de pouvoir aller effectivement sur un certain nombre de jeux. Donc effectivement, je ne souhaite pas et nous ne souhaitons pas avec mon épouse que les enfants qu'on éduque puissent aller vers l'addiction. Donc aujourd'hui, on impose effectivement certaines contraintes. Et par exemple, le soir, à partir de 21h, il n'y a plus de possibilité d'avoir ces portables puisqu'ils sont branchés et ils ne sont rendus aux enfants que le lendemain matin. Par contre, dans la journée, effectivement, là en ce moment, il y a deux filles à la maison puisque mon épouse est en fin de carrière. C'est les deux derniers enfants qu'on va avoir à la maison. Eh bien, on se rend compte entre ces deux filles la vraie différence. C'est-à-dire qu'il y en a une qui reste tout à fait raisonnable par rapport à ça et l'autre qui est en permanence avec son téléphone. De manière un peu humoristique, je lui disais que si je le pouvais, je lui grefferais un velcro sur l'oreille de manière à ce qu'elle puisse avoir son portable en permanence. Donc voilà, oui, on impose des contraintes, c'est pas toujours bien accueilli, on passe un petit peu pour des tyrans, mais à côté de ça, on souhaite qu'ils profitent, mais qu'ils n'abusent pas. Alors vous êtes remonté 34 ans en arrière, si je vous demande quelle a été votre première console ou la première fois que vous avez joué aux jeux vidéo, est-ce que vous avez un souvenir ? Ouais, c'est une bonne question. Non, pas vraiment. Ma première console, c'était lorsque j'ai eu mon premier ordinateur, à savoir un Amstrad. Oui. Voilà, une vraie relique aujourd'hui. C'était en quelle année ? Ça doit être en gros 82, 83 à peu près, en gros, hein, de mémoire. Et effectivement, je jouais au tennis sur Amstrad. Il y avait un jeu de tennis. Voilà, c'était très sommaire quand on voit aujourd'hui la définition qu'on a sur, par exemple, les deux jeux où je vais, c'est assez impressionnant. Mais oui, voilà, mon souvenir c'était Amstrad. Moi, quand j'étais gamin, c'était plutôt les caisses à savon et les planches à roulettes sur un champ de foire chez mes parents. Voilà, et puis le football dans la rue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc on pouvait jouer dans la rue. À la belle époque. Là, j'ai quand même le sentiment, entre guillemets, d'être un très vieux, quoi. Voilà. Oh non, non, on est toujours le vieux de quelqu'un, de toute façon. Moi, à la radio, je suis le plus vieux, voilà. C'est moi le vieux. Alors, comme quoi. Des jeux vidéo qui vous ont marqué, alors vous me parliez du jeu que vous faites sur portable. Vous aviez une carrière dans la SNCF à l'époque. Est-ce que si je vous dis un jeu où on conçoit des trains ou les cas on gère des trains, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou alors non, vous avez mis ça de côté ? Non, ça m'intéresse pas parce que moi j'avais pas besoin de jeux vidéo. Hein. J'ai fait une carrière au chemin de fer, j'ai fini ma carrière sur un fabuleux engin dont je suis toujours amoureux, qui est le TGV, que j'ai eu le plaisir de piloter pendant 5 ans, voire même sur quelques périodes d'essai. On a pu faire des énormes pointes de vitesse sur la ligne entre Lyon et Marseille, à l'époque où il rodait cette ligne-là. J'ai participé un tout petit peu, malheureusement pas suffisamment parce que la retraite m'a rattrapé, mais à quelques mises en point sur le TGV coréen. Donc j'avais pas besoin de jeux vidéo, moi j'avais le véritable joujou dans les mains. Moi mes jeux vidéo de prédilection, en dehors de ceux que j'ai cités tout à l'heure, c'est plutôt tout ce qui se dirige vers la conduite automobile de vitesse. Je suis un passionné au quotidien de rallye. J'ai eu l'occasion de conduire quelques voitures de rallye avec un prestataire qui était sur Nazel à l'époque, qui justement faisait de la location de voitures de rallye, qui faisait des essais et pour lequel j'étais obligé de trouver des solutions pour faire des arrêtés municipaux pour qu'il puisse faire tester à ses clients des voitures de rallye. Et il avait la délicate attention par rapport à cette reconnaissance et cette volonté que j'avais de mettre dans les mains une voiture de rallye le matin. C'est complètement, et j'en suis conscient, en tant que maire aujourd'hui, on se doit de travailler pour notre planète, de préserver notre planète. Le rallye, c'est pas forcément la chose idéale par rapport à tout ça. En contrepartie, moi j'y vois un vrai intérêt parce que la voiture de rallye c'est, et les Formule 1, c'est un fabuleux laboratoire de test. Et aujourd'hui, au quotidien, nos voitures, grâce à ça, ont évolué et sont devenues sécuritaires. Et ça peut effectivement économiser un certain nombre de vies. Et ça, j'y suis très sensible. Et puis le plaisir, effectivement, moi, je rejoins totalement hein, sur le tout ce qui est. On fait une émission de voiture hein, le lundi, starter. Donc forcément, je suis assez bagnolard. Vous pouvez m'inviter, je peux parler. Ben avec grand plaisir. Pour terminer, une question sur l'e-sport. Est-ce que vous connaissez déjà cette discipline et qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça me parle pas du tout parce que effectivement, c'est certainement en voie de développement, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, toujours, ce qui me gêne, hein, c'est quand on arrive sur du professionnalisme, sur à la base quelque chose qui se veut d'abord convivial, amateur, le plaisir. À partir du moment où, moi, je le vois, dès qu'on commence à aborder des aspects financiers et professionnels. Je trouve que ça dénature la base d'un volontariat, d'une convivialité. On devient professionnel. Donc du coup, les contraintes sont plus les mêmes. Il y a une obligation de gagner. Du coup, cette convivialité, elle s'échappe parce que du coup, il n'y a plus de copains. Tout le monde est l'adversaire numéro un à battre. Et quand je dis à battre, je pèse mes mots. Donc effectivement, je ne suis pas toujours convaincu de ce professionnalisme-là. Maintenant, si ça doit exister, ça existera. Mais c'est pas moi qui contribuerai à ça. Autant je prends du plaisir à accueillir des associations telles que les vôtres dans ce centre socioculturel pour mettre en avant un amateurisme et une volonté de faire découvrir. Je suis complètement ouvert à ça, à 300%. Dès que ça devient professionnel, je vous avoue que je suis un peu plus réfractaire. Merci Monsieur Châtelier pour être venu ici dans le studio mobile d'Indestar pour ces deuxièmes Culture Day, aujourd'hui ici à Nazel-Négron. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et sachez que vous serez toujours les bienvenus à Nazel-Négron tout pendant que j'en serai le maire. Et bien évidemment, je suis ouvert à d'autres solutions et émissions concernant Indestar parce que je vous suis maintenant sur Facebook. Voilà, et donc on est amis, donc tout va bien. Et donc sachez que Nazel-Négron sera toujours ouvert à ce genre d'association. Eh ben, voilà. Merci beaucoup. On a d'autres interviews. On a interview des organisateurs du Culture Day. C'est la famille Forest, pour ceux qui connaissent. Daniel et Dimitri, ils sont déjà venus. Ils ont parlé de catch et je sais plus de quoi. Ah, Mathieu, c'est ça. Mais bonne mémoire, t'as dit. Ouais, merci. Ouais. Donc on va lancer l'interview de Daniel et Dimitri Forest, si tu veux bien, en petit nom. En fait, on a vu de la lumière, on est rentré. Oh non, ça c'est le mardi. Non mais c'était un message pour auto-promotionnel, donc. De l'émission, j'ai vu la lumière le mardi. C'est gentil. Là, dirigé par Clément Jouteux. Voilà. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, j'ai vu que vous me piquiez des bruitages assez souvent. Pas du tout, j'écoute les podcasts des fois. Hein. On m'appelle là-bas. Non, aujourd'hui on est là pour une interview au Culture Day. Et d'ailleurs, bah, ça tombe bien, c'est toi qui l'organise, je crois. Non, c'est moi. Ah non, c'est toi. Oui, c'est moi. Ah bah, ok. Bah, Non, en fait, pour l'explication, c'est que Dimitri est en train de prendre des cours de dessin d'art dans une autre région. C'est et pour je ça que l'ai t'as aidé supplé. À l'organisation. Voilà, voilà. C'est pour voilà. Ça. Tu es l'adjoint. Je le suis bras droit. Le bras droit, gauche, et s'il y en a un au milieu, j'y étais aussi. Ma foi, tu es tous les bras. Et du coup, alors pour faire les présentations, tu es Daniel. Oui. Et on t'a déjà vu plusieurs fois d'ailleurs. Tu es déjà venu dans Peck Avenger. Oui. Tu es venu pendant la première de 2020, si je me trompe pas. Oui, où j'ai parlé d'une série Meet Your Mother. Ouais, c'est ça. Comment j'ai rencontré votre mère. Oui. Et toi aussi, tu es venu. Oui. Et tu as parlé des jeux de catch, si je ne me trompe pas. C'est ça, SmackDown vs Raw 2008 et WWE 2K19. On a parlé du dernier jeu de catch où il y avait des bugs de partout. Oui, ça n'a pas évolué d'ailleurs. Et donc, alors là, on va pas parler de catch. On va parler du Culture Day, je pense, un petit peu. Bah, un peu beaucoup, même. Un peu beaucoup, oui, oui. C'est pour ça qu'on est là. Oui. Du coup, le Culture Day, c'est quoi le concept ? Alors, le concept, c'est tout simplement d'essayer de faire quelque chose qui puisse regrouper les familles. Ouais. Et puis, bah, montrer cette culture autour du jeu vidéo. Oui, parce qu'il y a tout un monde autour du jeu vidéo. Tout à fait. Comme on peut le voir là-bas. Alors, nous, bah non, vous le voyez pas à la caméra. C'est dommage. Oui. Mais bon, oui, alors en fait, le jeu vidéo, maintenant, on n'y pense pas, mais le jeu vidéo a commencé début des années 70. Il est arrivé en France, les premières consoles, en 1975-76, avec le fameux jeu de Pong. Et finalement, maintenant, contrairement à ce qu'on peut penser, plusieurs générations ont été impactées par le jeu vidéo. Alors, l'esprit de Culture des jeux vidéo, c'est d'essayer de regrouper, comme disait Dimitri, les familles autour du jeu vidéo. Alors, le jeu pour tous. Le jeu pour tous. Alors, pas les dernières générations, parce que les dernières générations, enfin, même la dernière génération, je veux dire, tout le monde l'a chez lui. Oui. Mais de pouvoir se retrouver, non pas en réseau sur Internet, mais directement, comme on le faisait avant, autour d'une console. Oui, oui, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Moi, je préfère ça que jouer en ligne. Ouais. Je suis un joueur solo de base, mais quand je joue avec mon frère ou ma sœur, quand je leur mets une tollée à Dragon Ball, je suis toujours content. C'est mieux de la donner que de la prendre, ça c'est ouais, vrai. Ouais, ça c'est vrai. C'est toujours énervant de la prendre. Ça me fait penser justement, tout à l'heure, il y aura un tournoi à Smash. Oui. Si je ne me trompe pas, Super Smash, ou que notre cher champion Clément. Ouais, alors champion, calme-toi un peu. Hein, bah, je tu es le champion d'Indestar. Mourir en poule, mais enfin bon. Ouais. Oui. Tu es le champion d'Indestar et c'est toi qui te prendrais le roast par quelqu'un, on verra bien. Il aura son clone supporter qui va crier Indestar. Ah bah, ça va alors. Ah bah, on s'en fout, on met les basses à fond. La musique et tout. On a même des gens qu'on a payé pour faire chier les jeux joueurs. Ah bah voilà, merci. Voilà. C'est on Avenger, sait qu'ils se débrouillent, mais. Bah moi je joue surtout au dernier, hein, Ultimate. Oui, voilà. Et là je suis arrivé et je savais pas que c'était Melee. Et donc on va voir ce que ça va donner sur Melee. Voilà. Bon, ça c'est une excuse hein, généralement. Non, pas de... Non, mais c'est très pratique comme excuse parce que comme ça s'il perd, il va dire exactement. Je vous l'avais dit, ah, mais c'était pas celui-là, c'était pas le bien. Toujours des excuses de sac à disposition, sinon voilà. on peut pas faire les choses. Parce qu'autrement, l'excuse, ça fait longtemps que j'y ai joué, mais ouais. Tout le monde l'a fait celle-là. Non, mais autrement, c'est la console qui marche pas ou la manette qui déconne. C'est la exactement. Faute à la manette. Moi j'en ai plein mon baluchon, y a pas de soucis là. Ou alors la connexion, mais là c'est. À la connexion, non, c'est vraiment mauvaise foi du coup. Oui, surtout là, y a pas de connexion, donc c'est comme Clément, vraiment de la mauvaise foi. Non, mais façon, je peux dire que j'ai pas eu mon café, que j'en ai plein, vous inquiétez pas. Les problèmes de manette, on les aura pas quand ce sera pour le deuxième tournoi. Le deuxième tournoi, le Just Dance. Oui, il y a pas de, oui, il y a pas de manette là. Ah ouais, donc elles là, sont pas dissimulées. Là, ils pourront pas dire. Ouais. Ah bah non. Ça, non, ils vont dire c'est le Kinect qui m'a pas vu. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, putain, le Kinect qui m'aime pas. La oui. Caméra. La caméra est cassée, ça. C'est ça, me détecte pas. Ouais. C'est du racisme. J'ai mis la mauvaise couleur. On m'avait pas dit qu'il fallait pas mettre de jeu bleu foncé, jaune vert. Donc à poids rose éventuellement. Et il se trouve que Indestar a un champion aussi pour Just Dance. On l'a appris. Alors je sais plus quand est-ce qu'on l'a appris. Qui ah ah, vous savez pas qui c'est. Bah vous savez quoi, je vais pas le dire tout de suite. Je vais garder mon champion. D'accord. Mais il a joué à tous les Just Dance. D'accord. Donc il est vraiment bon. Mm-hmm. Lui. Ah bah j'ai hâte de voir ça. J'espère que c'est pas moi que tu me fais pas une blague à la con là. Non, c'est pas ça. J'ai jamais joué à un Just Dance. Tout le monde peut jouer à Just Dance. Oui, tout à fait. Moi j'ai déjà joué. Tout à fait. Bon délire avec une bonne dose d'alcool aussi. Oui, ça c'est rigolo. Même moi je joue à Just Dance. Hein. Bon d'accord, je reste immobile. Mais je joue quand même. Non, c'est comme le karaoké, ça met l'ambiance dans les soirées. Ouais, voilà, c'est ça, ça anime. Oui. Ah, c'était peut-être le karaoké parce qu'on peut rester immobile finalement au karaoké. Hein. Il suffit juste de chanter. Eh ben merci d'être venu. Non, et puis bah, on va voir au long de la journée le déroulement du tournoi. On espère que notre cher Clément arrivera à 6 au moins dans le top 5. J'espère juste pas mourir en poule. Ouais. Non, il n'y a que 4 Ascris, il sera dans le top 5. Oh, d'accord. Non, c'est ah, formidable. Bon. C'est une blague en fait. Il y a... voilà. Il y a pas mal d'inscrits. On verra ça tout à l'heure. Ça marche. Ben, merci d'être venu. Merci de nous avoir reçus. Merci aussi. Ça, c'était l'interview de Monsieur Forest. Donc, Daniel et Dimitri, c'est eux les organisateurs du Culture Day. Eliette, Charles. On reprend, s'il vous plaît. Bonsoir. Ah, c'est pour ça. C'était ça le bruit de fond que j'entendais. Oui, oui. Eh oui. Ah bah bravo. On avait une conversation dans une désolé, conversation d'une ouais. conversation. Désolé. Désolé. C'était pas du tout éthique ni moral. Attention. En plus. La phrase. Allez-y, faites partager. Vous parliez de quoi? de Just Dance. Oui. Ah oui. Alors, faut savoir, pour le Culture Day, il y avait un tournoi Just Dance qui était censé être organisé, mais du coup, faute de temps et faute d'inscrits, bah, hop, on l'a bazardé. Mais sinon, on a toujours notre champion en titre, du coup, qui est champion. Es-tu déçu, Gaël? Et non, mais en plus, je suis même pas champion, quoi. Si, t'es champion de PK Avenger maintenant. Non, mais c'est toi qui le dis, ça, ouais. Ça se trouve. T'es représentant de l'équipe. Ouais, bah, apparemment, okay. Apparemment, il y a une concurrente sérieuse. Donc. Ouais, voilà. On va lancer ça. Je ouais, mais ça c'était avant. Qui a la Wii ou la Kinect là et puis. Ouais, voilà. On va organiser un Wii U. Un concours Just Dance PK Avenger. Arrêtez de parler en même temps. C'est pas possible, ça. On va organiser un tournoi Just Dance PK Avenger. Ok. Et on verra bien qui quelqu'un détrône Galen. Pour l'instant, on va dire qui va jouer. Il n'y a pas de score ou quoi que ce soit. Si, par dictature, c'est toi le premier. Parce que j'étais. Moi aussi, j'étais. Voilà. Et Galen. Comme ça, on fera un tournoi et si quelqu'un le bat, bah. Non. Voilà. Non. On verra bien. Je vous ramènerai chaud, le matos. Vous êtes chaud pour un tournoi Just Dance? Bah oui. Mais carrément. Just Dance 2016. Ouais. D'accord, je vois. Et Charles aussi, il a l'air chaud. Ouais, bien sûr. Ma faute. Ouais, bien sûr. Non, t'étais pas sur ton téléphone, non. Non, ben non. Les auditeurs ne le voient pas. Non, mais j'étais en train de le nettoyer, si tout le monde veut savoir, si ça intéresse le monde entier. Il y avait une petite trace de bave. T'auras tout le temps nettoyé ton téléphone pendant qu'on écoute Boys Avenue Malibu, une cover de Miley Cyrus. Malibu Coco. Enfin, une reprise de Malibu Coco. Malibu Coco. PK Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Les Visiteurs en Amérique. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Effectivement, PK Avengers, c'est mieux que les visiteurs en Amérique. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas difficile de faire mieux. Hein. Comment ça, t'es pas d'accord? Pourquoi? Bah, j'ai bien aimé celui des visiteurs en Amérique. Parle plus loin de ton micro. C'est la seule fois où je vais dire ça, mais toi, tu parles plus loin de ton micro. Ça je veux sature, pas le savoir. Ça ouais. Je sais pas si on m'entend du coup. Ah, si, on t'entend très bien. Non, sinon, on l'entend ça sature, très bien. Après. Ok, ok. Du coup, moi, je m'entends moins donc. Ah. Bah, oui. Ça changera, t'as pas de masque. Mais on a le retour son dans les studios d'ailleurs, c'est dommage, ça manque de public. Oui, bah ça manque de chaises, ça manque de micro, ça manque de casque. On commence à être beaucoup piles. Aussi. Hein. C'est ouais. Ça, dans PK Avenger, on compte pas moins de. Bah là, on bah est maintenant, 7. Des officiels. Ah, je on sais est 8 faire là. Beaucoup. On va décider qui sont officiels ah, ou non. Pardon. Parce qu'il y en a peut-être qui viennent que de temps en temps et qui sont là tout le temps. Peut-être qu'il y en a qui vont partir aussi. Peut-être. Adieu, Guélan. Ouais. C'est la tristesse. Au revoir, mais bon, au du coup, revoir, il part pour une bonne raison. Il part pour lancer son émission Krypton le vendredi. Et ça, c'est oui, cool. De 22 ouais. À 23h. De 22 à 23h, voilà. Donc, on pourra l'écouter. On sera aussi un peu dans cette émission. Ah bah oui, on oui, passera c'est aussi chacun, chacun d'entre tour, vous s'incrustera. Bien sûr. C'est ça. Bah ça toi, avec plaisir. Puis tu reviendras quand même de temps ah en oui, temps. Oui, oui, je voilà. Reviens. Il est pas perdu. Non. Attends. Jamais. On l'aime, notre Guélan. Bah, c'est pas toi qui va parler. Oui, je sais. Parce qu'on l'aime c'est bien, mais pas trop quand même. Ouais, voilà, on c'est bien de loin. Non, là, c'est avec toi, Marguerite. Eh oui. Tu vas nous faire un petit top 5 des musiques qu'on préfère plus ou moins dans l'équipe. Mm-hmm. Et après, tu vas nous parler de musiques que j'ai oublié. Alors, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord vous parler des musiques et après, je ferai le top 5. Est-ce que ça d'accord. Va d'accord. Ouais. C'est bah, bon pour toi et ben, oui, chef. Ouais, donc moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la place des musiques dans les jeux vidéo. Donc, bah déjà, ce serait bien de faire un petit récap historique. Parce que au début, bon, l'habillage sonore c'était juste quelques bips. Genre, vous prenez le j'allais dire le film, je suis fatiguée. Le jeu Pong. Mmh. Bon, vous avez tous déjà joué à ça, vous avez juste un ouais. Des petits bips. Voilà. C'était high-tech à l'époque. C'était ouais. High-tech, voilà. C'était révolutionnaire. Mais bon, après 10 ans plus tard, tu as enfin les puces audio Chiptunes qui arrivent. Donc, chip pour puce électronique et puis bah, tune pour la mélodie évidemment. D'accord. Et donc par exemple tu vas avoir des trucs comme Pac-Man où là tu commences à avoir une intro musicale ouais. Avec quelques petits bruits en plus qui reste bien dans la tête un peu comme Tetris ouais, et tout ça exactement tu as tout compris on a un petit bruit de Tetris d'ailleurs je crois non non non non, oh, non mais bah non. J'ai des bruits pour vous après ok alors le souci par contre avec ces puces c'est qu'elles sont oui chez à toi Jolan. Le problème c'est avec ces puces c'est qu'elles sont forcément elles sont déjà un peu limitées techniquement ouais. Donc bon bah malheureusement en termes de nombre de sons c'est un peu limité ouais. Mais un peu plus tard non bah justement je vais vous montrer les petits sons qu'on peut avoir. Donc dans les Game Boy Chiptune on a 4 canaux. Donc on en a 2 Pulse qui correspondent à la mélodie principale bon, ça va être ce genre de choses. C'est répétitif. C'était sur la Game Boy, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur la Game Boy. Ça fait penser au jeu Pokémon, les tout premiers. Ouais, c'est bah, ça. Bah ouais, justement, mais c'est ça pas se base. On ouais, est un peu plus rapide là-dessus. Du coup. Mais... Et tu vas avoir aussi un autre canot qui est le canot Noise. Donc, c'est tous les petites explosions, les percussions dans les jeux. Voilà, genre de trucs. Genre Bomberman. Les petits bruits sympathiques. Ouais. et un canot wave. Donc ça, ça va être la musique 8 bits que vous avez sûrement déjà dû entendre. Il est où le wave? Non, le wave, il n'y est pas. Parce qu'en fait, il est à peine perceptible. C'est juste que c'est une onde particulière, en fait. Okay. Voilà, donc on a ces quatre canaux-là qui forment, à partir desquels on forme la musique chiptune. D'accord. Que vous connaissez aussi, je présume. Oui. Oui, pas du tout, c'est vrai? Ouais. Bah, le nom, je connaissais pas. Par contre, tout le monde connaît la musique de Pac-Man. Bah, c'est une musique rétro, en fait, qui se base justement sur ces quatre types de sons, en fait, et tu reproduis en fait un son un peu type Game Boy, en fait. Un petit peu électro, en fait. Ouais, c'est ça. Je savais pas, mais juste avec une toute petite Game Boy, tu peux carrément recréer une musique, en fait. Ah ouais? Ah ouais. Il y en a qui juste à partir d'une Game Boy refont des sons de ouf. Cool, c'est trop intéressant. Ils font des trucs sympas en plus. Parce qu'il y a eu le mot électro, tout le monde me regarde là. Parce que je suis fan de musique électro, donc. Ah bon. je vois, tu me regardes depuis tout à l'heure, du coup, ouais, je me suis dit, c'est, bien, ça y est. C'est tout. Ok. Voulez-vous coucher avec moi son, ce d'ailleurs. Soir? C'est pas électro ça. Oh, c'est dommage. Non, c'est le Moulin Rouge. Bon, pour continuer un peu dans l'histoire, après les puces audio, on a les bandes d'arcade. On commence enfin à avoir un peu de musique. Mais bon, la musique s'impose vraiment avec les consoles de salon. Forcément, là, t'as des sessions plus longues, donc t'es obligé d'avoir un peu de musique. Sinon, je pense que les games seraient vides, hein, sinon. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Dans certains jeux, c'est bien quand il y a des moments à vide, genre les jeux d'horreur par exemple. C'est pas mal des fois quand t'as des. Ça met plus de pas stress. De bruit. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, j'ai joué à un jeu aussi, je l'ai présenté en début d'année. Alors, vous étiez peut-être pas là. Même Galen n'était pas là. C'était Subnautica. Oui, mais magnifique la bande-son. Ouais. Et ben, alors, il y a du son, mais par moments, il y avait plus de son. Et t'es dans l'eau, en fait, t'es sous la mer, enfin t'es dans la mer. Et t'as même pas des bruits d'immersion, des trucs comme ça. Bah si, t'as des bruits. T'as genre quand tu nages, ce genre de trucs. Okay, mais t'as plus de musique principale. Ah ouais, mais ça revient quand même. C'est trop flippant ça. Ouais. Oh, surtout dans la mer. Oh. C'est ça. Bah, c'est un côté angoissant. Faut les gens en VR à Subnautica. Pour pas mettre de musique dans un jeu, faut bien maîtriser quand même. Faut savoir de quel jeu on parle et enfin voilà. Bah justement, je vais venir, mais la musique en fait a un rôle dans les jeux vidéo, un rôle vraiment très important. Tu peux pas ne pas mettre de musique. C'est ça apporte. Mais je vous en parlerai plus tard. Immersion. Ça apporte toute une ambiance. Oui. Donc après les consoles de salon, donc les chiptunes sont progressivement abandonnées face à l'arrivée des CD qui arrivent à peu près en 1983 et aussi des cartes son. Donc là, ça commence à devenir sympa puisqu'on a une meilleure qualité de musique. Et c'est là qu'on arrive finalement à nos musiques, les musiques qu'on connaît maintenant. Qui sont aussi sur cartes son, du coup. Qui sont sur des cartes son plus développées, forcément. Oui. Mais avec lesquelles on peut avoir une bonne qualité sonore. D'accord. Voilà pour le petit récap historique. L'histoire. Après, justement, on en parlait, le rôle de la... D'après vous, quel est le rôle de la musique dans les jeux vidéo? Qu'est-ce que ça amène? Des émotions. Des émotions. L'immersion, je dirais, moi, tu vois. Ça permet de bien se mettre. T'adaptes ta musique en fonction du jeu que tu joues. Genre, par exemple, comme on disait, Subnautica, tu mets une musique un peu angoissante de temps en temps, tu mets plus de musique. Ouais. Et comme ça, tout de suite, tu sens très bien que t'es dans les profondeurs. Mm. J'ai pas peur de l'eau, mais tu vois, j'ai des angoisses quand même, pour le coup, quand je vois ça. Alors que. Je sais pas. Ok. Tu vois, c'est bien que t'en parles parce que ça me permet de faire une transition. Quand on y pense, en fait, il y a quand même une grosse ressemblance avec les musiques de films. Vu que tu as forcément, ça permet de rentrer davantage dans une immersion, de renforcer la narration, comme tu disais, de transférer des émotions, ou aussi de caractériser un personnage. Oui. Mais la grosse différence que tu as, c'est que tu as pas ce côté immersif, interactif. Puisque dans les jeux vidéo, tu vas avoir le son qui se modifie, qui se transforme en fonction de en fonction de lieu, en fonction de tes actions. Oui. Tu prends par exemple Zelda, tu vas avoir si tu rencontres un ennemi, tu vas avoir une musique de combat. Ouais. Si tu vas dans l'eau, dans Mario Bros, tu vas avoir des bruits d'immersion. Et ça, c'est la grosse différence qu'il y a avec les films pour le coup. Mais le parallèle est vachement intéressant quand tu y penses. C'est vrai. Donc, Marie, t'en penses quoi, Eliette? Je te vois me faire des petits signes. Non, je suis d'accord, après on soit. Près du micro, c'est mieux. Oui, devant le micro. Excuse-moi. Non, en soi, oui, c'est différent quand même dans les films, mais après je trouve que dans les films aussi, t'as ce côté-là de genre un tel lieu représente. Enfin, une musique qui est liée à un lieu ou un personnage, comme on a vu même ce matin. Bref. Mais avec Vincent. Mais oui, après oui, tu peux avoir un thème et justement c'est vachement lié que tu as un thème par personnage que tu retrouves dans les films et souvent aussi dans les jeux vidéo, souvent dans les jeux total. Dans les thème séries de... peut-être. Dans les séries aussi, mais bien présent aussi, un peu ça. Moins quand même. Un peu moins, mais c'est vrai que je pense que tous les jeux vidéo ont au moins un thème par personnage. Ouais, en c'est général, ça. Oui. Dans, on prend par exemple FF, ils ont tous un thème bien distinct pour chaque personnage. Et justement, qui apparaît quand le personnage justement est là et présent. Une action badass. Ou, voilà, ou une action badass, ou même un truc très. Enfin, ouais, souvent, Final Fantasy, ils font vraiment bien ça, je trouve. Ouais. Donc, pour le coup, dans une séquence. C'est level up en musique. Enfin, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Ça marche aussi dans les jeux Pokémon, notamment avec les différentes équipes qui apparaissent quand t'as ton rival, t'as les champions, t'as la ligue, t'as les Pokémon sauvages, Cynthia. Le ça cimetière. Fait partie de mon top 5 des musiques que je préfère. Je l'ai même écouté. Celui de Safrania, c'est ça ? Non, Cynthia quand t'affrontes dans la quatrième génération. Ah, Cynthia, j'ai compris. Cynthia. Du coup, j'étais là dans les premières générations. C'est pas exactement pareil. C'est l'aventure. Pas tout à fait oui, Cynthia, c'est Ruby, Saphir et Émeraude, si je me trompe pas. Putain, je vais le frapper. Quatrième. Oh merde. Pokémon Diamant Perle. C'est la maître. Et Ombre. C'est la maître de Carmage. Oui. C'est Cynthia. Excusez-nous, on a un pro, pardon. Non, un gros fan, c'est tout. Non, t'as raison, 4ème génération, c'est Dialga, Palkia, etc. C'est juste légendaire. Ouais. Enfin, c'est l'une des musiques les plus cotées dans Pokémon. Hein. De toutes les musiques qui peuvent exister dans Pokémon, le thème de Cynthia, c'est l'une des meilleures. Pas pour moi, pour les autres. Ah oui. Pas pour moi aussi. Je fais une petite transition dans ma rubrique. Est-ce que tu sais justement comment on appelle une musique comme ça ? Une musique principale, enfin en tout cas une musique qui est à la fois le thème principal mais qui est aussi une musique interactive pour le coup. Main theme. Alors, non. Main theme. Main theme, je sais pas comment tu le dis. Oui, alors oui, mais en fait on appelle ça une musique fonctionnelle ou interactive pour le coup. Voilà, on apprend tous quelque chose. On apprend tous quelque chose. Ouais. Dans Peck Avenger, on apprend des choses. Ouais, c'est pas faux. Donc ça me permet de faire ma transition, forcément dans les jeux tu as différents types de musique parce que c'est pas juste une musique de son qui revient tout le temps. C'est ça, donc, faut réfléchir. Tu as souvent donc un thème principal. Tu prends Battlefield par exemple, même s'il est modifié, tu as toujours plus ou moins les mêmes rythmiques, tu as plus ou moins toujours la même mélodie qui revient. Tu vas avoir une musique de fond qui peut soit revenir, ça dépend des jeux, mais parfois elle revient en boucle, tu vas l'avoir 2-3 minutes. Tu prends par exemple, je sais plus. Ou alors tu vas avoir, ça dépend. Tu peux avoir, en fait, tu peux avoir une musique qui change, ou alors qui revient tout le temps. C'est juste infernal. T'as dû écouter beaucoup de. C'est de la torture à ce niveau-là. Oui, j'en ai écouté des masses. Ah mais j'en ai écouté plein, vraiment. Et si on squeezait ça. Non mais heureusement t'as quelques jeux genre où vraiment ça change. Et en vrai il y en a pas tellement. Tu prends Rayman par exemple, où t'as une playlist, tu sais, t'as une espèce de playlist et les jeux se mettent, changent au fur et à mesure. Les jeux, je suis fatiguée. Les musiques changent au fur et à mesure. Ouais. Mais en fait c'est plus ou moins toujours le même rythme. C'est. Bah y a beaucoup de jeux comme ça. Même Mario. Ça se répète aussi. Pokémon, il y a certains sons qui se répètent. Mais il s'est fait exprès par contre. Il y a le son des premiers Pokémon, il est même dans le 7ème, voire 8ème je crois. Là. Ouais. Mais différent à chaque fois. C'est ça. Enfin, légèrement différent, mais la même rythmique. Ouais. Voilà. Après, dans les deux cas, que ce soit une musique qui change ou que ce soit la même qui revient en boucle, t'as quand même deux types de musique. T'as les musiques originales, donc tu vas voir des compositeurs bien connus, comme, je vais te faire plaisir Elliot, comme Hans Zimmer, il va y avoir Nobuo Uematsu. Que vous devez connaître. Ouais, bien sûr, non. Je connais. Je te vois à tes yeux. Si ça se trouve, en fait, je connais la musique, mais je connais pas la personne. Non, tu dois connaître les musiques si je te devrais écouter. Ouais, c'est ça en vrai. T'as aussi, par exemple, j'avais noté Koji Kondo, le compositeur de Zelda. Voilà. Tout à fait. Bravo, Eliette, voilà. Une vraie fan. Voilà, merci. D'ailleurs, on aura une petite. Elle est gentille, Eliette. On aura une petite présentation de compositrice, je crois. Oui. N'est-ce pas, Elliot ? Ouais, je spoil un peu. Mais c'est pas celle de Zelda. Non. Non. Mais elle a fait une collab avec. Oh. C'est intéressant. C'est bon à savoir. Voilà, donc toi, soit tu as, comme on disait, soit tu as les bandes originales, ou alors tu peux avoir des playlists et des compilations. D'ailleurs, je vous partagerai demain sur Facebook une playlist. De musique en fait à ajouter que tu peux mettre directement sur ton gameplay c'est une musique enfin une playlist qui a été créée par PDV Nova. Elle est très très cool. PDV Nova. Mais t'as dit PDV. Alors, qu'est-ce que c'est que PV Nova? Ouais. Un compositeur. C'est un youtubeur. Ouais, c'est un youtubeur qui travaille des musiques. Ouais. Qui crée, qui parle de musique. Et... Bah, il a fait le rap philo. Mmh. Que ça veut dire quelque chose? Non. Il y a le rap et philo déjà. Vous avez deux qui va pas ensemble. Vous avez jamais entendu? Oh non. Non. Oh, je vous ferai écouter. Si vous connaissez musique, pas, allez écouter. C'est très très bas. C'est pas vraiment. En fait, c'est juste. C'est pour aider aux révisions du bac. Pour la philo, en fait, ils ont fait. C'est de CAP. Non, mais en vrai, c'est cool. Moi, j'aime bien. J'ai eu mon bac, donc je m'en fous. Je pense qu'ici, on a tous eu notre bac, mais bon. Non, mais allez écouter. T'es sûr, Marguerite, que tu l'as eu? Je sais pas. Je te croyais pas majeure en fait. Oui, elle vient d'être majeure. Je suis petite, mais c'est pas une raison pour m'insulter, d'accord? D'accord. C'est vrai qu'ils sont morts, ils sont jeunes. Pas tous. Il y a que Charles qui est vieux. Je suis pas le seul de plus de 20 ans ici. Non, ah t'as plus que 3 et 0 toi. Je vous emmerde. Je crois que ça va même jusqu'à 34. Hein. Tu avais un petit top 5 des musiques préférées de Peck Avenger, si oui, je me trompe pas. Oui, j'y arrive. Ah tiens, ok, je voulais pas te couper. Non, si mais il n'y a pas de soucis, au contraire, on discute, on va au fil des conversations, c'est cool. Est-ce que vous connaissez, j'avais juste une question pour vous, est-ce que vous connaissez des remixes? Oui. Que vous aimez bien. Oui, oui, oui. Bah, par exemple, la musique de Skyrim, Dragonsborn, elle a été reprise par une artiste Inester, Lindsay Sterling. Ah ouais? Elle l'a fait en duo avec un mec, alors je sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai écouté, franchement, ils le font super bien. Ouais. Et même le clip est intéressant. Oui. Parce que. Faut se rendre compte. Oui, voilà, enfin, ils font un combat. Et en fait, tu vois l'interface du jeu de Skyrim. De Skyrim, ouais. Le mec il donne un coup, la fille elle recule comme si elle était désarmée, comme dans Skyrim. Ah si, je crois que j'ai vu. C'est magnifique cette ça action. Ça me dit quelque chose. Mmh. C'est mon action préférée. Quelqu'un d'autre a un remix qu'il aime bien? Bah toujours dans Skyrim, c'est bon, c'est de la version électro, mais ça reprend bien le main theme Dragonborn que je crois on va écouter tout à l'heure. D'ailleurs. Ouais. De gros spoil. Gros spoil, allez. Bah, on va dire c'est le main theme, mais c'est celui qu'on nous joue quasiment. Tout le monde le connaît. Voilà. Ouais. Tu le chantes, tu le hurles. Bob Lennon l'a repris. Tout le monde connaît Fous Rondes. Il y a un remix. Il y a un remix qui existe sur Tony Hawk. C'est pas le Underground. Ça doit être le Underground 2. D'accord. C'est un jeu de skate. Je crois qu'il est pratiquement introuvable sur internet. J'ai cherché pendant des semaines. Tu l'as écouté où alors? Je l'avais sur c'était un CD qui était à l'intérieur d'un magazine spécialisé dans les jeux vidéo. Ah oui, ok, ouais, donc le truc. Et genre, j'ai perdu le CD déjà. Et pour retrouver le son sur internet, sur YouTube, partout, impossible. C'était peut-être un truc privé. Si vous connaissez le son de Tony Hawk remixé, Underground 2. Underground. Après, il y en a plein des musiques. Moi, j'en ai un. Envoyez-le nous. Ouais, avec plaisir. Faisons ça. Avec plaisir. Moi, Mathilde, j'ai un remix que j'aime bien. C'est Little Less Conversation de Elvis Presley. D'accord. Voilà. Il a repris quel jeu? Il a repris. Dans aucun jeu, voilà, t'as du remix. Aucun jeu, aucun jeu. Il y avait juste un jeu. Gaëlan, tu sors, t'es plus impeccable. Je sais, mais Gaëlan. Voyez, est-ce que vous savez pourquoi on fait des remixes? Parce que c'est bien d'en écouter, mais pourquoi on en fait? Un remix de Dragonsborn, par exemple, c'est parce que la musique est tellement célèbre que tout le monde veut se l'approprier. Enfin, pas se l'approprier, mais tout le monde a envie de. D'exprimer sa façon de voir mettre sa patte. C'est ça. Ouais. Ok, mais il n'y a pas que ça. Ah bah, je sais pas. Je vais vous apprendre des trucs. Vas-y. Tu vas voir, alors, oui, dis-moi. Et après le top 5. Et après on vient au top 5. Ah. Je sais que vous avez envie de ce top 5. Ah oui. Non mais comme les auditeurs là, je suis sûr. On est parti pour une émission de 3 heures là, je dirais. Non, j'ai quasiment fini. J'ai dit non pour passer sur notre radio ce soir. Donc deuxième. Mais les interviews étaient longues aussi, c'est pour ça. Les interviews étaient longues. Donc t'as plusieurs cas pour le remix. C'est soit parce que tu as un jeu forcément qui est remasterisé. Donc comme la bande son est trop vieille, il faut la refaire. Tu peux avoir comme des jeux par exemple comme le circuit rétro Mario Kart 8, une remise au goût du jour, tout simplement. Mmh. T'as un clin d'œil, un autre jeu, ça c'est très très très très souvent. Tu peux avoir aussi pour marquer une évolution, pour renforcer l'identité d'une licence. Tu prends Battlefield par exemple, comme je vous disais, il y a toujours le même, j'ai le nom en anglais, le même, t'as toujours plus ou moins la même rythmique. Mais... En fait, les accords sont plus ou moins les mêmes, mais justement, ça peut être soit la rythmique qui va évoluer, soit le genre aussi. Bon, on peut faire de l'électro, Pokémon, comme du rap. C'est exactement ça. Je comprends ce que tu veux dire. Dans Pokémon, en fait, ils ont toujours la même chose. Mm-hmm. De base, c'est la même musique, mais fait avec des instruments différents, des trucs différents. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, c'est remis au goût du jour. Il manque des termes musicaux. C'est électronisé, oui, c'est normal. Ça. Il y en a, c'était un peu plus électro. Il y en a, c'était un peu plus punk, agressif. Ouais, c'est comme quand tu remasterises, en fait. Ouais, c'est que tu vas rajouter des basses, tu viens. Exactement. Prendre ça un peu plus électro en fonction de Tu changes de musique sans la changer. C'est exactement ça. C'est fort. Tu la modernises. C'est plutôt cool. Ouais. Et enfin, tu as forcément les remixes de fans, donc ce que vous disiez. D'ailleurs, j'aurai une playlist. Vous aurez une playlist demain de disponible. Vous connaissez la chaîne de Too Project, je présume. Non, ça ne dit rien du tout. Non. Moi et les OST de jeux vidéo, c'est zéro quoi. En fait, c'est une franchise. De base, c'était plein de fans qui se sont réunis pour faire des remixes de musique. Et c'est devenu tellement gros, en fait, c'est devenu une franchise. C'est une industrie, non ? Ouais, c'est vraiment une industrie. Ils vendent des CD, enfin, c'est assez impressionnant. Et t'en as une un peu plus petite, mais bon, c'est pas une franchise, mais t'as beaucoup de fans dessus. C'est la plateforme Overclock. Alors, c'est chiant à prononcer. Overclock Up Remix. Et il y a des trucs cool dessus. Je suis allée un peu écouter, c'est pas trop mal. D'accord. Voilà, c'est plutôt cool. Écoute, t'as bien bossé. Écoute, j'ai pas mal bossé en vrai. Hein. J'ai fait plein de recherches, c'était cool. Je suis fier de toi. Bah, comme on parle de remix, je voudrais faire un petit aparté. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Epic Pixel Battle. Oui, si absolument pas. Oui. Bah, justement, ils font des espèces de remix de rap en fait, enfin des battles de rap tout simplement sur des thèmes donc de la pop culture. Ah, ça peut être de jeux vidéo, des animés. Genre t'as Sacha contre Yugi, je sais pas moi. Sacha contre Yugi. Oui, Yugi, c'est moi, Yugi Moto. Je suis en train de le regarder, je me rappelle. Là, il va juger grave, je le vois dans son regard. Je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh! Attention! Enfin, vous voyez bien le gars qui est trop fan et qui vous regarde méchamment parce que vous avez dit de la merde. Bon, voilà, c'est le regard qu'on lance actuellement. Enfin, voilà, en gros, c'est que des Epic Battles et c'est super stylé. Et n'hésitez pas à écouter. Il y en a des très très cool en vrai. Je sais plus la dernière qu'ils ont fait, mais t'as des trucs du genre, à un moment donné, t'avais Jack Frost contre la Reine des Neiges. Oui. Bah oui, justement, il est excellent. C'est très drôle. Non, mais c'est débile! Très drôle et c'est vraiment très bien écrit, donc franchement n'hésitez pas. Epic Pixel Battle sur YouTube, je sais pas où vous voulez, bref, vous trouverez. Démerdez-vous. C'est dans le même genre que les cassos, c'est très drôle. Ah oui. Et donc on arrive enfin au top 5. Tu allais le dire, Teddy. Eh oui. Exactement. Bon, on va pouvoir se mettre quelques petits sons. On commence par donc la musique Dawkins Suit du jeu Dawkins Suit. Donc c'est notre 5. Donc c'est du jeu Beyond Two Souls. Tu connais, je crois, Elliot. Quoi ? C'est un jeu qui parle de quoi ? Alors, c'est un merveilleux jeu qui est sorti en 2013 sur PS3. C'est principalement une exclusivité Sony. Ouais. Désolé pour les joueurs d'Xbox. Pour résumer, c'est incarne le personnage d'Ellen Page parce que en fait, c'est un jeu qui est fait en motion capture. Et en gros, c'est-à-dire qu'ils ont collé plein de petits points sur les vrais acteurs et comme ça, tu les incarnes vraiment. Donc, c'est très réaliste. Ouais. Donc, tu as Ellen Page et Willem Dafoe. Qui joue le bouffon dans Spider-Man. Mais c'est ça. Oui. Voilà. Exact. Non, tu ne vois pas. C'était pas. Je suis pas de l'escalade. Non, mais c'est pas. La culture quand même. Tu parles du jeu à la rigueur. Le bouffon vert. Ouais, le bouffon vert. Le bouffon vert aussi, je connais. Voilà, donc dans les premiers Spider-Man. Ouais. Et en gros, c'est le personnage d'Ellen Page qui. C'est Jodie, elle s'appelle, je crois. Ça fait longtemps. Et en gros, t'incarnes sa vie, son évolution. Elle a connecté une sorte d'âme, en fait. Tu vois. Après je peux pas vous en dire plus parce que ça fait très voilà, c'est un jeu magnifique, c'est quoi, c'est un jeu très très beau. Et en fait c'est vraiment le principe de je sais plus le nom exact, mais en gros tu fais une action, t'as une question, t'as un narratif, choix, tu vois. C'est ça. Ismaël, toi tu le savais, c'est un jeu narratif. En gros t'as des choix à faire. Oui. C'est des jeux narratifs, c'est. Merci. Ouais, non, mais je sais pas ce que vous dites parce que vous avez raison tout simplement. Il y a un mot anglais là-dessus, mais. T'avais pas un mot anglais. On se tourne vers toi parce que. Narrative. Non. Ok. Bon, en tout narrative, cas, c'est un. Mais bon, ouais, c'est un jeu narratif où en gros, genre tes réponses ont une conséquence sur la fin. Donc t'as des milliers de possibilités de fin et c'est très très bien comme jeu. Ok. Donc voilà. Ça c'était notre 5. C'est notre 5. Donc d'accord. On va passer au 4. Ah, il était très joli. C'est toi que je regarde, Charles. Très douce. Ah, bonjour. Donc ça c'est un jeu qui vient de. De quoi ? C'est un petit clin d'œil à son. À son ancienneté, à sa passion, à sa passion, basket, bien évidemment. Non, on va pas parler de sa passion pour Pong. Parce que j'ai joué à Tony, j'ai arrêté Pong. Donc c'est Tony Hawk's Underground. Moi, c'était Pro Skater. Ah ouais. Alors, c'est pas le même style. Grosse franchise. Ouais. C'est très cool. Énorme franchise, beaucoup de ventes, énormément de ventes, et c'est quand même. Le jeu le plus connu de skateboard. Il y en a pas d'autres en fait connus. Il y a Tony Hawk en fait. Après l'équivalent en BMX, ça va être Matt Hoffman, mais en skateboard, ça reste Tony Hawk. Il y a que ça. Il y a que lui qui existe. C'est le meilleur pour ça. C'est le meilleur et c'est le plus sûr. Mmh. Avec des vrais skateurs comme Rodney Mullen, comme Rick Coston, Tony Hawk justement. Si je me trompe pas, c'est lui qui faisait des trucs de ouf à Paris, des défis de ouf. Ouais, il a fait le 900 degrés. Il a fait le 900 degrés. 900 degrés, c'est, ça fait beaucoup de tours sur soi-même avec un skateboard. Ouais. Et c'est le premier être humain à avoir placé cette figure dans l'histoire de l'humanité, justement. J'ai vu des trucs, justement, sur Tony Hawk's récemment. En fait, il a créé une spirale, ça fait ça, et juste ça. Et en skateboard, en fait, il le faisait comme ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas dans l'air. Hein, c'est... Il devait rester sur... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Un peu comme Sonic. Tu vois, les boucles dans Sonic, eh ben, il faisait la même chose. Et en fait, lui, il l'a pas fait. Il a dit à tous ses potes skateurs, à tout le monde, venez, je vais vous faire essayer ça. Vous pouvez le faire. Et du coup, ils ont essayé plusieurs fois et tout. Au début, ils mettaient des matelas, puis après, ils se sont lancés. Il y en a quelques-uns qui ont réussi. Ça existe depuis quelques années déjà, et ça se fait... Ça se fait de plus en plus, mais c'est très très dangereux parce qu'en fait, si tu tombes, tu te fracasses la tête concrètement. Oh, ils avaient les pompiers à côté, le camion ouvert, je les attendais. Mais c'est avaient incroyable. Des casques et tout. Et y avait ils font ça dans Jackass. Mais il y a un. Mais il meurt quand même. Il y a un mec qui faisait du roller qui a. J'ai oublié son nom, mais c'était un Français qui avait sauté de la Tour Eiffel aussi en roller. Oui, c'est ça. Quoi ? En roller ? Mais du premier étage de la Tour Eiffel. Ah, premier étage ? Mais même premier étage ? Premier étage. Ah, oui. Avec un tremplin. Avec un tremplin, bien sûr. Il a pas sauté juste comme ça. Il y en a un qui a fait ça, il est mort. Hein, oui, mais lui, il voulait pas faire des rollers. Il s'est pas suicidé avec ses rollers, il a fait vraiment du roller. C'était le tremplin devant, descendait. C'était fait. Devant les caméras. Il y en a un, c'était pas pour se suicider, c'est qu'en fait, il voulait tester, je sais plus ce que c'est, il avait créé une espèce de système avec des ailes. Ouais. Et il est mort comme ça, en fait. Ah, mais il est con. Son truc s'est pas ouvert, en fait. C'était une espèce de parachute qu'il avait créé. Avec des sacs poubelles. Non, c'est pas ça. Non, c'était une vraie invention, en plus. C'était une vraie invention, mais il marchait pas. Mais je pense pas qu'il en vendra beaucoup. Par contre, il non, l'a breveté. Non, je crois aussi. Hein. Non, mais ça date. Hein. Je pense que ça fait partie d'une des morts, enfin du top des morts les plus connues. Les morts insolites. Oh, les Darwin Awards. Ah, est-ce que oui. Vous connaissez les Darwin Awards? Oui, c'est les plus connus. C'est magnifique. Si tu viens dans Actu Soleil, tu nous en parles. Ah, mais carrément, c'est trop drôle. Bah. Juste pour que vous sachiez ce que c'est, en fait, c'est les morts les plus ridicules. Mais c'est très drôle. Tu dis non, faut pas rigoler avec ça. Et quand tu lis, ah oh, si, il faut rigoler avec ça, quoi. Si. En fait, quand tu lis, tu dis c'est pas possible. Tu l'imagines pas. Et du coup, tu rigoles parce que c'est nerveux. C'est nerveux. Tu dis il y a des trucs complètement. Voilà. Le lundi, dans Actu Solite de 21h à 23h, si tu viens, tu nous fais une rubrique les Darwin Awards. Ah mais carrément. Mais j'en ai plein. C'est noté. Pour en revenir à la musique de Tony Hawk, c'est souvent des musiques comme Sum 41, Link 181. Oh, Sum 41, bien sûr. On retrouve souvent The Offspring aussi, beaucoup de musiques comme ça. C'est du rock un peu, non? Beaucoup c'est de du rock garage, mais vers la fin, punk un peu. Vers ça la dépend, fin, ouais. On a quand même, ça dépend des endroits où se situe l'action. Mais par exemple, suivant la Floride ou la West Coast ou la East Coast, ils attaquent on la peut musique. Avoir aussi du hip-hop, du ouais. Hip-hop de Floride, aimé, du hip-hop ouais. De West Coast et du hip-hop de East Coast. J'ai écouté, j'ai écouté l'album parce que c'est tout l'album que j'ai téléchargé. Et ce qui est ouf, c'est que d'une musique à l'autre, t'as l'impression que c'est pas du tout les mêmes artistes en fait. Ouais, c'est ça. Parce que le style est jamais le même. Tu vas passer du hip-hop à, comme tu dis, ouais, du hip-hop, rock, du métal, rock, du rap même à certains moments. Enfin, c'est. Oh, et puis c'est cool en plus. J'ai tous les styles, j'ai adoré tous les styles. Il y a vraiment des gros gros artistes, des grosses têtes d'affiches qui sont sur la BO de ce jeu. Bah rien que de dire Sum 41, ça suffit à moins qu'il y ait une grosse tête quoi. Là, ce qu'on a écouté, c'était un extrait de l'album de Armageddon, je vais y arriver. Ouais. Mais je sais pas s'il y a d'autres artistes pour le coup, il me semble que c'est que les mêmes. En tout cas pour cette VO là. Je crois. Je sais pas, faudrait vérifier. Bon, on va passer à notre 3. Ouais. Donc, qui est tiré de Assassin's Creed 2. Enfin, tout. Des fans d'Assassin's Creed. Et est-ce qu'il y a des fans d'Assassin's Creed? Oui. Le 4, Black Flag. Non, ah, il y en a quelques-uns. Moi, j'adore le film. J'ai fait toute la saga en jeu vidéo. Ah, j'ai bien aimé le film aussi. Non, je déconne. On rigole pas comme ça avec mes émotions, là. Bon, pour que vous sachiez, là, c'est donc, le thème de Ezio's Family. Oui. J'aimerais bien avoir un peu votre avis sur le jeu. J'y ai pas joué. Le 2 Le jeu Assassin's Creed, aucun avis. Un des jeux. Assassin's Creed 2, tiens, puisqu'on parle alors, de celui-là. Le 2, je me rappelle. C'est celui que non, non. En fait, moi, j'y ai joué à certains, mais c'est plus mon frère, en fait, il a joué à tous, et je le regarde les faire. C'est un concept dans le gaming, toi, tu regardes les autres faire. Moi, je regarde en direct, à côté de lui. Et franchement, il a joué avec Ezio, et je trouve que c'est un personnage assez marquant. C'est l'un des seuls que j'arrive à retenir avec Altaïr et... Et c'est tout. Ouais, voilà. Premiers, ouais. Voilà. Les autres, j'arrive pas à les retenir. Pourtant, il y avait des trucs vachement bien dans les autres, mais il est marquant et il est attachant comme personnage. Et on en voit plusieurs fois, je crois. Et bah, c'est le seul qui a vraiment 3 jeux vidéo à son nom. Quoi. Ouais, puis quand vous écoutez la musique, je trouve qu'elle est. Comme tu disais, c'est une des plus marquantes en fait. Ouais. Elle est. Ouais, tiens. On vote. Les musiques sont bien faites. Les musiques sont bien, elles sont très, enfin c'est hyper varié. Parce que même dans la saga, enfin dans le jeu Brotherhood, donc qui est la suite du deuxième, t'as un côté beaucoup plus rock. Je sais pas pourquoi, mais t'as beaucoup des sons, des tonalités plus rock, c'est comme ça. Donc ils sont, enfin c'est vachement varié. Enfin ça reste très classique, mais pourtant tu vois, genre t'entends régulièrement comme des sortes de guitares électriques, des choses comme ça et tout, qui, ça marche bien. Mais je sais pas si vous ressentez, c'est italien. Ouais. En Italie que ça se passe. Est-ce que vous ressentez la note italienne? Ouais, c'est vrai. C'est, non, j'y pensais en plus tout à l'heure, c'est marrant. Je trouve qu'ils ont bien. On l'entend bien, ouais. T'as une tonalité. Le petit violon aussi, un peu aigu. Enfin, je sais pas si c'est violent, mais. Ouais, c'est violon. Je crois que t'as un mélange, ouais. Toi t'as un mélange de vin. Qui a commandé des pizzas tout à l'heure, t'as bien senti la note italienne aussi? Bah, pour le coup, ça t'avait que pas du tout. On fait des petits bisous au Seven, à Amboise, en région centre, qui nous font des pizzas tous les jeudis pour eux. Mais quand même. La pizza orientale, bon, ouais. Un petit peu plus de garniture, c'est pas... Ça pourrait être pas mal, en effet. Ouais. On leur dira. Bon, on va passer à notre top 2. Ça commence à devenir sérieux. Pourquoi ça commence à devenir sérieux? Bah, quand même, top 2. C'est bah, top 3, c'est déjà sérieux. C'est... Top 3, c'est de... ça commence à déjà devenir pas bon, mal. Ok, c'est top 2, c'est très sérieux. Top 2, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour. Ah. Ouais. On a combien de gens d'ailleurs ici qui l'avaient mis en top 2? Tout le monde sauf Cindy, en vrai. Moi, sauf Cindy. De PK Avenger, on a tout le monde sauf Cindy. Alors, tout le monde sait c'est quoi le top 2? Parce qu'en fait, on le dit pas, mais les auditeurs ils sont en train de se dire il se passe quoi là? Bah, en fait, je vais vous le donner. Vous inquiétez pas. Ah, oui, non, mais attends, c'est pas ça. Marguerite, elle nous a demandé à chacun d'entre nous de lui donner 5 musiques qu'on aime. Oui. Et du coup, après, elle a sélectionné certaines musiques, elle a fait voter pour 3 musiques. Et après, j'ai fait un petit sondage et j'ai vu ceux qui revenaient le plus. Voilà, c'est ça. J'ai un petit ordre. Donc, notre musique. Eh bien, c'est Warriors de League of Legends par Imagine Dragons. Yeah. Je pense que tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois. Et laissons-nous apprécier ce bon son. Non, non, on va parler quand même. Oh, elle est bien, cette musique. Ça change la musique, c'est bon. C'est pas le même genre. C'est pas le même genre, ouais. Parce que je trouve, par contre, ça reflète pas le jeu. Ouais. Ah, si. Non, si. Après, c'était un teaser du jeu. Oui, voilà. Elle est trop bien. Franchement, je trouve que ça fait bien... Ça fait bien pour annoncer un jeu, par contre, ça... Ouais. Tu pourrais pas l'entendre en jouant, quoi. En voilà, c'est ça. C'est... Alors que celle des duos, tu peux. Ouais. Alors que là, non. Non, c'est parce que c'est pas une... C'est pas une musique d'ambiance. Voilà, exactement. Ouais. On n'est pas sur la même chose. Là, c'est la musique qui présentait les championnats du monde 2014. Mmh. Donc là, c'est pour ça qu'on a les paroles et que dans le clip vidéo, on voit bien les équipes qui s'affrontent. Ah, c'est trop voilà, bien, c'est vraiment épique. Si vous voulez regarder ça, c'est... vous allez chialer si vous aimez l'e-sport. Quoi. C'est pas les voitures électriques. Excusez-nous, monsieur le maire. Ah non. Mais pourtant, ce n'est que le deuxième. Ouais, le premier. Et quel est le premier alors? Alors, le premier, par contre, vas-y, on Pierre, le laisse pas. Okay. D'accord. Je propose de faire une pause musicale avec la première chanson. Coupe le micro. Tu disais, mais on t'a pas entendu? Ah, tu t'es trompé? Ouais, non, du coup, c'est Skyrim. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de musique de Final Fantasy. Il y en avait une, mais je faisais un top 5. Oui, lesquels? Hein? FF4, le main theme principal. Mais il est très cool d'ailleurs. Les musiques de Final Fantasy sont très très cool. Pardon. Vous l'aurez reconnu, c'est The Song of the Dragon Man, c'est ça? Yeah! C'est un pyro barbare massacré, déchiqueté au fil de son hachoir avec un bel bien sa fidèle escarpe. Non, karaoké, c'est parfait. Ah non, mais elle est trop bien. Non, bah, c'est la reprise par Bob Lennon. Tu commences là-dessus, attends, t'allumes le jeu, t'es sur l'écran de chargement, t'as ça. Tu commences là-dessus. Tu sais que ça va être épique. L'écran de chargement, tu vois, t'as l'écran de menu. Juste ça. Tu commences là-dessus, t'as acheté le jeu, tu l'as attendu. Tout le monde l'a attendu, ce jeu-là. Ouais. Bah, de toute façon, on en reviendra tout à l'heure pour en parler plus explicitement. Après, là, t'as une image qui est devenue un mème légendaire. And I took an arrow in the knee. Ouais, mais je sais pas. I used to be an adventurer like t'as un mec, en fait, t'es dans une charrette, en fait, tu te réveilles, t'es dans une charrette et t'as un mec en face. Ah, ça y est, tu es réveillé. Ah, mais oui, j'ai même vu un coussin. Oui, justement, avec ça. C'est un mème légendaire. Ah, c'est ça, ce mème. Oui. Ah, ça doit être le deuxième, parce que moi, je connais le premier. C'est quoi? Bah, c'est l'histoire de. J'étais un aventurier comme vous et puis j'ai pris une, alors, oui, une flèche dans le genou. Mais, chronologiquement, tu vois les gardes qu'après. Oui, c'est vrai. La garde Blanchefleur qui arrive après. Voilà. Mais oui, effectivement, les paroles des gardes. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Ah, mais c'est ça, vous en aviez parlé. Ouais. Mais apparemment, c'était une expression. ça veut pas dire en gros qu'il a vraiment pris une flèche dans le genou. Ça veut dire qu'il s'est marié. Ah! c'est une expression de l'ancien temps apparemment. Mais putain, d'accord. Moi je préférais l'image de la flèche dans le genou. Bah ouais, moi je trouvais que c'est épique. Genre, ouais. Je me suis pris une flèche, je suis plus aventurier, je suis regarde. Voilà. Mais bon, le mariage, c'est ce qui t'attend. C'est chaud quand même. C'est ça. Ouais, c'est assez drôle. Bon, je finis ma chronique juste pour sur une petite annonce. Non. Donc, j'ai envie, je te laisse pas le choix. Voilà, pour vous dire donc demain soir, normalement, vous aurez un post Facebook avec 4 différentes playlists. Oui. Donc des playlists Spotify que vous pouvez mettre avec l'appli. J'ai découvert ça avec l'appli PlayStation Music. Tu peux mettre tes propres musiques sur ton jeu. Je savais pas si vous étiez au courant. Non. Pas du tout. Tu peux mettre des playlists. Tu mets ce que tu as envie. Et vous retrouverez donc ces quatre playlists-là. C'est bizarre d'écouter une musique d'un autre jeu dans un Qu'est-ce jeu. Que tu fais ouais. Bah pas nécessairement, parce que tu vois par exemple la playlist de PNV Nova, c'est des musiques, c'est principalement de l'instrumental, ouais. et ça se prête assez bien en fait. Ouais, est-ce que c'est une musique d'horreur dans Mario? Ça dépend du jeu auquel tu joues, je pense. Ou parce que Mario, genre, imagine, genre tu mets du Final Fantasy et tu mets, je sais pas, un son de rap, ça passerait pas, tu vois. Ah ouais, non. Alors là, le truc, c'est que c'est pas des... les playlists, c'est globalement, c'est pas des musiques de jeu. Vous avez okay. des playlists avec des musiques de jeux, genre tout project, ce genre de trucs, des remixes. Mais non, globalement, c'est pas des musiques de jeux, c'est pour ça. C'est pour ça que d'accord. ça passe. Okay. Très bien. Mais sinon, je suis d'accord, ce serait étrange. Ouais, je pense. Et je rends l'antenne, t'as dit. À propos de musique. Je vais appeler Théo. Tu rends l'antenne. Ok, je pose mon micro. Je jette mon micro. On en a besoin. Là, on va écouter une musique. On va écouter Troubling Light. C'est un match-up entre Ellie Goulding et Ashley. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais c'est ton accent. Non, mais ton accent est incroyable. C'est écrit Troubling Light. Troubling Light. Non, c'est trop moche. C'est fait bah, trop. C'est comme ça que ça se dit. Ça se dit comme ça. Non, non, voilà, je suis français. C'est la langue je vais dire allemand. Troubling Light, c'est Troubling Light. un match-up de Ellie Goulding et Ashley. Vas-y, lance-le avant qu'il m'interrompe. Peak Avengers sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo E.T. sur Atari. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peak Avengers. J'en ai marre de lui. C'est pas une spéciale Star Wars. On fait pas piou piou piou. Et même, il aime pas Star Wars. Non, mais il faisait piou. Ouais. Il faisait piou. Et piou, c'est bah, les bruits des lasers en fait. Piou. Dans Star Wars, ça fait piou piou piou. Si je me trompe pas. Voilà. Non, mais c'est un très bon bruitage. C'était notre gamin du jour. Enfin, notre gamin. Je sais pas si vous avez entendu jingle. On est Peak Avengers, c'est mieux que le jeu E.T. Alors, Piou le jeu, oui, c'est sûr à 100%. Le film, peut-être pas. On sait pas. Galen, bah, respectez-nous, s'il vous plaît. On est mieux que tout, de toute façon. C'est vrai, on est les meilleurs. On est même mieux que PA, l'émission de Domingo. Évidemment, mais je sais pas qui c'est. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Allez, vous connaissez pas Domingo? Je connais que les meilleurs, bah, si, les meilleurs. Domingo. Bah, il a travaillé sur Energy. Il était sur Energy avec le Domingo Radio Stream tous les dimanches soir. Je connais Doflamingo. Pardon. Petite référence à One Piece. Et pour ceux qui aiment pas les One Piece. Ça va, c'est sympa. Bon, ça vieillit mal, je trouve. Plus ça va, plus ça dure ouais. long. Ouais. C'est ça, moi je trouve ça dure long. Il est temps que l'auteur il meure, qu'ils arrêtent. Faudrait que ça avance Désolé, dans hein, l'histoire mais... et que ça aille jusqu'à la fin. Là, ouais. Je pense. Faudrait qu'ils trouvent le One Piece enfin. C'est ça, une pièce. Non, du coup, là ça va être à Elliot de le faire. Mm-hmm. Faut pas que je dise du coup. Mais bon, je suis pas à l'escalade donc j'ai le droit. Non. Du coup, Elliot, c'est quoi ta rubrique? Oui, du coup. Vous présenter une présentatrice, bien sûr, une compositrice japonaise qui a composé pas mal de jeux, je pense que vous connaissez. Bah, je sais pas, dis-nous. Vas-y, dis-nous. Hein. Ok, non, j'ai pas. T'occupe pas des garçons, ils sont non, bah, Teddy est ailleurs. Qui est considérée comme la plus célèbre compositrice de jeux vidéo féminine au monde. Donc, c'est pas rien. Je pense que c'est lui-même l'une des rares. Je juge pas trop, mais je pense que le monde de la composition de jeux vidéo est quand même très masculin. Ouais, il y en a très très peu. Très masculin. Dans les jeux vidéo, je connais pas trop les compositeurs. Hein? Après, dans les mangas, il y a beaucoup de femmes qui font des trucs de dingue. Mais dans les mangas, par contre. Mais dans les compositrices. Mais dans les compositrices, même en termes de films, il y en a très peu. Donc, c'est bien d'en mettre un point en avant. Donc, au plus, elle a pas fait non plus des jeux vidéo quand même complètement inconnus. Non, donc, pour la petite biographie un peu rapide, elle est née au Japon en 67. Elle était fan de piano quand elle était toute petite. Elle a été même logique quoi. Depuis 5 ans, elle joue du piano. Mmh. Donc ça se retrouve vachement dans ses musiques. Quel japonais ne joue pas de piano. C'est ça. Quel asiatique, le cliché du japonais. Ils font même des films là-dessus. Donc voilà, donc même elle a une sorte de licence au piano. Enfin bref, vraiment une fada du piano. Oh. Et elle voulait devenir prof de piano, mais elle s'est retrouvée comme vendeuse de piano. Beaucoup de piano dans la phrase, la différence. Principalement, c'est ça. On et vendeuse de piscine. Vendeuse de piano dans une boutique. Et bon, bah, vu qu'elle s'est un petit peu chiée, elle a décidé d'envoyer des samples. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, des samples. Pas du tout. C'est des petites parties, de musique. Oui. Souvent, des même pour le rap, tu des peux samples. Utiliser ça. Des samples. Ah, des samples. Okay. Voilà. Donc, il y a des compagnies de jeux vidéo, de développeurs. Ouais. Et elle a été sélectionnée par Capcom. Qui est quand même de jeux vidéo. Donc pour citer Resident Evil, Street Fighter, etc., Dead Rising, Monster Hunter. Ça, petite question. Fire Emblem. Oui. Est-ce qu'elle a juste envoyé son sample et elle a pas dit que c'était une femme ou pas? Alors ça, j'ai pas forcément d'informations. On va l'appeler. Je pense que c'est le mieux. C'est pareil japonais. Okay. Mais non, mais bah, voilà. Après, c'était quand même assez mal vu. Si tu veux te répondre, genre, même par rapport à sa famille, par rapport même à la société, c'était quand même assez mal vu. Ouais. Juste même de faire de la musique et de, voilà, quoi, comme passe-temps, dans une famille très traditionnelle japonaise, c'est quand même. Okay. Voilà, c'est pas le schéma basique, quoi. Mais bon, c'est bah, foutu. Bah, parce que c'est une femme indépendante et c'est plutôt cool. Ça, c'est cool. Donc, elle a fait sa petite vie. Donc, elle a commencé à travailler pour Capcom. Quoi? J'ai vu la tête de chat. Excusez-moi, il m'a fait rire, il a fait une grimace genre. Moi je taquine avec ça. Attends, tu déconnes. Donc elle a commencé à travailler chez Capcom en 88. Et elle a sa première composition, c'est pour Samurai Sword. Je sais pas si vous avez joué à ce vidéo. Pas du tout. C'est un très, très très vieux jeu. Ouais, c'est beaucoup trop vieux. Charles, tu mais non, absolument pas. Non. C'est dommage. C'est notre seule référence. Merci, merci. C'est gentil de penser à moi là, mais oubliez-moi un peu. Il est endormi. Bah, je crois qu'Anne, peut-être, Théo pourrait nous éclairer là-dessus. Peut-être, faudrait lui demander. Donc principalement, elle travaille sur les jeux de console. Après, elle s'est vachement dirigée vers les jeux d'arcade. Donc c'est là où on peut voir la musique de Street Fighter qu'on pourra écouter juste après. Dans ces qui est une musique, là, c'était, voilà, voilà, très clair. Arcade et ça s'entend. Donc si tu peux passer la musique. Ouais. La fameuse musique. Justement, ça ressemble beaucoup à de la musique plus vite. Exactement. C'est ça. Donc c'est vraiment lié au thème de Mathilde. Et ça va recommencer comme ça, en boucle. Et faut ça dure 2 minutes. D'accord. Street Fighter qui est sorti le premier en 87. D'accord. C'est un très beau jeu. Et donc après, elle a décidé de rejoindre Square, qui est maintenant Square Enix, en 93. C'est elle qui a fait la musique de FF. Exactement. Et parce qu'elle voulait adopter un style plus classique, donc tu vois, s'éloigner un peu de l'arcade, s'éloigner un peu. Voilà, mettre un peu plus de piano dans. Un peu plus, voilà, un peu plus de sa passion. De sa vie. Donc, un peu plus de vraie musique. Un peu plus de vraie musique, on va dire ça comme ça. Et donc elle a notamment composé les Super Mario RPG, donc The Legend of Seven Stars, en collab avec Koji Kondo, donc ah oui, le compositeur donc, de Zelda. Oui. Donc voilà, oui, voilà, donc exactement en collab avec lui. Et donc elle a fait aussi Legend of Mana pour avoir un thème plus symphonique. Et d'ailleurs, Legend of Mana, c'est une de ses musiques préférées. Parce qu'en fait, elle considère que c'est là où elle a mis sa plus grande expression d'elle-même, on va dire ça comme ça. C'est dans cette musique. Et là, on voit vraiment le côté beaucoup plus symphonique et le piano qui revient et qui restera toujours dans ses musiques. Oh, c'est sympa. Mmh. Je veux. À partir du moment où t'as une pièce. Ça a l'air triste comme jeu. En fait, c'est un jeu qui travaille aussi qui, avec les 8 éléments. Mmh. Donc, et c'est encore une licence qui perdure encore. D'accord. Avec beaucoup de variantes, hein, bien sûr, mais voilà. Mm. J'ai l'impression que ce genre de jeu, tu as beaucoup justement de musique symphonique. Ouais. Mm. Après, là, en fait, je trouve qu'on retrouve un peu aussi l'habitude un peu des musiques de Square Enix en général qui sont très symphoniques. C'est ce que j'allais dire, c'est par rapport aux des. Les éditeurs, en fait, ils ont un peu leur style à eux. Ouais. Et Square Enix, franchement, quand tu écoutes les FF, c'est tu, vois, tu sais que c'est Square Enix en fait. Toutes les musiques. Ouais. Tu vas pas en venir, après tu vas plus écouter que ça. Enfin, tu vas écouter que ça. Bah, c'est vrai que je vois chaque éditeur de jeux vidéo vraiment. Ça. Enfin, même quand tu vois des musiques d'Activision, tu sais très bien que ça vient d'Activision. C'est enfin, ça. Quand tu regardes GTA, tu peux le deviner en fait en cherchant bien. Ouais. J'ai encore envie de faire un parallèle avec les films. Finalement, c'est comme. En plus, on en parlait en course maintenant. C'est comme les films, tu peux reconnaître la marque de le. Comment vous appelez en fait, tu peux reconnaître le style de l'auteur parce qu'en général. Enfin, du réalisateur parce qu'en général, il travaille avec les mêmes compositeurs. Ouais. Tu prends par exemple Danny Elfman qui est le compositeur de Burton. T'en as plein. John Williams, c'est Spielberg. Voilà. Et là, on sent côté Square Enix pour moi. Ouais. C'est cool. Bah souvent, c'est vraiment des musiques qui commencent très calmement, après qui s'accélèrent vraiment. Puis même le côté piano comme ça. Ouais, t'aurais très piano. Bah après, c'est vrai que faut reconnaître que les japonais. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien aussi, tu vois. C'est que même quand tu regardes dans les musiques de Zelda, c'est très piano, c'est très symphonique et c'est ça qui est hyper plaisant. Avec c'est les jeux qui marchent le mieux. Et c'est ça que ça marche le mieux. Après, je trouve pas trop en soi dans tout ce qui est genre Mario, on retrouve très peu, tu vois. Parce que c'est pas Square Enix. Non, non, non, mais genre même dans la musique genre d'une, enfin japonaise en général, tu vois. Genre, tu vois, pourtant, tu vois, Nintendo avec Zelda, tu vois, ils adaptent, genre un jeu, enfin quelque chose de beaucoup plus symphonique qu'on retrouve pas forcément chez les, bah, chez les Mario, tout simplement. Non, chez Mario, non, c'est vrai qu'ils ont pas une musique très... Ils ont une musique emblématique à eux de l'époque. C'est ça. Mais c'est très bité, comme on dit. C'est vraiment à l'ancienne. C'est ça. Ouais. Ils ont pas beaucoup évolué. Bah après, si, dans les Mario, t'as quand même, surtout tu prends les jeux DS, t'as souvent quand même, en fonction des lieux, quand même des thèmes récurrents. Ah oui, non, mais oui, dans tous les jeux vidéo, il y a ça. Mais je veux dire, c'est pas très symphonique en termes de. Ah non, c'est de... pas, non, ça, non, c'est y pas y symphonique. Tu vas pas avoir de piano, ça va être plus brut comme musique. Par exemple, dans Mario, avant, il y avait les musiques, comme tu disais, les. J'ai oublié. La musique fonctionnelle, interactive. Enfin, les musiques de Mario d'avant. Ouais. Et maintenant, tu vois, il y avait celle de Odyssey. Mario Odyssey, oui. Sur c'est une fille qui chante. Oh, là, ça devient. Ouais, et là, c'est pas mal, j'aime bien celle-là. Après, là, on est sur un open world, du coup, sur Mario Odyssey. Ouais. Tu vois, c'est ça qui change. Je sais que ça, ils ont adapté justement. Non, mais il y a des paroles. Ça change du tout au tout. Parce que dans Mario, t'as des paroles dans Mario. Enfin, dans les musiques de Mario. Oui. Ouais. Et là ils ont mis ça et moi je trouvais ça cool en vrai, je l'aimais bien. Petite aparté sur Mario. Non mais t'as raison. Et j'ai pas joué à Odyssey. Ouais. Non mais pour le coup après je pense que pour les pour tout ce qui est Zelda ou même Final Fantasy, enfin c'est. Enfin je pense que c'est plus la base. Non mais oui bon, déjà. On est obligé. Non mais même enfin je pense que plus tu vas vers une musique symphonique, plus le jeu travaille plus sur les symboles, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, pas du tout, Choupé. C'est symbolique de la musique. Non, non, même pas, mais juste, voilà, genre, quand tu vois, genre Zelda ou même tous les Final Fantasy, ça joue vachement sur les symboles. Enfin, je sais pas, il y a. C'est pas aussi brut que Mario, tu vois. Enfin, je sais pas. Ah non, comment expliquer, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Sur c'est les beaucoup symboles. Plus réfléchi, beaucoup voilà, plus. Voilà, c'est ça, voilà, exactement, merci. Dans, dans le concept. Ouais, un peu dans la trame, là. Oui, enfin, tu c'est vois. Ça, tu peux. Ça va pas être genre. Je pense que ça justifie méchant, assez mal. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça justifie aussi un peu le côté plus symphonique, plus oui, tu vois, enfin il a la musique aussi la variété de thèmes. Enfin bref, tout ça pour dire que après ça, elle a travaillé pour Kingdom Hearts. Je sais pas si vous avez joué à Kingdom Hearts. C'est ouais, pas joué, mais c'est une collab Mathilde avec Disney. Oui, je sais. Et Squaresoft et là c'est une soundtrack très spéciale pour elle aussi. Voilà, je crois. Donc c'est ouais. Donc là c'est Dearly Beloved. Et là aussi, on retrouve toujours le côté très symphonique. Et là, cette musique, ça reste sa musique préférée qu'elle a dans toutes ses compositions. C'est sa musique préférée. Alors, j'ai jamais entendu parce que je joue pas à Kinder Hearts. Je suis moyen fan jeu. De Disney. Ah, mais ça, je peux. Vous êtes deux. Clairement. Oh, on doit pas être que deux. Non, non, mais c'est. Ouais, j'apprends à jouer à Mickey. Le jeu en lui-même, mais je le trouve vraiment très bien. Je suis pas forcément fan de Disney non plus, enfin en tout cas de voilà de Pluto et tout, enfin Mickey et tout ouais, ça. C'est ça. Mais pour moi, c'est trop vieux. Ouais, désolé. Il me regarde trop mal. Quoi mais... C'est que c'est sa jeunesse. Quoi Mais en tout cas voilà, faut reconnaître que la musique est. La musique est très bien. Est très ouais. bien. Donc après 2002, après elle s'est lancée en freelance et donc c'est là où elle peut travailler, enfin même là récemment avec Final Fantasy XV et Kingdom Hearts 3. Elle qui sont sortis récemment. Final Fantasy XV. Parce que je suis un gros joueur depuis la Fantasy Club. Non, le 15ème. Ouais. Ah, toutes les musiques, si tu veux savoir. C'est quoi ta question? Ouais, non, c'est non, je voulais savoir laquelle du 15. Ah oui, non, non, généralement, t'es un compositeur, tu composes tout. Ouais, okay. Généralement. Ça. Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'elle a fait de récemment. Et après, en termes d'influence, ça s'inspire principalement de Beethoven, Chopin. Genre, ça n'a rien à voir. Mais voilà, elle s'inspire de ça. Elle adopte aussi pas mal de styles plus industriels, rock, tu vois, comme tu peux voir dans... Me laissez pas comme ça, vous me regardez tous. C'est super intéressant. Voilà, elle peut adopter un style vraiment plus électronique. Plus électronique, plus oriental, plus symphonique. Enfin, elle adopte plein de styles vraiment très, très différents. Et en termes d'inspiration, et ça, je trouve ça bien quand t'es un artiste, c'est qu'elle s'inspire des petites choses de la vie, tu vois. Donc en gros, et ça, je trouve ça cool, c'est que là où elle puise son inspiration, c'est quand elle sort de sa zone de confort. Et ça, j'arrête pas de le dire aussi, genre toujours, il faut sortir de sa zone de confort, donc je trouve ça cool. Et même, genre, en fait, tout ce qui lui procure de l'émotion, ça va l'inspirer. Ouais, donc, ouais, je sais pas, En vrai, du coup, je trouve ça cool parce que d'un côté, tu peux vraiment trouver l'inspiration partout, en fait. Tu vois, genre, t'es pas obligé non plus de voyager, genre, de faire des trucs de ouf pour trouver l'inspiration, tu vois. Donc, ta vaisselle, par exemple. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est de l'émotion, tu vois. Mais non, ça mais sérieux, tu, quand t'es en train de danser pendant que tu fais ta vaisselle, en train de chanter, ça. Tu fais pas ça, toi? Alors, non, parce que moi, c'est les meilleurs moments. Non, je fais. Par contre, quand je fais le ménage, je suis dans mon monde. Bah voilà, pareil. Je suis en transe. Je suis en transe. Ah ouais, c'est vrai. Cette blague n'est pas validée. Ok. Je suis désolé. Ok, mince. C'est vrai, je suis dans un monde à part. Bon, faut pas me faire chier, par contre. Je suis un peu pareil. Mais dans ma bulle. Je vois. Je mets de la musique à fond aussi, par contre. Ah, donc aussi, pour entre guillemets terminer, en fait, elle parle aussi un peu de son processus créatif. Et donc pour elle, en fait, elle essaye de donner des messages subtils dans ses musiques. En fait, c'est un peu comme si genre t'avais un message qui restait dans ta tête, tu vois, et tu sais pas comment tu peux l'interpréter, d'où est-ce qu'il vient, mais il reste en toi, en fait. Et c'est ça qu'elle aimerait bien donner comme message à travers sa musique. Et je trouve ça trop cool. Ça, c'est cool. Parce que ça fonctionne avec tout, en fait. Ça peut fonctionner toujours avec les films, parce que voilà. Avec l'image. Avec l'image, avec les films, avec les mèmes, avec les jeux vidéo, en fait, en soi. Enfin, oui, peux, voilà. Et je trouve ça vraiment... je trouve que c'est une bonne manière d'aborder vraiment l'art, en général. C'est beau. Et est-ce que tu peux redire, pour les auditeurs qui nous rejoignent, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on en parle, c'est qui cette compositrice, voilà, pour rappeler... Ah, c'est Yoko Shimomura. D'accord. Voilà. Donc comme ça, pour tous ceux qui ont oublié comme moi depuis le temps comment elle s'appelait, vous pouvez le noter maintenant. Yoko Shimomura. Merci. Le mec qui fait style qui s'intéresse aux auditeurs. C'est lui l'auditeur qui vient. Non, mais je pense à tous ceux qui sont comme moi, ou même ceux qui viennent d'arriver, voilà. Voilà, pour les auditeurs, si vous savoir, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur une vingtaine de sites de podcast comme Spotify, Deezer, je sais plus quoi. iTunes, SoundCloud. C'est possible. Ou vous pouvez nous retrouver sur indestar.fr. Vous pouvez aussi nous appeler, je t'ai mis les zik dans son PK Avenger. Ah oui, j'ai vu un message sur l'écran apparaître. Je t'ai mis les zik dans son PK Avenger. Je me suis dit, ça s'écrit tout seul en plus. Ouais, je savais pas où que. C'est le saint patron d'Indestar qui nous a écrit comme ça. C'est ça. C'est possible. Même au sort de l'ordi. Téléphone. Vous pouvez nous appeler et réagir en direct. On vous passera à la radio. En plus, ça marche. En plus, ça marche. Heureusement. Au 09 70 407 306. Il faut bien qu'il y ait un truc qui marche ici. C'est vrai. Bah, PK Avenger, ça marche. Ouais. J'ai vu de la lumière. Non, j'ai l'enfoiré. Nous, tu bâches l'émission. On était là. Marguerite et moi, on était là. Non, si. Ouais, mais vous étiez là, mais la semaine prochaine, vous êtes là. C'est une très bonne émission. Ça dépend. On sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je parie que vous n'êtes pas là. On verra. C'est contre l'éthique de J'ai vu de l'avenir. C'est contre l'éthique et la morale. C'est contre l'éthique, mais c'est moral. Donc, du coup, c'est 50-50. On verra. Non, pas d'éthique et morale. On a dit pas d'éthique et morale. La philo, dans ce cas. La philo à la rigueur. Pourquoi pas. Mais on invite Thomas quand même. Pas la philo. Ah non, hein. Si on parle de philo, on invite Thomas. Non. Si. Il a jamais voulu venir dans PK Avenger. Si, il est déjà venu en plus. Si, il est venu présenter. Qu'est-ce que tu racontes? Il a parlé de comics. Il est venu présenter les comics. Ouais, c'est vrai. Oh, j'avais oublié. Oh putain, il m'a marqué. Ah, la mémoire sélective que t'as. Non. C'est Dory. Tu vois, je te parie que Charles va plus me marquer que Thomas. Ah bon? Quoi? Moi? Moi, pourquoi? C'est moi que tu parles. Est-ce que toi, tu vas nous parler de quelque chose qui a l'air. Non, pas plus intéressant, mais. Pas forcément plus intéressant, mais. Je t'aime mieux que Thomas. Ah, voilà, ok, bah c'est waouh! Wow. Je sais pas comment il va le prendre lui, mais. Oh, il nous écoute pas de toute façon. Moi je le prends plutôt bien. Qu'est-ce que t'en sais qui t'écoute? Eh bah, il doit le dire en direct. Et tu vois, ça marche parce qu'il y a personne qui me parle. Ni Clément, ni Thomas. Ok. Donc tu vas nous présenter Airblade. Eh oui, je vais vous parler de Airblade, un jeu vidéo. Un jeu. Qui est sorti sur PlayStation 2. Ouais. Le 9 novembre 2001, et édité par Namco, développé par Criterion Software. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti en France et qui a été vendu à 150 000 exemplaires, dont pratiquement 50 000 le jour de sa sortie. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Donc c'est vraiment ils pas ont mal. Fait un tiers de leur chiffre. C'est ça, un tiers le jour de la sortie. Donc c'est un jeu de sport extrême où le personnage principal Ethan trouve un hoverboard développé par l'inventeur Oscar. Donc on rappelle ce que c'est qu'un hoverboard. Un hoverboard, c'est... Je sais pas si vous voyez, vous vous souvenez du film Retour vers le futur ? Non, c'est un petit film, ça. Ouais, c'est clair. C'est un petit film sans prétention, mais qui a fait parler de lui un petit peu quand même. C'est une planche qui vole, en fait. C'est ça. Ça, c'est du skate sans roue. C'est ça. C'est du skate sans roue et qui vole. Et donc, du coup, voilà, c'est le concept du jeu. C'est comme un peu comme un Tony Hawk, mais sans roue, en fait. Et puis, tu peux t'accrocher aux voitures, tu peux dégommer des passants, C'est un monde ouvert. C'est un monde plus ou moins ouvert. parce que t'as quand même une mission à remplir, mais quand même tu peux naviguer. Alors par contre, j'en parle dans la chronique là, t'as pas beaucoup de personnages avec qui tu peux interagir. C'est le défaut principal du jeu. C'est-à-dire que c'est un monde plus ou moins ouvert, mais c'est pas comme un GTA où t'as 10 000 personnes. Tu vas juste avoir le vendeur de ton armoire. C'est ça. T'as 2-3 zones automobilistes. C'est un peu vide en fait. Mais par contre, tu peux te lâcher, tu peux faire des figures, tu peux. Enfin, c'est assez sympa. Donc là, derrière, on entend la musique du jeu, d'ailleurs. Ça fait un peu rap, pop. Ouais, c'est un petit mélange, c'est sympa. Donc voilà. Alors le pitch en gros, c'est lorsque la GCP Corporation mit fin au projet soudainement et kidnappa Oscar et l'Overboard, Ethan et son ami Hacker Kate décidèrent de sauver Oscar. Donc voilà. La bande son composée par Stefan Root et Steve Enni, compositeur des musiques du Burnout 1 et 2, dénote d'un côté rock, funk et hip-hop. C'est pas cool. Donc voilà, c'est ce qu'on peut entendre. Ce sont les compositeurs que je viens de citer. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, approuvé unanimement par les critiques de l'époque pour ses graphismes révolutionnaires pour la PS2. Alors, faut savoir que les graphismes de Airblade étaient vraiment similaires aux graphismes qu'on a pu connaître sur la PlayStation 3 lors de sa sortie. Ouais. Et quand on sait que c'est un jeu qui est sorti fin 2001 et que la PlayStation 3 est sortie en 2006, c'est quand même un exploit qu'ils ont réalisé avec Airblade. Ouais, c'est pas faux. C'est vraiment incroyable. Ouais, c'est pas faux. Et c'est un jeu français du coup. Non, c'est pas un jeu français. Ah. C'est un jeu américain. Ouais. Mais okay. On sent la note américaine dans la Namco. Musique. Mais c'était incroyable. Les graphismes étaient vraiment révolutionnaires. Le seul petit problème, ouais, c'est le manque d'interaction avec les personnages. Donc c'est le point faible du film. Et donc toi, qu'est-ce que t'as aimé? Parce que du coup, t'aimes bien les sports de glisse, on va dire. Enfin, j'aime bien les sports extrêmes en général. J'aime bien Lifefly. Donc c'est une simulation de saut en parachute que j'ai pu faire. Le High Fly. Ah, en le fait, sport. C'est une simulation de saut en parachute. En fait, t'es dans une sorte de tube en verre énorme avec un moteur d'avion à réaction qui te propulse dans l'air et tu voles en fait. D'accord. J'ai pu le faire pendant 8 minutes. Donc en gros, je volais pendant 8 minutes. Effectivement, c'est cool à faire. Et faut savoir que ce sont les champions du monde de parachutisme et dont l'équipe de France qui s'entraîne dans ces machines-là à Paris, à la Villette. Donc ça, c'est un des sports extrêmes que j'aime bien faire. Le skateboard, j'aimerais bien me mettre au surf aussi. Ah, faut des vagues. Ouais, il faut des vagues. Ouais. C'est vrai que la Loire, c'est pas top. Aller en ça. Bretagne, ouais. Il n'y a pas de grands surfeurs en Bretagne ou en Vendée, parce que je crois que... Ah si, tu rigoles, mais en Bretagne, il y a des grands surfeurs. Il y a des mecs qui sont très très chauds en surf. Quoi, je connais aucun. Ah ouais, mais parce que c'est un monde assez fermé, mais par contre, ouais, j'aimerais bien essayer. Oh, t'aimes bien tous les sports de glisse? J'aime bien tous les sports un peu, ouais, à la cool. Ouais, j'en fais depuis tout petit, j'ai commencé le skate en Espagne, j'avais 10-12 ans. T'es espagnol? Non, je suis pas espagnol, j'ai passé mes vacances en Espagne, j'ai été 4 fois en Espagne. Non. Et du coup, alors, c'est un tour de force que réussit Airblade, malgré un scénario simpliste et le manque de personnages secondaires, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ou même au sein de la foule qui aurait permis une plus grande interaction. Ensuite, par rapport au style vestimentaire, justement, on parlait de skateboard, etc. Le style vestimentaire du héros colle au style des riders de West Coast, avec une chemise ouverte, t-shirt ample, sous la chemise, baggy et chaussures de skate et une coupe ébouriffée avec du gel, enfin, skater quoi. Ouais. Skater, surfeur. Ouais, c'est toujours comme ça. Par contre, j'ai une question. Est-ce que tu peux custom ta planche? Tu peux pas custom ta planche, c'est vraiment un prototype. What the fuck? Non, mec, tu peux pas. C'est un prototype en fait. C'est Oscar, l'inventeur génial, qui a inventé l'overboard. Et c'est vraiment très futuriste avec, tu vois, t'as deux grands cercles qui, tu sais, qui fusionnent un peu comme, je sais pas si tu vois le costume de Iron Man. Ouais. Tu sais, le cercle qui est autour. Au milieu, là. Ouais. Ben, deux trucs, un peu son cœur, ouais. Et t'as deux trucs comme ça sous chaque extrémité de la board. Et c'est ça qui permet à la board de se propulser en l'air. Ouais. Donc c'est à peu près le même système que Tony Stark et son truc. Donc il peut aller combattre les méchants avec son scénario. C'est ça. Et donc en fait, ça confirme l'aspect cool du héros et ça colle au jeu qui se veut être un jeu de sport extrême. D'accord. Voilà. Je parie que t'aimes beaucoup les jeux de sport un peu. J'aime beaucoup les joueurs de sport, le basket notamment, NBA 2K. J'aime bien les FIFA. C'est vrai? Ouais, j'aime bien les FIFA. Ah mince. Je suis pas extrêmement doué, mais enfin j'aime bien tous les jeux de sport. J'aimais bien SSX aussi. Sur GameCube. Sur, sur GameCube, sur PlayStation. Pokémon Connect. Oui, j'y ai joué. Oh. Je jouais à ça et je jouais à Tarzan aussi sur GameCube. Et puis Mario Kart. Pas mal. D'accord. J'ai joué à SSX, joué à Matt Hoffman sur PlayStation 1 et 2. Matt Hoffman, c'était un jeu de BMX, un peu à la Tony Hawk, mais en BMX. Hmm. Je croyais que tu parlais de Maiden, mais du coup, non, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas ça. Et j'aime bien aussi les jeux de cross, en fait, de motocross. Motocross, tous les sports extrêmes, en fait. Moi, j'aimais bien les petits jeux sur tablette. Tu sais, où tu construis une petite moto et que tu appuies sur des trucs et ça fait des tours. C'est, ouais. C'est pas vraiment un jeu de motocross, hein, mais en termes de jeu de moto, c'est ce que j'aimais le plus. Ouais. Parce que. Moi, je suis pas un gros fan de jeux de sport, mais. Mais ça j'aimais bien. Ouais, bah, c'était sympa. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Ok. No problem. Avais-tu fini? J'ai fini. Parce que là on va passer une musique. Alors, elle vient de rentrer dans la prog. Les pieds de la pompe, ça vous parle peut-être? Non. Déjà entendu, Greg. Ouais, on l'a déjà entendu une fois, lundi, je crois. Lundi. Et là on va passer leur musique, Les Visages. Okay. Et après on passera le blind test. Big Adventure sur Indestar, c'est mieux que le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Jusqu'à 23h, la pop culture est... On s'en lâchera jamais de ce jingle qui a disparu très vite d'ailleurs. Ouais, je suis désolé, je l'ai coupé un peu tôt. C'est pas grave, t'as juste coupé Aladin. On est toujours dans Big Avenger. Toujours. Et là maintenant c'est l'heure. Pas du blind test. Non, du duel. Du duel. Avec Yu-Gi-Oh, c'est ça? Ouais, regarde, Yu-Gi Muto. Voilà. Non, ça va être l'heure du blind test, effectivement, que t'as animé avec Elliot au Culture Day. Alors, Elliot, quand il est quoi? Alors, faut quand même savoir qu'il y a deux secondes, je dis, mais le blind test, on le fait entre nous là maintenant, mais c'est maintenant, c'est au Culture Day. Je dis, là quoi, on a fait un blind test? D'accord, allez, on en fera d'autres des blind tests, t'inquiète pas pour ça. Il y en aura toujours. Fais attention avec ton casque qui se met. Oui, désolé. Non, c'est le blind test qu'on a fait dimanche, que je me trompe pas. On avait deux équipes. On avait l'équipe gaming, qui était une équipe, on va dire, représentée par beaucoup de jeunes. Oui, ça. Voilà, sur vos catégories. Et l'équipe rétro, qui a choisi son nom par rapport d'ailleurs, mais à leur tranche d'âge. J'ai encore mal. Il a quand tu fais ça. De rien. Et on avait le buzzer qui s'appelait Teddy. Et le buzzer. Non, c'était moi le buzzer. Non, c'était moi le buzzer pour le blind test. C'était Teddy pour le blind test, ouais. Ouais. Pour le quiz, c'était toi. C'était pour le quiz, pardon. Ouais, il devait taper dans ma main pour répondre, en fait. Tape dans tes mains, petit ours brun. Et bah, on vous laisse écouter et vous verrez quelle équipe a gagné. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Un peu plus fort, Minecraft, un point pour... Minecraft. Pour un point pour les cerfs d'aigle. Les griffes d'aigle, les cerfs d'aigle. Bah, les cerfs d'aigle, les cerfs aigle. Un point pour à droite. Vas-y, Elliot, lance le... De quoi ? Tu peux lancer le numéro 2. Ah oui, on peut lancer le numéro 2, s'il vous plaît. Il y a encore une chance pour vous. Si vous pouvez avoir le compositeur, vous avez double point. C'est un très vieux jeu. Ça fait partie de Activision. Très vieux jeu. Tout le monde se tire dessus. Call of Duty. Plus précis. Black Ops. Loupé. C'était Modern Warfare. 0 points pour les équipes. Crash Bandicoot. Oui. Alors, la régie, merci d'attendre notre top départ, on n'était pas prêts. Hein. Next. Donkey Kong Country. Ouais. C'est même la précision qu'on n'avait pas, mais ok, oui. Next. Dragon Ball Takeshi. Dragon Ball Z, ça passe 20 points. Y a pas de précision pour celui-là, c'est con. Next, la régie. No! Final Fantasy, lequel? Le 4. 0 points pour les équipes. Et on continue, next. GTA. Ah, lequel? San Andreas. Oui, 1 point pour l'équipe à droite. Alors j'aime bien les réactions à gauche. Et personne se lève. Les gars, limite venez à 5, tombez devant nous, on va rigoler, ça nous fait plaisir. Venez nous lécher les pieds, non, rigole. Allez, suivant, s'il vous plaît. Mais je crois que... Ça passe pour Louis, ça fonctionne. Next. Le premier point pour les gaming, yes. Oui. Medal of Honor validé. C'est beau. Attends, on va. Next. Oh, sérieux? Oh, c'est Halo? Pas du tout, c'est pas Halo. Metroid 3. Ouais, validé. Next, ça va être rapide. Là, Tetris. Oui, Tetris, validé. Attends, tu peux peut-être faire le prochain. Ouais. C'est super dur, arrêtez, j'ai le bruit en tête. Pac-Man ? Oui, Pac-Man. On n'a pas besoin de régie, en fait, je crois. Est-ce que la régie est prête pour après Pac-Man ? Vous savez, c'est quand il y a du ping pendant les jeux, ça lag. Les PC, ils sont vieux, faut les changer. Version rouge. Ouais, ça marche. Vieux Pokémon avec un vieux son. Comment ? Non, c'est Safrania. Tu sais, avec la Team Rocket. Nous avons perdu la régie officieusement et officiellement. Le premier qui défonce la bouteille. Sans faire de mal au maître du jeu, bien évidemment. Sinon, moins 10 points. Moins 10 points pour... Non, c'est toujours Pokémon. Ah, c'est bon. Il nous faut la liste, s'il te plaît. Ah, du coup, c'est la musique d'attente, ça? C'est un jeu, ça? Alors. Attends, je prends. Prochaine musique. Vous l'avez trouvé celui-là? Ok. On peut changer de musique. Alors, ce monsieur a beaucoup de retard. Son fournisseur qui doit être SFR, c'est de la merde. Change, sérieux. Tous ceux qui sont SFR, changez. Free, c'est la vie. Écoutez. Non. Subnautica. Yes, Subnautica, bien joué. Alors, jeune homme, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que c'était Subnautica? Bah, c'est le bruit, c'est pas... Ok, ok. Ouais. J'ai joué à ça. Alors, je veux que tout le monde soit prêt. 3, 2, 1, régie à vous. Tape Mario World. Ça marche, c'est un Mario. Même si c'était Super Mario. Super Mario Cube. Tekken. Validé. Il est chaud. Il est chaud, ouais. Écoutez bien. Ceci est un OST. Les amis, ça vient de sortir. The Witcher, bien sûr. Faut aller regarder la série sur Netflix, vous abusez si vous avez joué au jeu en plus. Hein. Ah là là, ça donne envie d'enlever des points à des équipes, c'est malheureux. Ouais, vous êtes vraiment pas chaud. Next, s'il vous plaît, Régis. League of Legends, je veux le nom de la chanson. Oui. C'est Imagine Dragon, c'est pas un chanteur, hein, c'est un groupe, mais c'est pas grave. Next, on arrive à l'avant-dernière. Zelda. Alors, c'est bien, c'est que ici, les gens sont pas motivés. Ils le disent, ils ne se lèvent pas. Ocarina of Time validé. Et attention, dernière musique. Soit ça sera simple, soit pas facile. C'est un choix d'Eliette. Bon courage, messieurs, mesdames. Oh, il y a un vrai. Assassin's Creed. Oui. Oui, bien joué. Ça va être ton futur mari. Et ben voilà, fin du blind test. Du coup, est-ce qu'on mélange les points? Hein? Je suis pas sûr qu'on doive mélanger les points. J'ai bien vu une équipe plus là, réveillée que l'autre. Clairement, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc bravo à l'équipe Retro. Non, bah on va pas. Ismaël, tu sais quelle équipe a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné? Non, c'était l'équipe de gauche. Non, droite. Ouais. Ils ont défoncé ceux de gauche. Les rétro. Ouais. C'était les plus. Ouais, c'est les rétro. Les rétro contre les gaming. Les vieux. Ouais. Les vieux, ils ont gagné. Quelle originalité. Je crois qu'on avait mélangé des noms aussi avec les maisons de, d'Harry Potter. Ah je crois oui. qu'on avait Griffe d'Aigle et Serre. Serre-Poufle. C'était plutôt fun. Ouais. À refaire, mais la prochaine fois un peu mieux et sans bug de la régie, ça serait mieux. Ouais. Bon, on va écouter oui, parce que tu satures quand tu parles. Dance Monkey, c'est une cover d'Ariana Palesetti. Oui, et Dance Monkey, c'est une, des, ouais, c'est une musique de Toons and I à l'origine. Je connais pas. C'est de l'électro, c'est super sympa, c'est chill à écouter tranquillement, c'est de l'EDM. Et bon, on va écouter ça. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo E.T. sur Atari. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck. Pourquoi tu coupes le micro? Pourquoi tu coupes les micros? Je voulais couper le micro de Sven, mais je peux pas, je coupe la mienne aussi. On est toujours dans les Peck Avenger, on est toujours jeudi d'ailleurs. Toujours. Il est 23h, normalement. Il est 22h59, il est pas 23h encore. Ah. 22h59, 23... Okay, chut, okay. Il est bientôt 23h. Il est 23h. Ouais. Mais bon, comme voilà. Chaque spécial, on finit toujours une heure plus tard, à peu près. Ah, tu penses qu'on va finir une heure plus tard là encore? Ouais, je pense. Ah, d'accord, bon. Je donne pas d'idée comme ça. Hein. Voilà. Voilà. On finira quand on finira, de toute façon. Vous connaissez. Est-ce que pour les prochaines spéciales, on dira pas directement émission spéciale 3h sur le thème, tu vois? Mais c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, mais on a fini 4h, putain. Oui, c'est vrai. Oui, à c'est chaque vrai. Fois qu'on dit. Si on dit qu'on finit à 23h, on finit à minuit. Si on dit qu'on finit à minuit, on finit à 1h. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah ça, on, t'es dit, on dira je sais pas. Comme ça on finira. T'es dit, fois, excuse-moi, je pourrais me permettre de faire une petite dédicace à Mathieu encore. Bien sûr. Je lui fais une petite dédicace et puis j'espère qu'il va pas perdre toutes ses games là. Ouais, on lui infuse du Warrior dans la tête, t'inquiète. Si tu écoutes Mathieu, on te fait des big ups et ouais. Peut-être qu'il passera un jour dans Pokémon. Bah avec plaisir, je lui demanderai s'il avec veut bien toi. Se bouger pour venir me voir à Tours. Hein Pierre, c'est sympa d'être invité dans le... Prends son micro parce qu'elle va pas te le donner, regarde. Non mais. Non ouais, super cool, bonne ambiance et c'est cool. T'es clair pour le moment. Ouais, c'est le fantôme de l'émission de ce soir. Hein. Bah, je parle pas beaucoup parce que je suis là, je voilà, suis pas trop. Il profite mais... de l'émission. Ouais, voilà, franchement. Il savoure en direct. Voilà. Et voilà la tête des gens qui peuvent dire les conneries. Qui se cachent derrière quelle voix. Ouais, mais nous, pour certaines personnes d'ici, on nous a déjà vu. Oui. Mais moi je n'existe plus, c'est ça qui est cool, je n'apparais plus nulle part. Toi t'as disparu, mais. Toi on peut te retrouver sur si les émissions de Tout est dit. Ouais. Ouais, elle doit être disponible quelque part, je sais pas où. Oui, sur Facebook, vous mettez Tout est dit, il y a encore la page Facebook normalement et vous pouvez aller dessus. Vous pouvez vous taper des petits délires, ça c'était ouais. L'ancien Indestar. C'était l'ancien Indestar, je trouvais même mieux, je rigole. Non, ça manquait de Tech Avenger et d'autres émissions quand même. Oui. On était un peu seul à l'époque. Oui, bah maintenant on est plus seul. Maintenant, en fait, maintenant il y a tous les jours sauf le mercredi soir où il y avait cette émission avant. Personne n'ose reprendre le créneau. Et t'es dit, tu feras attention s'il y a des haters au nom de Aromatics sur. Ah oui, oui, Aromatics, pourquoi prendre un nom de plante? Enfin, pas on nom de plante, parce que l'aromathérapie. Ouais, peut-être. Bah, elle a c'est... cassé l'ambiance. Attends, est-ce que. Ouais, je sais pas. Ah mince. Attends, j'avais pas le voilà. Un petit bruitage. Oh, mais non, mais un c'est une capacité de Pokémon à aromathérapie. C'est violent, mec, je te jure. Ah oui. Vous vous rappelez de ça? Ah, mais bien sûr. C'est quoi? Allez, ça vient de quel jeu? Crève, vache folle. Nous, on tiens, sait, mais on dira pas. Je lègue ma guitare à Obispo. Jeu cochon de guerre sur PS1. C'est très drôle. C'est des cochons qui faisaient la guerre à l'époque. Ah, il y en a un qu'on aimait bien. C'est du Worms quoi en gros. Il y en avait bien. Je te tue mais je t'aime. Oui, celui-là je l'adore. Voilà. Excellent. Ah non mais il y en avait plein. Il hein. Y a celui-là. Oh putain, lâche-moi là. Oh. Oui, j'y pète les vitrines. Voilà. Ça, voilà. C'était les petits sons, j'avais envie de les remettre. Voilà. Ok. On va pas parler de cochon de guerre, pas aujourd'hui. Par contre, je vais vous parler d'un. Je vous en ai parlé au début de l'émission, de Inazuma Eleven. Alors, qu'est-ce que c'est Inazuma Eleven? Pourquoi tu rigoles comme ça? Parce que les gens décident de se dire, genre, il m'a présenté Inazuma Eleven, il a quel âge? Il a 11 ans, tu vois. Genre, ils vont pas nous respecter. Tiens, écoute le générique. Tu l'as mis en français, là? Ouais. Oh putain, non mais vas-y, non mais non! Non, non, tout sauf ça! T'es dit, je peux pas te respecter, même si j'aime Inazuma Eleven. Non mais moi, je suis fan des français. Moi, j'aime bien quand tout est en français. Attends. Oh. Sauf sur ta truc. Ah ouais. C'est bien aussi l'anglais. Oh là là, c'est vieux mais ça fait plaisir. Regardez un bon film en VO, c'est cool. Ah non, bah non, parce que j'ai la flemme de lire. Ah et moi je préfère lire que regarder. Pourquoi tu mettras des sous-titres? J'ai pas compris. Bah tu mets pas de sous-titres. Ah ouais, mais après il faut traduire dans sa tête. Bah oui. Ah mais ça devient long. Bah non. Non, il y a un temps de latence entre les deux. Mais comment t'as fait pour regarder la suite d'Inazuma? Parce que c'est pas sorti en français, genre les Eleven Go, etc. Ah bon? Genre avec l'équipe de Tenma après les tout premiers? Ouais. Il s'appelle Arion en français. Oh ah, mon dieu! Ah non! Arion! Ouais. Quoi? Mais what the fuck? Il s'est passé quoi? Ah bah il s'est passé Triple Zephyr et tout ça. Enfin bref. Okay. Je vais vous expliquer ce que c'est Inazuma vas-y, Eleven, vas-y. Le concept. Alors déjà, faut savoir, le jeu et le manga, ils sont sortis quasiment en même temps. C'est étonnant. Ouais, assez, ouais. Ils sont sortis en 2008 au Japon quasiment en même temps, 2-3 mois en même temps. Mais comment ils ont fait pour le développer en si peu de temps? Eh ben, je sais pas. Figure-toi que j'en sais rien. Ils ont fait c'est des champions. C'est des champions, okay. Ouais. Ok, ok. Je sais pas. Alors, comme vous pouvez l'entendre, c'est un jeu de foot. Enfin, c'est un manga de foot. Pour le coup. Et dans les jeux, en fait, c'est un jeu, ça mélange le football et le GDR. Comme Pokémon, en gros, t'as une petite histoire, mais dès que t'as des ennemis, bah, tu les affrontes en match de foot. Voilà. Ça a été édité par Level 5. Ça, je pense pas que vous connaissez beaucoup. Ils ont pas fait d'autres jeux très connus, Level 5. C'est une exclusivité Nintendo, donc on va pas en trouver sur d'autres consoles. Sauf peut-être un qui est sur PS4, mais je sais. Oh, je suis pas sûr. Si, si, je l'ai vu en 2018. Waouh! Ils étaient tellement en manque de thunes qu'ils ont fait une exclu PS4 maintenant. Ça doit être ça. Non, mais ça doit pas être une exclu, mais. Enfin, pas exclu, mais une sortie PS4, quoi. Ils ont gagné deux prix. Le prix du meilleur manga enfant en 2010 et un autre en 2012. Donc, comme quoi, ils pèsent un peu dans le game, mine de rien. Tu peux. Tu savais pas qu'il y avait des prix pour les jeux vidéo? Il y a des prix pour les jeux vidéo, il y a des prix pour les mangas, parce que là, c'était pour le manga. Ah, c'est pour le manga. Ouais. Ouais. Des gros prix quand même. C'est décerné par qui? C'est des. Comment dire ça? Déjà, c'est un porte-à-nom japonais, donc le retenir dans ma tête, tu vois, je le vois plus ou moins bien écrit. Généralement, c'est des magazines en fait au Japon. C'est des magazines? Ouais. Okay. Genre là, c'était Crocro. Je sais plus comment. Crocro. Et pour les jeux, c'est quoi? Pour les jeux, c'est. Enfin, il y a aussi pour des prix jeux, pour les jeux ou pas? Oui, il y en a, mais je sais plus ce que tu c'est par contre. Là, je t'avoue que je sèche. Okay. Je dis toujours ce qu'il gagne, mais je sais pas qui les donne. Ouais. C'est joli, hein. Non, mais je. Ah bah y en a beaucoup en fait. C'est genre Capcom aussi, ils ont leur propre truc. leur propre comment dire, ils se desservent ouais ils se desservent de... ils non, mais dans leur jeu en fait ils peuvent faire ils des sont propres... un truc comme ça ouais c'est ça. Il y a 174 épisodes en comptant les Ilazuma Eleven Go. D'accord. Pour le coup. Dessinateur c'est Tanya Yabuno. Alors on le connaît pas comme ça, mais bon, il a fait Digimon Aventure. Yeah, c'est... Digimon bien sûr. Tout le monde connaît Digimon. C'est tu sais le après Pokémon. Digimon. Le derrière Pokémon. Evolution. Ouais, c'est ça. Peu de gens, en fait, tout le monde a joué à Pokémon, mais alors oui. Digimon. Bah, Digimon. C'était la série B de Pokémon. On vrai. Peut appeler ça, ouais. C'est dommage, c'est sorti presque en même temps parce que. C'est pas si mauvais que ça en vrai. Mais bon. C'est pas si mauvais. Même comparé regardez aujourd'hui, vous verrez, c'est beaucoup moins sympa que Pokémon. Pokémon, ouais, c'est vraiment c'est bisounours hein, à côté. Non, je préfère Yu-Gi-Oh! Encore pour aller plus dans le dark. Ouais, Yu-Gi-Oh! Genre, à partir de GX, ça devient chaud quand même. Hein. C'est génial, Yu-Gi-Oh! Un jour, je la ferai. On va faire une émission spéciale Yu-Gi-Oh! Hey, j'ai encore des cartes Yu-Gi-Oh! Si on peut se faire des duels. Attends, on est à l'antenne et tu me défies en duel. Ouais, c'est l'heure du duel. Tu sais, dans deux jours. Je suis un vrai champion de Yu-Gi-Oh! T'es un vrai champion de Yu-Gi-Oh! Mais ouais, quoi. J'ai gagné les tournois! Quoi? Ouais. Ah, moi j'ai perdu dès le premier tour au tournoi! Non, c'est vrai, petite anecdote, j'ai fait un tournoi sur Orléans un jour, qui est Orléans qui est une ville de 45, là où il y a eu Jeanne d'Arc, la cathédrale, personne elle a été brûlée, voilà. Non, voilà. Moi je viens d'Orléans d'abord! Bah oui, personne connaît quoi! Alors, ça craint du boudin, tu connais au moins Jeanne d'Arc? Voilà. Je connais la ville de Pathé! Pathé, Gondor-Léon! J'avais une ex. C'est pas terrible. Non. C'est pas terrible. J'aime c'est... bien cette blague. Moi j'aime pas le pâté donc forcément. Bon bref. Si tu me défies en duel, ok, pas de problème. On se croit, on se filmera ça. Mais du coup, comme c'est mes decks, je les connais par cœur et je vais forcément te défoncer. Moi aussi je connais tous mes decks et j'en ai plus que 45. Ah, t'as encore des decks toi aussi? J'ai toutes mes cartes, elles sont. Oh là. Vous avez actuellement un vocabulaire inconnu pour moi, je sais pas du tout. Deck, c'est un paquet de cartes en fait. Voilà, un deck c'est. Mais t'as jamais vu du Guillaume? J'ai pas rien. T'as raté quelque chose dans ta vie? Oh bébé, ah, mais oui, mais elle est plus jeune que nous, c'est pour ça. Ah bah ouais. Forcément, elle a pas connu. Ah, je connais Yugi Uno. Ah oui, Yugi. Très bon, très bon. Vas-y, on va continuer Inazuma Eleven là parce que Inazuma Eleven, c'est bien. J'ai une bonne référence. Alors, Inazuma Eleven. Pour la petite histoire, alors dans les jeux, c'est pareil que dans le manga en fait. Dans les jeux, tu suis l'histoire et tu fais les matchs en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors pour l'histoire, Mark Evans, un jeune gardien de football qui rêve de participer au Football Frontier, donc le tournoi national japonais. C'est que ça concerne que les collégiens évidemment parce qu'il est collégien. Il veut fonder une équipe de football dans son collège. Donc okay. Bah, il est le capitaine du coup vu que c'est lui qui la fonde. Logique. Mais il commence à avoir du mal à trouver des joueurs. Pourquoi? Bah il y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse au foot là-bas. Bah ouais. Dans son collège non. Donc voilà. Ah bah, il galère à trouver ses joueurs. Il y arrive plus ou moins. Mais bon, le directeur de son école, qui s'appelle Raymond, n'est pas très convaincu en fait par leur équipe de foot et va leur poser un ultimatum. Vous allez jouer un match contre la Royal Academy, d'accord, qui est actuellement championne du football frontière depuis 40 ans, par tricherie. Évidemment, voilà. C'est pas drôle. Et ils leur disent, bah, vous devez les battre, là en match amical. Ouais, ils viennent de créer leur équipe, vas-y, va affronter les champions. Alors... Je viens de trouver les noms japonais face aux noms français. Donc, tu parles du capitaine de l'équipe donc, qui s'appelle Mark Evans en français. Ouais. Quand même, en japonais, ça donne Endo Mamoru. C'est quand même plus stylé, tu vois. Franchement, pas du tout. Ah, si, c'est Endo Mamoru. Oh, si. Non. Vas-y, Mamoru, va sur ta... Non. Ah, tu te souviens d'Axel, celui qui a les cheveux en l'air, c'est Axel, ouais. Axel Blaze. C'est Goenji Shuya. Alors, Shuya, Goenji, c'est mieux. Ouais, en gros, Goenji, c'est leur prénom. Je sais pas, je te prends. Axel Blaze, moi j'étais habitué avec ces noms-là, en vrai, ça fait. Tu vois, Aiden et Sean Frost, ça va, ils ont des. Aiden et Sean, tu vois, ça va. C'est anglais, ça sonne bien. Sean Frost, c'est mon perso préféré. Et bah, c'est Shiru et Atsuya. Ouais, bon, je préfère Aiden et Sean, du coup. Bon, du coup, continue, vas-y. Ouais, je préfère. Ah, bref. Ils vont devoir affronter la Royal Academy en match amical. Autant vous dire qu'ils se font écraser, laminer, tout ce que vous voulez. Il a réussi à avoir tous ses membres, ses 11 membres, mais bon, ils se font battre quand même. Je crois qu'il perd de 10 euros. Ah, plus, je crois même ça. Je crois que c'est fini à 20 ou 30, un truc comme ça. Non, 10 euros. Oh non, il s'arrête au bout d'un moment quand même. Mais bon, c'est sans compter sur l'arrivée d'un nouveau qui vient d'arriver. Axel Blaze, qui les voyait en fait, il voulait pas jouer au foot. Il avait promis à sa petite sœur et à lui-même d'arrêter le foot parce que sa petite sœur a eu un accident à cause d'un ballon de foot. Voilà. Coup, elle est dans le coma, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, elle est à l'hosto pendant des saisons et des saisons. C'est ça. C'est dangereux le foot, ne j'y vois pas. Elle a juste couru après un ballon de foot sur la route. Et elle s'est percutée. Enfin, c'était percutée. C'est dangereux pour la santé. Ça dépend de qui. Mais bon. Et du coup, bah, il va quand même les aider au final. Il va rentrer sur le terrain et il va leur marquer un but avec sa célèbre technique, la tornade de feu. Parce que dans Inazuma Eleven, il y a des techniques. Fire genre, tornado. Ils font des trucs de dingue. Le mec, il tourne dans les airs et il fait une tornade de feu. T'as du feu partout, le ballon, il fait enflammer. Il est en but. Feu. Voilà, c'est ça. Comme Soprano avec je suis en et... feu. Ah oui, non, du coup, je comprends pourquoi la meuf est dans le coma, en fait. Mais c'est leur... Ah oui, non, mais ils sont violents. Ils des fois, ils détruisent des stades et tout. C'est et à un moment, dans les futurs Inazuma, je te coupe, désolé, mais ça va même à l'intergalactique, tu vois. T'as, ils jouent contre des aliens et tout, ça détruit ça, des planètes. Comme, oh, il y en a si, il y en a un qui est trop bien, c'est Galactic Football. Ouais, Galactic Football, c'est ça, c'est oui, magique. C'était sympa. Mais comparé à Inazuma Eleven, c'est encore différent. Ouais. C'est différent. Franchement, Inazuma Eleven, c'est un petit côté que je préfère. Bah c'est moins sérieux. Ouais. Ouais, j'aime bien aussi. Donc voilà, donc au final ils vont perdre. Ils vont se faire ratatiner. Mais comme ils ont marqué un point, ils sont contents. Et ben non, la Royal Academy va déclarer forfait. Ah ouais. Allez, allez. Ouais, ils se sont dit bah comme ça on vous retrouvera et on vous laminera bien comme il faut. Plus tard au tournoi, parce que là c'était qu'un match amical. Mmh, donc d'accord. Finalement ils vont faire le tournoi, le fameux football de frontière. Ok. Et ben ils vont gagner hein, tout simplement. Voilà, donc ils ça sont va débutants, être mais ils gagnent. Gros spoil. Oui, parce qu'ils évoluent en fait au fur et à mesure des matchs. Ils vont apprendre des nouvelles techniques. Genre, leur gardien va apprendre la main céleste, un arrêt. Ah, mais j'ai vu ces trucs-là. Ah, c'est génial. Les vidéos sont trop bien. Et dans les jeux, bah, tu vois, tes techniques elles évoluent en plus. T'as la main céleste niveau 1, 2, 3 et tout. Enfin, après, c'est la main de Dieu, je crois. Enfin, c'est... Après, t'as d'autres techniques en plus. Il apprend d'autres techniques, ton joueur. Il n'y a plus que la main céleste. Il y a aussi, je sais pas, l'arrêt. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Ça fait longtemps que j'y ai joué. Par contre, j'en ai une dizaine de jeux chez moi. T'as quel âge déjà? Pour ce moment. Il y a 19 jeux qui sont sortis. Ah ouais, t'as eu le temps d'y jouer. En sachant qu'il y en a 5-6 qui sont sortis qu'au Japon. C'est mon excuse pour pas les avoir tous. Du coup, ils vont gagner Football Frontier, évidemment. Ils vont après participer au Football Frontier International. Donc c'est le même tournoi, mais... mondial, on va dire quasiment. Enfin, non, international. Si, mondial. Voilà. Et bien sûr, ils vont le gagner. Ils gagnent toujours à la fin. Donc, ça va être ça en fait. À chaque saison, ils vont avoir un nouveau tournoi. Ils vont participer. Ils vont gagner. Toujours. Voilà, parce que c'est les héros. Voilà, c'est ça. C'est... Après, il y en a qui s'en vont de l'équipe, qui reviennent. Il y a des histoires de cœur, de machin. Enfin, voilà quoi. Ouais, des histoires de cœur, pas beaucoup. Bon, quand même, Endo et la manageuse. Ah oui, Nelly et Marc. Alors, oui. Ouais. Alors, oui, les noms français du coup pour toi. Voilà, comment dire, il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour dans les premières saisons. Par contre, quand on vient à Inazuma Eleven Go, ouais. Donc en gros ça c'est 10 ans plus tard. En fait, des événements, eux ils ont gagné le tournoi mondial et tout. Voilà, ils sont, c'est des légendes. Et après ça part en cacahuète. Après c'est d'autres jeunes en fait qu'on voit. Et tous nos anciens protagonistes, Marc, Axel et tout ça, ils sont adultes. Donc forcément des fois ils sont en couple avec certains autres joueurs. Quoi, en fait. Ouais. Et bah ils apprennent aux jeunes en fait à jouer au foot. Et voilà, ils deviennent entraîneurs, voilà. C'est ça. Et je crois qu'ils voyagent même dans le temps après. Enfin, ouais, Chronostone et tout ça. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Un bordel. Mais c'était stylé en vrai. Ouais, c'est vrai, c'était cool. Donc voilà. Si vous devez regarder un truc de foot ou jouer à un jeu de foot, franchement. Ouais, n'hésitez pas. En vrai, c'est meilleur, assez chill. Mieux que FIFA. Bah, c'est plus ouvert au fantastique, quoi. Quand ouais, tu c'est dis... ça. Quand t'arrives à faire une technique, c'est plus simple. Puis, si vous croyez que ça va être si simple. C'est ça que je cherchais, simple. C'est pas si c'est simple. Non, il est pas si simple que ça le jeu. Non, c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Surtout vers la fin où t'as des équipes, elles sont. Oh, mais trop balèzes. Ça pique. Il y en a, ils sont obligés de marquer des points en fait. Il y en a, tu peux pas les arrêter. Il y en a. Je sais pas comment dire ça, mais. Il y a une trame, faut la suivre et faut réussir à la défoncer. En gros, vous jouez votre destin dans le jeu à chaque fois. Ok. Enfin, vous déjouez le destin, pardon. Tu perds ton âme. Ouais. C'est ça. Tu vends ton âme au diable. C'est ça. Non, ça c'est dans Yu-Gi-Oh! Je comprends. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Bah, c'était voilà, je jette ma feuille, je m'en fous. On va passer au quiz. Le quiz? Le quiz? Quiz. On va pas le faire en direct, c'est le quiz qu'on a fait dimanche au cas où que Isma. Ah. Non, pas cette fois. Oui, non, mais c'est bon, là j'avais compris, merci. Le quiz qu'on a fait dimanche aussi sur les jeux vidéo, du coup, on a créé des questions comme ça, puis on les a posées aux gens. Toujours les mêmes équipes, gaming, rétro. Toujours le même résultat. Non, mais tu spoil. Ah, mais tu spoil, il en parle. Ça sert à rien de passer le quiz là, sérieux. Mais non, il faut que les gens tentent de deviner. Sinon, c'est pas. Bah ouais. D'accord, bah essaye de deviner en même temps. Franchement, les quiz, c'est toujours cool. Moi, je sais pas, j'adore les quiz ou blind test. Ouais. Allez, on toi, Pierre est d'accord. Donc, on écoute le quiz. Alors, première question. Attention. Quel est le nom du héros de FF4? Attention, si tu te trompes, c'est un point de l'adversaire. Ah ouais. Il a tapé. T'es obligé de donner une réponse. Alors? Bon bah, ouais. De toute façon, qui t'a répondu, on va dire Cloud. Ah non, ça c'était le 7. Alors, quelqu'un a le 4? Le point est pour vous, hein, quoi qu'il arrive. La table marque? Ah, ils sont dans ma tête, mais je vais l'écrire sur un papier quand même. On va appeler l'équipe des jeunes, l'équipe des... Non. Ok. Non. Quel nom d'équipe ici? L'équipe rétro? Ok, l'équipe rétro. Rétro et du coup, et la deuxième. Gaming pour la deuxième. Rétro gaming pour la deuxième. La réponse? Cécile. Ouais. Ah, tu connais pas? T'as un doute? Si. T'as joué à FF4? Absolument pas. Ah. Cécile, c'est un paladin sombre au début, puis après il devient de lumière. Ok. Moi j'aime bien FF4, c'est pour ça que je l'ai mise. Ouais. Je te laisse lire la deuxième du coup. Alors, en quelle année est sorti Skyrim? 2009. Non. C'est faux. Non. C'était un piège! Je t'ai niqué! C'est pas bien. C'est pas bien ça. Tu l'as pas? Ouais. C'est pas. Wow, c'est pas si vieux que ça, Skyrim non plus. C'était la troisième question. C'était la deuxième question. En quelle année est sorti Skyrim? On n'a pas eu la réponse. Bah si, j'ai dit 2011. Ah pardon, alors c'est autant pour moi. Alors troisième question. Bah c'est à toi. Un joueur qui fonce dans le tas, on appelle ça comment? En termes de gamer. En termes de gamer, ouais. Un joueur qui fonce dans le tas. Un tank? Ouais. Bonne réponse. Allez. Félicitations. Ah, et c'est le côté rétro qui trouve. Un point en plus. Un point tout court, du coup. Un point tout court. Qu'est-ce qu'un jeu triple A? On va avoir des morts à la fin de la journée. C'est un jeu qui coûte une thune au développement, 2 ans de développement minimum, truc de ouf. C'est ça, avec gros budget, gros moyen. Bonne réponse. Voilà. Pour l'équipe rétro, deux. C'est pas mal. Alors, question suivante. Quel jeu Assassin's Creed se déroule en France? Quel jeu Assassin's Creed? Je crois que c'est Dynamite Game. Jolan? Ouais. Unity. Jolan confirme. Bonne réponse. Et allez, ça nous fait 3-2. 3-2 pour gaming. Ouais. Alors, sixième question. Qui est surnommé le fantôme de Sparte? Kratos. Lui, on va l'éliminer. C'est ultra cheaté, là. Un magasin de jeux vidéo... Ouais, je sais pas. C'est vrai que, bon, il était pas obligé de tout connaître aussi. Hein. Ok. Alors... Kratos, qu'on appelle... Aloy. Aloy. Oups. Aloy est l'héroïne de quel jeu? Aloy. Horizon Zero Dawn. Bah ouais. Eh oui, c'est ça. Bah ouais. Ouais. Un point en plus. Du coup, question numéro 8. Combien d'élixirs noirs faut-il pour former une sorcière niveau 1 sur Clash of Clans? Qu'il y a des clashers? Un peu pointu. Combien d'élixirs noirs faut-il pour former une sorcière niveau 1 sur Clash of Clans? Ouais. Ouais. C'est pas de Clash Royale, c'est Clash of Clans. Tu l'as dans le cul. J'y ai joué il y a longtemps, mais... 5? Non. Alors, la réponse, c'était 256. 250. Ok, c'était 250. 250, autant pour moi, le zéro. Ouais, je suis désolé, j'écris très très mal. Quelle console s'est le plus vendue en 2007? C'est Game Boy? La Wii. Bonne réponse, la Wii. Ouais, la Wii. Elle est facile, celle-là. Ça, c'est une bonne idée, tiens. Elle est très facile. De quelle couleur sont les creepers? Vert. What? Bonne réponse. C'est ça. Quel est le nom de l'assassin du deuxième Assassin's Creed? Ne vous tuez pas. Il n'y a pas de point bonus. Ok. Ezio, de... ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, citez les trois starters de Pokémon Lune. Ouais, mais il a frappé avant. Il a frappé avant. Ouais. Donc, on a Flamèo. Ouais. Brindibou. Ouais. Ouais. Et. Oratoria, c'est le final, c'est. Ah, Oratoria. C'est... Ouais, c'est la troisième forme. C'est. Otakin. Bravo, bien vu. Ce qui nous fait 6 partout. Ouais, c'est serré, hein. Très serré. De rien. Qui est l'éditeur de Halo 3 ? Microsoft ? Non. Non. Bungie ? Ouais. C'était ça, ouais. Dans l'univers de Mario, qui est Wario ? C'est l'antagoniste de Mario dans Super Mario Land 2, qui est apparu... voilà. Antagoniste, t'entends rival par là ? Oui, c'est ça. Ouais, ça me va. J'ai écrit rival, moi, donc... Mais bon, Wario, t'aurais pu bouger, quand même. Alors, on en est à 7 à 8, et c'est l'équipe rétro qui mène. Ouais. Ok. Cru. Que veut dire Tomb Raider ? Pilleuse de tombe. Pilleuse de tombe. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Allez, oh. Égalité. Ah non, 9, pardon. 9 à 7. 7. 9 à 7. Il reste que 2 questions. Donc, ça tout joue... Si, pour une égalisation. Comment s'appelle le jeu où qu'on incarne un personnage qui s'appelle Max Caulfield ? Life is Strange. C'est ça. C'est ça. Ah, oh, putain. Un point en plus. Ah. Du coup, la dernière. Vas-y, vas-y. Ok. Grâce à quel objet peut-on rencontrer Shaymin ? Grâce à quel objet peut-on rencontrer Shaymin ? Ouais. C'est un Pokémon. C'est une fleur et je me sens que c'est l'orchidée. Une sorte d'orchidée ou un truc comme ça. Alors, oui. Mais de base, c'est pas la fleur d'orchidée. Enfin, t'obtiens la lettre de chêne et après la fleur d'orchidée. Mais je le valide quand même parce que bah parce qu'il y a aussi la fleur d'orchidée pour le coup. C'est le hérisson dans quatrième génération. De la quatrième génération. Et bon, du... c'est bien que ce soit l'équipe rétro qui est trouvée parce que comme ça me fait bah 10. Ça nous fait 18 pour l'équipe ouais. Rétro. Voilà. Et du coup, c'est l'équipe rétro qui remporte. Donc vous avez la partie. Comme quoi. Les vieux sont pas... sont pas si beaux. Les boubou, genre... ouais, les vieux... Moi, je connais beaucoup les vieux. Bah, on a vu ça, hein. Ouais. Mais bon, ils ont gagné quand même. Et messieurs, ils ont gagné, messieurs, dames, s'il vous plaît. Oh. Ça a repris. Ça a repris. Allô. Allô. Ça a repris. On est à l'antenne. On est à l'antenne. Merci. Mais c'est pas grave. Vous avez pas entendu, mais du coup... bah... Bon retour pas. Voilà. Bon retour parmi nous. C'est ça. Donc au final l'équipe rétro a encore gagné. Voilà. Comme à chaque fois. Ils ont tout gagné ce jour-là, Culture Day. Ouais. Le quiz et le blind test. Ouais, c'est pas faux. On avait fait aussi un tournoi Super Smash Bros. Ouais, qui a duré très Clément avait participé. Il était long là le tournoi. Ouais. Il était long. Et Clément avait fini Clément de J'ai vu la lumière évidemment le mardi 21h-23h. Il a pas fini dans la team dans la poule des perdants, je crois. Si. Il a fini dans la poule des perdants, mais il a fini quatrième au total sur le tournoi. C'est ça. Quatrième au final, parce que bah, il s'est fait éclater dès le début par un des plus forts. Ah, non, pas au début, au deuxième match, je crois. Je sais plus. Mais bon, il s'est Dès le début, t'as raison. Bon, lui... Ah non, dès le début. Mais il l'a éclaté après par la suite. Voilà. Donc on fait des big ups à Clément. T'as bien joué pour une fois. Non, pour une fois. Oh là là. C'est ça. Non, moi je dis ça, je dis rien, mais il y en a qui sont sur leur tel et qui font des messes basses et tout. Mais là. Dis rien, alors. Oh, oh. Absolument pas. Ouais, mais ils connaissent pas Clément encore, pas trop. Bah oui, si, moi je le connais bien, je le connais depuis 4 ans. T'as son numéro ? 4 ans. Mais bien sûr. Ah merde. Ah hey, tu me fais son 06, il est mignon, moi je crois. Alors, c'est 09, 60. Non, ça c'est. Alors d'ailleurs, je vais le donner à l'antenne. 06. 66. On a pas vas-y, besoin. Vas-y. Il y a pas 6, 6, 6. Si vous voulez son numéro, vous venez dans J'ai vu de la lumière et basta. Ouais. Il est assez open là-dessus. Carrément même. Ouais, tu. Il est très libre. Ah, ouais. Très libéré quoi. Bon. Ouais. On va écouter Nina Attal, I've been a fool. Oh. Oh, je l'ai trop bien. I've been a fool. I've been a fool. Les Avengers et Indestar, c'est mieux que le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Alors, pas jusqu'à 23h, mais là c'est plus jusqu'à minuit, hein, parce que, évidemment, vu que c'est une spéciale, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Culture Day, notamment les interviews de certains stands, on va dire ça comme ça, il y avait. Eh ben, c'est pas la bonne feuille. Voilà, je cherche ma feuille, voilà, champion. On a l'interview du magasin à Tours, Dynamic Game, qui est un pote de Charles, pour le coup. Tout à fait. Où... Ça se poule, ça se trouve. Tu es un gros client de Dynamic Game. Ah, un très bon client, ouais. Ouais, Charles. Oui, quoi, oui pardon, pardon. Ouais. Oui. Ça se trouve comme magasin. Ça se trouve rue Colbert. Ah d'accord. Rue Colbert à Tours, dans la région centre, en France. Rue Colbert, ouais, c'est ça. Et c'est un magasin de quoi ? Jeux vidéo. Ok. Dynamic Game, qu'est-ce que tu comprends c'est pas le dernier... non, c'est le dernier magasin de dynamite. C'est le dernier magasin de jeux vidéo de Tours. Ah ouais ? Sans compter les Micromania, mais... Ok. Ouais. Après, il y a du... Ouais, il y a encore des. Il y a Phone and Games encore à Tours, anciennement Mega Game. Ils sont en train de vider leur stock et ouais, c'est la fin. Ils font plus de jeux vidéo. Maintenant, c'est uniquement téléphonie mobile. Oh, c'est ça. Ouais, ça pue en vrai. Ah, ouais, d'accord. Après, il y en a un autre aussi que je connais par connaissance, mais bon, je m'en rappelle plus le nom. Merci. Merci pour cette information. Hey, c'est cool, hein. Non, on va écouter l'interview de Dynamic Games. Bonjour. Bonjour. C'est Charles qui va t'interviewer, parce que Charles, il te connaît apparemment. Salut Charles. On se connaît bien depuis pas mal de temps. Et comment vous êtes connus ? On s'est connus dans son salon de jeux vidéo. Enfin, son salon, son magasin, pardon. Dans son salon. C'est ici le salon, ici. Non, t'es pas venu à la maison encore. Non, pas encore. Mais du coup, t'étais un bon joueur. Un bon client déjà et un bon joueur aussi, mais plutôt console. Donc ça tombe très bien. C'est cool. Ouais. Et du coup, t'entretiens des relations avec tes clients Ah bah bonne oui, relation. Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est cool. Ouais. D'accord. Et du coup, tu tiens un magasin de jeux vidéo. Voilà, c'est ça. Donc c'est le magasin Dynamic Game qui est à Tours, rue Colbert. Donc c'est juste à côté en fait de la place Saint-Étoile France. D'accord. Ceux qui ont un peu de mal à situer. Donc en haut de la rue nationale, quoi. D'accord. Voilà. Et toi, c'est là-bas que t'allais du coup, Charles ? C'est là-bas que je vais pratiquement toutes les semaines, en fait. Toutes les semaines ? Bah ouais, pratiquement. Ouais, allez, tous les 3 jours, allez. Ouais, tous les 3 jours, on va dire. J'ai entendu le mot bière tout à l'heure. Est-ce que c'est un rapport ? Même pas. Alors non, mais si t'en as une... Ouais, on est preneur. Peut-être après, mission. C'est à voir. Voilà. Mais, et du coup, quand tu vas là-bas, tu fais quoi ? Je vends des jeux, je vends des consoles et j'achète des consoles et des jeux. Ah du coup tu fais partie de ces consommateurs de jeux vidéo qui genre testent une heure le jeu et le revendent après. Ah, c'est un peu ça, sauf que en fait je suis collectionneur et j'aime beaucoup le rétro gaming et il y a ce qu'il faut vraiment chez lui, c'est top. D'accord. Et du coup toi aussi tu joues un peu. Ah bah un oui bien sûr. Je t'ai posé la question en off parce que je me suis dit ah si ça se trouve il a plus envie de jouer maintenant vu qu'il va trop de jeux. Mais non, tu joues beaucoup. Ouais bah j'ai pas de style de jeu particulier, en plus moi je joue à tout, que ce soit jeu de voiture, jeu de combat, jeu d'aventure. J'ai pas de restrictions, moi je touche vraiment à tout quoi. Et toutes les consoles surtout. Est-ce qu'on peut dire, on veut toucher un mot, enfin je sais pas si tu veux en parler à l'antenne, mais t'as vraiment une collection incroyable. Ouais, bah d'ailleurs il y a une vidéo YouTube si vous voulez la regarder qui est sur la chaîne Dynamic Game Tour où justement je présente 2 consoles que j'ai en ma possession qui sont extrêmement rares. C'est des consoles de développement en fait que j'ai réussi à récupérer de studios qui ont fermé. D'accord, ouais, elles sont pas sorties. Voilà, et en fait on peut pas les avoir dans le commerce normalement. Et donc du coup je les ai mis dans la vidéo pour les montrer tout simplement. Bah et, oui. Et moi j'ai un peu moins de 90 consoles chez moi, toutes différentes. Donc toutes les Sony, donc PlayStation, Nintendo, Xbox, Sega, Atari, Amstrad CPC. Du coup tu es riche de consoles en fait. Oui, et les jeux aussi, ouais. C'est un problème pour les ranger d'ailleurs. Ah, intéressant. T'en as combien, tu sais, non ? En jeu ? Ouais. J'ai arrêté de compter. Autant que son magasin. Honnêtement, j'ai arrêté de compter. Par le magasin en un moins, je pense. Je sais pas. Ça s'équivaut, je pense. En fait, il peut rouvrir un magasin chez lui. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je ne filerai pas l'adresse de chez moi. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Bah, je il s'est cambriolé de toutes les semaines. On pourra négocier, j'ai son adresse. venteprivé.julien.com. Non, ce sera pas la vente privée, ça sera vraiment un cas. Mais du coup, si vous voulez des jeux vidéo, bah, il suffit d'aller à Tours, à Dynamic Game, et on voilà, va trouver exactement, Julien. Ouais. T'as des jeux à conseiller en ce moment, ou des sorties que tu conseillerais Bah là, le gros jeu qu'il va falloir attendre, qui d'ailleurs vient d'être repoussé, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est Cyberpunk 2077, qui est sorti au mois d'avril, qui sort finalement en septembre. Ouais, voilà. Ouais, et ça va être le gros jeu de 2020. Clairement, en attendant, bah, les nouvelles consoles PS5 et Xbox X. J'avais vu Dragon Ball Z Kakarot aussi, qui a l'air pas trop mal dans le concept du gameplay. Ouais, bah lui il vient de sortir, donc et effectivement il est excellent. Il reprend tout l'univers Dragon Ball du début jusqu'à la fin, quoi, avec tous les persos. Puis j'ai vu un délire, on peut manger dedans. Ouais, ouais, tu peux. C'est important, ça fait gagner de l'XP. Ouais, ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est... Et au niveau du gameplay, est-ce qu'on se situe plus sur du Tenkaichi comme à l'époque de la PS2, PS3 ou plus sur de la 2D? Non, on est sur du Tenkaichi. Hein. Ouais, Tenkaichi, ouais, entièrement. Avec un petit côté RPG aussi. D'accord, ouais. Ouais. Même ils ont misé là-dessus, hein. Ils se sont ouverts au RPG un petit peu. Ouais, alors c'est. Ça reste quand même du combat de base. Ouais. Voilà. Encore heureux. Un Dragon Ball Z en combat, qu'est-ce que ça serait? Ce serait tellement triste. Ils ont essayé, je crois, hein, sur Super NES où il y avait un jeu comme ça en version Beat'em All et c'était une catastrophe. Ça m'étonne pas que j'en ai pas entendu parler, du coup. Bah, il est pas sorti en France en plus. Hein. Ouais. Ça veut tout dire. C'est ça, les Français, voilà. Ils aiment la castagne. C'est ça. Non, j'avais entendu un autre jeu aussi qui allait sortir le mois prochain, je crois, mais je sais plus ce que c'est. Ah bah tu sais plus. Février. Ah, Fallen Order. À moins qu'il est déjà sorti, je sais plus. Fallen Order. Il est sorti au mois de décembre. Ouais. J'ai un train de retard. T'es en retard. Alors on est en janvier. Bienvenue pour la nouvelle année sur Indestar. Et sinon, il y a une grosse préparation pour ton magasin, je crois. C'est la sortie de la prochaine Sony. Ouais, bah on est déjà en train de bosser dessus. Ouais. La prochaine Sony. La PS5. La PS5. Ah oui, la PS5. Ouais. Oh. Qui est annoncée pour la fin de cette année, normalement. Ouais. Si tout se passe bien. Avec un super design. Une cuve de toilette. J'avais vu une image. Des toilettes tueurs, comme on dit. Il y a une personne qui a mis une part de pizza dans le trou. Ça rentrait pile poil parfaitement. Ouais, alors ce que vous avez vu, c'est le kit de développement en fait. C'est que pour les studios. On n'aura pas ce design là en fait. D'accord. Pour les consommateurs. Ah oui, pour nous, on sait pas. Même moi, j'ai pas d'infos sur le design ou quoi. Donc faut attendre. Il y a que ça à faire. Et le 3 qui a lieu au mois de juin, on va en savoir un peu plus On sait pas, personne ne sait. On sait pas. Ouais. Mais Sony n'y sera pas, donc a priori il y aurait un événement privé avant ou après. Parce qu'après, pour contrer, il y a la Xbox qui avait voulu sortir le projet Scarlett, je crois. Ouais, la Xbox Scarlett. Qui est devenue par la suite. Et franchement, moi j'ai l'impression, là en ce moment, que PS5 est en train de prendre le dessus sur Xbox. Avant ça pouvait s'égaliser, Xbox One, PS4. Non. Oh non. Non, non, non. Non, là. Les ventes PS4 et Xbox One sont très différentes. PS4 est largement à des millions de ventes de millions. Ouais, mais on est d'accord. J'ai une Xbox One. Quand tu vas sur Le Bon Coin, tu vois plus de gens qui échangent une Xbox One contre une PS4 que de PS4 pour Xbox One. Ouais, mais c'est pas pareil. Moi je suis team Xbox. Mais après j'ai la PS4 aussi. Mais là j'ai l'impression que la PS5 va totalement écraser la Xbox Series X. Le problème avec la Xbox, c'est qu'ils ont voulu faire trop connecter et ça leur a joué des tours, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah déjà, quand elle a été annoncée, à la base, il fallait tout le temps connecter. Au final, ils ont plus ou moins enlevé, mais c'est vrai que si t'es pas connecté, il y a plein de fonctionnalités que t'as pas. Donc du coup, t'es quand même obligé d'être connecté, quoi. C'est ça. Et puis le souci, quand même, entre la différence entre la PS4 et la Xbox One, c'est que la Xbox One, quand tu achètes un jeu et que tu insères le CD, tu ne peux pas le jouer directement, ça l'installe et après tu peux seulement y jouer. Alors que sur la PS4, vous mettez le jeu, c'est parti, quoi. Bah, ça dure 2 minutes à peine l'installation. Voilà. Parce que sur Xbox, il faut compter 1/4 d'heure, 20 minutes. Ouais, c'est ça. Et c'est apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, sur la PS5, il n'y a aucun temps de chargement. Sur les jeux, pratiquement. C'est ça. Alors, aucun temps de chargement. Puis il y aurait aussi. Alors, une autre info. Là ça me fait rêver la rétro-compatibilité. Alors je peux rien dire, moi j'ai des infos, mais du coup à moins qu'on coupe au montage. Mais oui normalement. Sur ce que j'avais entendu, pour la rétro-compatibilité, ça fait jusqu'à PS1 même. C'est ça. Ouais, PS1, PS2, PS3, PS4 et PSP. PSP aussi. PSP aussi, ouais. Avec la Vita qui peuvent ils peuvent rien faire. Mais ouais, bon, en même temps la Vita. Elle était bien, hein, elle était très bien. Bah merci d'être venu en tout cas. Bah de rien, mais merci à vous. Merci. Oh, ça s'est coupé d'un coup. Ouais, ça a coupé comme ça. Du coup, c'était l'interview de Dynamic Games. On est à l'antenne. Que Charles a mené avec brio d'ailleurs. Merci beaucoup. Bah de rien, pas de soucis. Alors on a entendu ton. En fait, il est en train de manger une sucette, c'est pour ça. Il fait pas des bruits bizarres dans le micro. Non, il mange juste une sucette. On se fait plaisir dans PK Avenger, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de plaisir. Pendant le culture. Non, pas d'arrière-pensée, Johan, s'il te plaît. Pendant le Culture Day, en fait, il y a eu des danseuses qui sont venues au Culture Day, qui viennent de l'association aux 4 vents de Tours. Elles se sont produites aussi à l'heure tranquille lors du showcase du Père Noël à Noël, pour le coup. Et sont venues sur scène, elles ont dansé, elles ont fait des superbes danses. Après, elles ont invité le public, notamment moi. Il y avait qui? Il y avait Jolan. Il y avait moi, il y avait Jolan. Il y avait toi. Ouais. Il y avait Charles, il y avait Linda, je sais plus qu'il y avait d'autres. Eliette aussi, t'as participé à vous. Sur la vidéo, on te voit et à la fin, on te voit partir. C'est vrai. Et on a fait des danses assez sympathiques en vrai. C'était rigolo. Plutôt... Moi, je vous ai filmé, c'était cool. C'était facile. De filmer ? Ah oui. Non. Même les danses, c'était facile pour le coup. On était juste. L'air d'aller. J'aimais bien, il y avait un geste où qu'en gros. Alors, si ou vous que. Voyez... Ou qu'en ou gros. En gros. Le queue, t'en as pas besoin, Deli. Enlève le queue. Ou en gros. Oui. Même en gros. Dans One Piece, il y a Chopper. C'est, vous voyez Tony Chopper. C'est le petit renne au nez bleu. Et ben en fait, il fait une danse avec un panier comme ça, là. Avec deux baguettes dans le nez. Et ben, il y a un des gestes qu'il nous apprenait, c'était avec le panier. Mais avec nos mains. On faisait un panier avec nos mains et on faisait comme ça. Alors les gens ne peuvent pas voir, mais ils c'est pour les connaisseurs de One Piece. Si. Ok, bah si t'es pas connaisseur, tu peux pas voir. Parce que je pourrais pas l'expliquer, ou alors faut refaire la danse. Ah, tu fais une espèce de, ouais, tu fais une espèce de geste un peu étrange où tu joins tes mains. C'est très bizarre à voir. Au pire, il y a toujours les vidéos sur Facebook. Oui, on les a déjà partagées. Vous pouvez toujours aller les voir. Il y aura peut-être même des extraits, je pense. Oui, sans doute. Voilà. On les a interviewés, les membres de O80. Donc c'est Mario des... je connais une autre, elle s'appelle Chloé. Elle fait des cosplays manga. Enfin, elle veut faire des décors même de cinéma, pour vous dire. Des costumes de cinéma, pardon. Pas des c'est décors. Cool. Juste avant, on a fait un salut japonais. Absolument. Traditionnel. On a essayé pour certains et fait pour d'autres. Alors, faut savoir. Et moi, personnellement, j'ai regardé en ayant peur qu'on me demande. Donc, ça m'allait très bien. Bah, tu sais quoi, il est pas trop tard. Si, c'est trop oui, tard. Oui, on peut faire plusieurs posts Facebook. Bah, oui, évidemment. Chaque membre de l'équipe. Et du coup, oui, faut un peu de souplesse quand même, mine de rien. Oui. Bah, c'est une souplesse en fait. Le fait de s'asseoir, ce qu'on appelle en seiza, c'est-à-dire la posture traditionnelle japonaise où on est assis sur les talons, et le fait de le faire souvent, puisque dans la vie japonaise traditionnelle, beaucoup de choses sont basses. Pour manger, par exemple. Pour manger, par exemple, mais aussi pour tout ce qui est traditionnel. Bah, ça permet quand même de garder, d'avoir de naissance, puis de garder une grande souplesse des genoux. C'est pas de là que souffrent les Japonais. D'accord. C'est intéressant à savoir. Et oui, voilà. Donc entraînement. Alors l'association O80, elle existe depuis combien de temps ? Alors, elle était fondée en 2014. Elle est devenue active vraiment en 2015. Mais officiellement, on existe depuis 2014 et on est de Tours. D'accord. Et si je me trompe pas, parce qu'on vous a croisé au showcase à l'heure tranquille. Absolument. Vous avez fait une jolie prestation. Merci. Qu'on a regardé avec délectation. On a regardé et filmé. Hein. Oui, en plus. Oui, on peut faire. Et vous faites pas que des saluts japonais pour le coup. Ah ben non, on fait pas que ça. Donc on enseigne des danses traditionnelles du monde, dont la danse japonaise qu'on va représenter aujourd'hui. Tout à l'heure à midi. Tout à l'heure, voilà, à midi et 15h. mais on enseigne aussi d'autres danses traditionnelles et les élèves qui sont là assis à côté de moi dans le silence de l'absence de micro font aussi de la danse thaïsienne, chinoise, mongole... Voilà, plein de et c'est cultures vous différentes. La professeure ? C'est moi qui enseigne tout ça, oui. Et vous leur enseignez chacune chaque danse ? J'enseigne chacune des danses depuis 2010. Je voyage à travers la planète et je fais un petit peu comme rendez-vous en terre inconnue. Je vis dans les familles, sauf que moi, j'ai pas de médecin, pas de traducteur et pas de présentateur. Donc, je vis avec les familles où qu'elles soient, dans les campagnes, dans les villes, au milieu de la steppe, au sommet de l'Himalaya. Je partage leur quotidien. Et je ramène leur culture, donc la danse évidemment, entre autres, qui est ce que j'enseigne dans O80, mais aussi la cuisine. D'ailleurs, il y a quelques petites pâtisseries japonaises à déguster. Oh bah ça, je vais y aller voir. La cuisine, la langue, dans la mesure du possible. Hein, oui. J'apprends les langues certes vite, mais enfin, je suis pas. Ce qu'on a besoin dans les médias. Voilà, c'est ça. Genre, c'est ça. Aller aux toilettes. Mais surtout, voilà, j'essaye de transmettre ce que sont ces peuples. Leur façon d'être, leur façon de penser, et pas seulement de façon intellectuelle, littérature, etc., mais ce qu'ils sont au quotidien. Et ils dansent pour eux. Et donc la danse fait partie du quotidien de tous les peuples de la planète, que ce soit, soit dans des circonstances particulières religieuses ou traditionnelles, soit quotidiennement pour d'autres peuples. D'accord. Et vous avez rejoint O80 sous la demande du président Baptiste. Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui ai fondé O80 pour transmettre ce que j'apprends au travers de mes voyages. Et Baptiste était mon premier élève. Et le premier stage que j'ai donné à O80, c'était un stage de danse japonaise. Et Baptiste a débarqué, on peut le dire comme ça. Et puis, il est resté. Et il a élargi son horizon à d'autres danses que la danse japonaise. Et il est même devenu président de 80. Merci. Premier membre et ouais. Premier membre et président. Voilà. Sacrée promotion, dis donc. Eh oui. On va faire pareil aux. Vous allez faire pareil à la radio. Ouais, voilà. On va faire un président, genre. Non, mais c'est cool du coup. Et on a hâte de vous voir danser. Bah oui, nous aussi, on a hâte de vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler la danse japonaise. Vous serez 7 tout à l'heure, c'est ça? Oui. Là, vous êtes 5. C'est ça. Il manque encore. On sera 6, il manque Chloé. Oui. Mais sinon, on est au complet. J'avais dit 7, mais c'est 6. J'ai compté une de trop. Ouais. Ça arrive. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci. Voilà, c'était l'interview de O80. On leur fait des gros bisous et on les reverra certainement. Je sais plus quand, mais bon, on va. On les reverra. C'est le genre du monde. Messieurs, s'il vous plaît. Ils sont toujours à la ramasse. On part toujours dans le débat. On a juste un peu 46 minutes de retard. Ouais, c'est pas grand chose. Je t'entends pas. La base. Hein, on était en plein dans le thème de l'émission. Hein. Ah, ouais. On parlait de doublage, je crois. Tout à fait. Pop culture. En parlant de doublage. Pas d'excuses. Il y a une fille ici. Qui porte pas son vrai prénom. On l'appelle Marguerite à l'antenne, mais au final, elle s'appelle pas Marguerite. Et je pense qu'apparemment, quelqu'un voulait expliquer pourquoi. Bah, c'est toi qui vas expliquer pourquoi. Quoi? Non. Quoi? Bah, c'est quand même à cause de toi que je m'appelle comme ça. C'est un peu à cause Marguerite, de toi. Tu m'en fous. Bah, je t'en prie. Non, bah, la petite histoire, c'est juste que c'est à cause de Teddy en fait que je m'appelle comme ça. Toujours Teddy. C'est qu'on était. Donc j'étais avec Waley, avec qui je fais un gros Huawei de l'escat. Waley de base, mais on l'appelle Huawei. Ouais. Enfin bref, Aurélie. Encore ma qui était avant à l'escat, elle aussi, et qui nous a quittés malheureusement. Quoi? Elle est morte? Hein? Mais non, elle est juste partie. Ouais, tu me dis, elle nous a quittés malheureusement. Bah, ouais, mais elle est partie de l'escat. Ah, elle utilise les bons termes. Ah bon? Elle est partie vers. Elle nous a laissé. D'autres horizons. Oui, elle est partie vers. Vers l'infini et l'au-delà, tu vois. Ça va suivre. Si tu veux. Enfin bref. C'est là que j'ai rencontré Teddy, donc on a fait on devait faire une reconstitution historique. On devait aller à une filmer les revues historiques d'Amboise, voilà. Un petit événement. Que te sens patoche. Ouais. Voilà. Et au lieu de m'appeler Mathilde, il m'a appelé Marguerite. Parce que je savais plus son premier prénom. Hein. Voilà. Et c'est resté en fait. De base c'était. Parma. Voilà. De base c'était Sainte Marguerite Dupré parce que Marguerite. Marguerite, genre c'est pas super naturel. Je sais pas. En mots qui me viennent à l'esprit avec ça. Manon ou un autre truc. Non, j'avais une ex qui s'appelait Manon donc ça pouvait pas être Manon. Ah, ouais. D'accord. Pourquoi pas Marjorie, tu vois. Non, parce que j'avais une ex qui s'appelait. Non, parce que. Je suis désolée pour toutes les Marguerites qui potentiellement nous écoutent, mais pour moi Marguerite c'est soit une sainte, soit une vache. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. J'allais dire une vieille peau. Je peux pas dire, elle oublie l'aspect fleur aussi, mais bon. Voilà, encore une fois, je suis désolée pour celle qui s'appelle Marguerite. Marguerite vient de faire traire. Voilà. Donc c'est à cause de lui que je suis affublée de ce prénom. Ouais. Moi, je trouve ça cool, Marguerite. En vrai, ça fait un beau pseudo. Ouais. Ouais, non, bof. Bon. C'est il y a plus épique, hein. Il y a plus épique, ouais. On s'en branle. On aura le temps d'en chercher d'autres plus tard. Moi, je m'en branle pas, d'accord. Alors, tu te calmes. Non, mais on fera une conversation. Enfin, dans la conversion des Pack Avengers, on cherchera un pseudo de game. Un pseudo pour toi. Ah, ça me va. Tu t'appelleras Marguerite quand même. Oui, ou Marguerite. Toi, tu m'appelleras Marguerite, mais pas les autres. Tout le monde t'appellera Marguerite. Tu n'auras pas ce privilège. En fait, ça va être une règle dans Pack Avengers. Si vous voulez être membre de Pack Avengers, appelez Marguerite Marguerite. Non, Mathilde Marguerite. Je te déteste. Non, Marguerite Marguerite. Parce qu'elle s'appelle même Marguerite. Toujours. D'accord. Enfin voilà. On va écouter Grave dans les Broken Dreams. Hein? Attendez. Il y a du français et de l'anglais dans ce titre. Attention. Grave dans les Broken Dreams. Tu graves dans les Broken Dreams? C'est des bugs qui gravent dans Broken Dreams. Ouais, c'est ça. Ah, parce que moi j'ai pas l'écran donc je ne sais pas. On est d'accord. Ouais, non, c'est... Ok. C'est les beaux gosses qui ont fait cette musique. Waouh! Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Les Visiteurs en Amérique. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. En effet, les Peck Avengers, c'est mieux que les Visiteurs. Dylan peut nous le confirmer. Encore, mais ça fait deux fois qu'il passe celui-là. Ouais, j'ai oublié de changer autre genre les nouvelles aventures d'Aladin. On manque de jingle. Il va falloir qu'on en refasse. Théo, si tu nous entends. Il y a plein de choses à refaire. Pour Peck Avengers, on fera un générique, on fera tout avec tous les membres, les vrais membres qu'on aura décidé pendant la réunion qui sera vraiment membre. Voilà. Ouais, on n'en gardera que 5. Suspense. Voilà. Ouais, c'est ça, Jolan Télim. Hein? Votez pour souffle. Non. Ah si, bah, pas le choix. Pas ah, si, pour souffle. Hein. Et on est 3. Hein. Serpentard. 4. Ouais. 4. Je suis pour souffle. Alors, je veux bien garder une Serpentard, mais pas deux. Alors, l'enfoiré. Bah, ça va, on en a qu'une. Non, il y en a deux. Bah, Cindy, elle revient pas, donc elle va revenir. Ah bon? Ah, mais on veut pas être deuxième Serpentard. Elle va être un peu plus présente aussi dans une nouvelle émission qui va arriver qui s'appelle Vita Conso. Oui. Ah, elle sera dans Vita Conso, Cindy? Pas sûr. On sait pas encore. Ouais, on sait pas encore, mais il me semble que. Bon, bah, annonce pas des trucs qu'on sait pas. T'étais chaude aussi pour Vita Conso le vendredi? Bien sûr. Bah, ça a l'air d'être un truc de meuf quand même, sans vouloir vous vexer. Entre Linda, Cindy, Elliot. Ah, t'es là aussi, mais toi, tu fais pas l'émission. Je suis au bouton, moi, et dis pas que c'est un truc. Bah, vous avez un peu des seins de meuf, hein. Bon, des petits peu développés, mais. Il y aura Antoine aussi. Laisse mon poney tranquille. D'accord. J'aime mes petits seins d'homme. Bon, une petite référence à 300. Tes petits pecs. Enfin, la parodie de 300 Orgy Movie, je crois. Galan. Teddy. Galan. Je sais plus. Ismaël. Non, je déconne. Tu vas nous présenter deux films. Oui, deux films. Attention, ça va chier. Deux films, pour l'interrogation. Scott Pilgrim et E.T. D'abord E.T. Non, je peux commencer par E.T. d'abord. Bah, vas-y. Alors E.T., bah, c'est un film qui est sorti en 82, qui est réalisé par Steven Spielberg. C'est un drame et un cinéma de fantasy qui dure plus le temps, deux heures. Okay. Donc bah, la production, c'est Universal Pictures et Amblin Entertainment, évidemment. Et je vais rabâcher ce nom, je vais le dire souvent, mais Amblin Entertainment, c'est aussi Kathleen Kennedy, qui est la productrice principale. Voilà, Kathleen Kennedy, faut retenir. Kathleen Kennedy. Voilà, exactement. Elle est morte? Non, pas du tout. Kennedy. La c'est JFK, mais bon. Mais toute la famille Kennedy, la ferme. Donc, pour ce film, on a un beau casting, encore une fois. On a Henry Thomas, qui joue le rôle d'Eliot. On a une jeune Drew Barrymore qui joue sa petite sœur Gertie. On a Dee Wallace pour la mère Marie. Et Robert McNaughton pour le grand frère Michael. Un vaisseau spatial est contraint d'abandonner sur Terre l'un de ses passagers, un extraterrestre maladroit. Celui-ci se réfugie dans une réserve à proximité de la maison où une jeune femme élève ses trois enfants, Elliot, Michael et Gertie. Elliot est le premier à remarquer la petite créature apeurée dont les yeux brillent dans la nuit. Immédiatement séduit, Elliot abrite Titi dans sa chambre à l'insu de sa mère. Son frère et sa sœur sont vite dans le secret. Elliot cependant reste l'ami privilégié d'Etty, qui demeure en contact avec lui, même lorsque le garçon le garçonnet se rend à l'école. Oui, Teddy. Question, c'est le garçon qui l'appelle E.T. Oui, il d'accord. lui donne ce nom. Pourquoi E.T. Parce que c'est l'abréviation de extraterrestre. Extraterrestre. Et c'est voilà. Bon. Et lorsque, par exemple, il est à l'école et que E.T. est toujours à la maison, lorsqu'E.T. boit des bières, ça fait. Des bières. Oui, il boit des bières et ça fait roter Elliot. Donc c'est pour montrer. Ouais, c'est pour montrer qu'ils sont liés. Voilà. Bientôt, l'extraterrestre parvient à se faire comprendre et à exprimer son désir rentrer chez lui. Donc, la fameuse phrase E.T. téléphone maison. Voilà, très bien dit par Galen. Merci. Donc c'est un film que toute une génération a vu un bon nombre de fois durant son enfance et c'est mon cas. Donc c'est un film inventif, magique, émouvant et très sympathique. Spielberg nous montre la bonne face des êtres venus de l'espace, gentils et mignons, attachants, et à travers cette histoire, un petit garçon qui se lie d'amitié avec un petit être venu de l'espace. C'est vrai que ça change de Prédateur Alien. Ou Prometheus. Enfin, ouais, voilà. Donc j'arrive au moment où je vous raconte quelques anecdotes sur le film. La première chose, la première chose à savoir, c'est que Spielberg a filmé tout le film du point de vue d'un enfant afin de se rapprocher des personnages d'Eliot et de E.T. Mmh. Donc il a filmé à genoux, juste pour faire un film très réaliste. C'est ça, le professionnalisme à la ricaine. Waouh. Pour couronner le tout, il faut savoir qu'on ne tourne pas les séquences dans l'ordre durant un film. Et Spielberg, lui, il a tourné le film d'une manière chronologique afin de conserver le réalisme du jeu d'acteur, ce qui se fait très rarement dans l'industrie du cinéma. Ils ont fait comment en termes de préparation dans ce cas ? Enfin, même de production ? Je sais pas trop. Bah, ça devait être préparé à l'avance, Sûrement qu'ils ont répété, mais il aura sûrement dit voilà comment ça devrait se passer, mais ça va se passer comme ça. Voilà comment ça va se passer. Pour que. Voilà. Ça reste on plus réaliste. Garde un jeu d'acteur qui évolue durant le film. Alors, à un moment donné, dans le film, il y a E.T. qui devient malade. Et il y a des médecins qui soignent E.T. Et il faut savoir que ces médecins ne sont pas des acteurs, mais de vrais docteurs. Quoi ? Ouais. Donc Steven Spielberg, il leur a demandé de traiter la marionnette comme il le ferait avec un être humain. Et E.T. était vraiment un extraterrestre. Oui, aussi. Donc là aussi, dans un souci de réalisme. Un truc incroyable à savoir, c'est que Harrison Ford, qui est connu pour le rôle d'Indiana Jones ou de Han Solo, a joué dans le film. Mais il a été coupé au montage, malheureusement. Ah. Il n'était pas encore assez famous. Si, en 82, si. Mais pourquoi il a été coupé? Parce qu'il voulait sûrement rendre visite à... D'abord, Harrison Ford voulait sûrement rendre visite à son pote Steve et sa femme Melissa Mathison, qui a écrit le film. Mais sa scène fut retirée car Spielberg souhaitait qu'on voit le moins d'adultes possible dans le film. On ne voit aucun visage d'adulte dans le film à part celui de la mère. Ah ouais. Voilà, et Melissa Mathison, c'est une scénariste qui a aussi écrit Le Bon Gros Géant, sorti en 2016. Ah, le BGG. Voilà. Super. Et une des vidéos qui m'a un peu fait pleurer aussi, c'est l'audition du jeune Henry Thomas qui joue Elliot. Et pour son audition, il a dû penser à la mort de son chien pour pouvoir pleurer. Et il a fait chialer Spielberg, qui l'engageait sur le champ. Mais non. Non. C'est trop mignon. Mignon. À la fois, c'est tellement triste. Ouais, non, mais il est tellement convaincant. C'est pas un truc d'acteur, ça. Enfin, quand on était avec Clément, c'était fait exprès. Enfin, je sais pas si tu penses à un truc qui t'énerve. Qui font ça, mais... Il a rejoué ou pas dans d'autres films? Comment? Le petit gars. Non. Mais là, non, pas des films super connus. D'accord. Mais là, récemment, tu peux voir une pub. Pour Google, apparemment, où on revoit E.T. et lui qui a plus de 40 ans, quoi. Oh oui, elle est super, cette pub, ouais, je l'ai vue. Elle est adorable. Je regarde pas la télé, donc heureusement, je ne vois pas les pubs. C'est pas forcément à la télé, hein, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai un adblock, j'emmerde les pubs. Et voilà. Du coup, le jeu vidéo E.T. Ouais. Ah bah une espérance, ah bah non. Personne ne connaît ce fameux. C'est bien, c'est qu'on est sur des spéciales jeux vidéo et Gaëlan a toujours un passe-partout. Tu sais, il place ses films et on lui dit ah bah ok. Attends, là parce que je place un film qui passe. Oui. Là qui passe dans le Culture Day. Il a juste passé E.T. entre les deux. Voilà, c'est tout. C'est ça, il avait envie. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais en fait, je suis sûr qu'il va faire 2 minutes sur le film jeu vidéo et il fait 5 minutes sur E.T. Non, c'est pas un film adapté d'un jeu vidéo, c'est un film adapté d'un comics. Mais qui reprend, mais qui reprend les codes, voilà, du jeu. Ah oui, c'est vrai, voilà. Scott Pilgrim. Bon bah vas-y, je me tais. Scott Pilgrim versus The World, qui est sorti en 2010 et qui est réalisé par le fameux Edgar Wright, réalisateur de la trilogie Cornetto. 2004, Shaun of the Dead. 2007, Hot Fuzz. Et 2013, The World's End. Et il est revenu en 2017 avec Baby Driver. Mais entre temps, il a fait Scott Pilgrim. Donc pour le casting, on a Michael Cera pour Scott Pilgrim, Marie-Elisabeth Winstead pour Ramona Flowers, Kieran Culkin qui est le frère de Macaulay Culkin qui joue Wallace Wells, le colocataire de Scott. On a Anna Kendrick qui est connue pour sa cup song qui joue Stacy Pilgrim, la sœur. Et on a deux acteurs famous du MCU, donc tout d'abord Chris Evans qui joue Lucas Lee, un icône du cinéma d'action dans le film, et Brie Larson qui joue Envy Adams. Je veux bien que tu me baisses le bête. Ah, merci. Alors, Scott Pilgrim sort avec une lycéenne. Il a 22 ans, il vit à Toronto avec Wallace, son colocataire gay, et enchaîne les conquêtes amoureuses. La dernière en date, Knive, une lycéenne de 17 ans qui lui sert à oublier Envy et leur douloureuse rupture. Mais la vie de Scott bascule le jour où il rencontre Ramona, qu'il avait aperçue dans un de ses rêves. Alors que la jeune fille assiste à un concert des Sex Bobomb, le groupe de Scott, Matthew, une ancienne conquête de Ramona, provoque le jeune homme en duel. Très vite, Scott se rend compte que le passé de Ramona est rempli de 7 ex maléfiques, tous plus déjantés les uns que les autres, qu'il va falloir évincer un par un pour espérer séduire l'amour de sa vie. C'est génial! C'est incroyable. T'as le boss final et tout. Ouais. Tu les as affrontés de par eux. Ouais. Et dès qu'il élimine un ex, t'as le score et les pièces qui apparaissent, le montant, le total des pièces, et le corps disparaît en explosant de pièces. Génial. C'est super. Je veux faire pareil. Voilà. Alors Scott Pilgrim, on vient de voir avec Pierre qui a un jeu. Scott Pilgrim. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. C'est ok. Ouais. Alors c'est une bande dessinée canadienne déclinée en 6 volumes créée par Brian Lee O'Malley. Avec son mélange d'humour, de romance et de combat, le tout accompagné de références à la culture populaire geek, elle n'a pas tardé à devenir une œuvre culte, adoubée notamment par Joss Whedon ou encore Edgar Wright, qui en signe d'ailleurs l'adaptation. Joss Whedon, qui est réalisateur du premier Avenger. Oh. Donc, avant de combattre le personnage de Lucas Lee, ex-skater devenu acteur, Scott doit se débarrasser des doublures du personnage, qui ne sont autres que celles de son interprète, Chris Evans. Quand on voit ses doublures, c'est ses vraies doublures dans la vraie vie, Et ce qui est original, c'est que là, les doublures, ben, elles ont des répliques. Ça, c'est cool. Ouais, c'est plutôt amusant. Et pourquoi elles ont des répliques dans ce cas ? Parce que à un moment, Scott va devoir combattre Lucas Lee, qui est un ex de Ramona. Mmh. Et à un moment, il y va pour... Oui, je l'ai dit. Mais tu es sur ton téléphone. Je regardais la fiche en même temps que d'écouter, de ne pas écouter. Voilà. Et effectivement, je voyais qu'il y avait Chris Evans, Captain America. Je l'ai dit. Oui, Chris Evans. Voilà. Merci. À un moment, il va pour retourner par l'épaule Chris Evans et c'est l'une de ses doublures qui le remplace directement. Ah oui, je me souviens de la scène, c'est bon. Voilà. Et okay. On se rend compte qu'il a 6 ou 7 doublures. C'est comme Brie Larson, c'est pas aussi. Mais si, Brie Larson, c'est Captain Marvel. Ouais. Qui là dedans joue l'ex de Scott Pilgrim. Oh putain. Qui est dans un groupe de musique qui s'appelle The Clash at the Demon Head. Mais c'est sorti quand ? En 2010. Ouais, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est lourd. Mais je vais aller le regarder, je pense, très bien. D'habitude tu fais les films. Ouais, je pense que là c'est pas. Oui, je sais, mais c'est un film que j'adore qui est récent. J'ai envie de le regarder. Oui. Il est sur Netflix. Hein. Sur Netflix, ok. Ah, il est sur Netflix ? Oui. Yes ! Je vais le regarder en rentrant tout à l'heure. Il est sur Netflix, tout le monde peut le regarder. C'est ça. Donc, j'ai des mots de la part de Edgar White, scénariste et réalisateur de Scott Pilgrim. Il dit : j'ai découvert la bande dessinée de Brian Lee O'Malley à la publication de son premier volume de Scott Pilgrim's Precious Life en 2004. Ayant moi-même une propension. C'est ah, écrit. Pardon. Une propension à marier le trivial de l'extraordinaire dans mon travail, j'ai immédiatement été captivé. J'ai adoré la façon dont Brian utilisait l'iconographie des mangas et des jeux vidéo pour décrire les émotions de ces jeunes gens. Voilà. Est-ce que tu peux donner des petits exemples de codes qu'on retrouve avec le jeu vidéo Par exemple, je pense au moment J'en ai là. Il y a une esthétique inspirée des jeux vidéo d'arcade sur un fond de rock'n'roll. Donc, par exemple, attends, je te retrouve ça. Bah, t'as le moment où tu as la barre. La pi-barre. Quand il va aux toilettes. De ça. Voilà, et qui fait ses besoins, t'as la pi-barre qui se vide. C'est un Sims, le bordel. Ouais, on peut. Ouais, un peu comme ça. Sinon, t'as le code de la sitcom où quand il rentre chez lui, qui discute avec son coloc Wallace, t'as des rires en fond. Ah oui. Voilà. Oui, il fait des allusions sexuelles par rapport à Ramona. Il fait j'espère que je pourrais lui enlever sa chemise ou des choses comme ça. Oh, waouh. Waouh. Est-ce que... Je m'attendais à un truc plus violent. Ouais, pareil. Genre, c'est vachement gentil ça. Ouais, est-ce qu'il peut level up ? Est-ce qu'il a un niveau ? Non, non, non. Non. Mais en regardant le film, on se demande comment il arrive à pouvoir combattre ses ex puisqu'il a aucune formation de combat et en fait mais il connaît ses points faibles. Non, en fait c'est qu'il joue à un jeu d'arcade où tu danses, tu sais, sur les flèches. Ouais, exact. Ah oui, les combats comme ça. Ouais, et bah en fait c'est qu'il a appris tout les pas tout ça sur ce jeu là avec Knive, sa petite copine. Ok, d'accord. Voilà, et en même temps, il raconte l'anecdote de comment s'appelle Pac-Man. À l'origine, il devait. Pac-Man. Ouais, Pac-Man, ça devait s'appeler Puck-Man. Ouais. Et Pacu-Pacu, ça veut dire énormément manger ou soin frais. Et en fait, il dit Puck-Man, ça aurait été changé en Fuck-Man. Voilà. Hein? Le P aurait été changé en F. C'est pas faux. Et donc, c'est pour ça qu'il est devenu Pac-Man. Okay. Voilà. La fameuse anecdote du film qui raconte une deuxième fois en essayant de s'approcher de Ramona et il fait. Non, je te laisse, tu me reverras plus jamais. Il fait ok. Voilà. Il se casse. Genre là, tu viens de spoiler la fin ? Pas du tout. C'est le début. D'accord, non, parce il que. A pas non, mais comme je vais le voir tout à l'heure. Ah non, mais je te sur le spoil. Aussi, ce qui est très drôle à un moment, c'est qu'il rencontre à une soirée, il demande à un de ses potes qui c'est cette fille en montrant une esquisse de Ramona. Mais vraiment, c'est un gribouillis. Et il dit ah, mais c'est Ramona Flowers, ouais, je la connais. Voilà, c'est des trucs vraiment tout bêtes. Et il faut savoir que quand vous voyez l'esquisse, en fait, c'est le premier dessin de Brian Lee O'Malley. Ok. Voilà. D'accord. Il est vraiment très propre, ce film. Ouais. À niveau montage, ouais, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Parce qu'on retrouve aussi les codes d'Edgar White avec les mouvements cut des ombres qui passent devant pour changer de plan. Enfin, C'est très rapide. Il a une patte très particulière dans tous ses films. Ouais. Enfin, moi, je... T'as beaucoup de match cut, ce genre de choses. Voilà. La trilogie des Cornetto, c'est très reconnaissable. Ah, oui. Enfin, surtout le travail de Chris Dickens, si je me trompe pas, c'est ça, c'est le nom du monteur. C'est ça. Ok. Voilà. Donc alors, et c'est le film là, c'est l'adaptation du deuxième des six comic books de la série. Qui comporte Scott Pilgrim Precious Life, Versus the World et The Infinity Sadness. T'en as qu'un seul film ? Oui, il y en a qu'un seul. D'accord. C'est très bien comme bien ça. Oui, bien suffisant. Oh, oui, des fois, il faut... Donc, faut savoir que de nombreux tournages ont lieu à Toronto, mais la plupart sont des films... sont des films américains choisissant le Canada pour réduire les coûts de tournage. Et Scott Pilgrim est l'un des rares films à situer l'action dans la ville même et en dévoiler donc certains aspects intimes, comme des restaurants populaires, la plupart soufflés par Brian Lee O'Malley, natif de la ville qui plus est, et qui a inséré des détails très spécifiques dans sa bande dessinée. C'est où déjà ? À Toronto. Toronto, oui, pardon. Ok. Donc, nord de la France. Ce qui fait la particularité du film, c'est d'être raconté à la manière d'un jeu vidéo. L'univers vidéoludique est fortement présent du début à la fin. Même le logo Universal dans les toutes premières secondes est présenté en forme de pixels. Et le The End, faut bien rester jusqu'à la fin du générique. Le The End dans les dernières secondes est détruit par un petit bonhomme à l'effigie de Scott Pilgrim. Comme dans le jeu Street Fighter. C'est une déclaration d'amour au jeu vidéo que réalise ici Edgar Wright. Ça me fait penser un peu, t'as un épisode de Bref, comme ça, exactement dans le même genre, qui reprend les codes du jeu vidéo, qui est très drôle. Ouais. C'est Bref, j'ai fait une dépression. Et tu le vois, pareil, en fait, c'est le personnage de sa vie, en fait, il doit combattre le boss, par exemple, le boss final, c'est ses parents, tu vois, enfin, c'est très drôle. Alors moi, c'est mes ex, pas de problème. Et alors là, je vais spoiler. Je vais spoiler. Ah, il réagit même pas. Il entend. Il réagit pas. Il va spoiler. Spoiler. N'écoute pas. Justement, j'écoute pas pour pas me faire spoiler. Du coup, je me concentre sur autre chose sur mon téléphone vu que je regarderai le film tout à l'heure. Et je vous mettrai mes impressions sur Facebook. Et soit je dirai à des moments, connard, je me souviens de ce que t'as dit. Soit je dirai rien, voilà. Ah, vraiment, tu veux que je spoil ? Nous, on veut. Allez. Non, c'est que à la fin, Scott Pilgrim devient lui-même un ex maléfique qu'il doit combattre. Ah, c'est trop bien. C'est très intéressant. Mais j'ai pas totalement spoilé, tu verras pourquoi. La tête, si vous pouviez voir sa tête, c'est un pur bonheur. Du coup, il est sorti. Non, j'ai pas tout spoilé, tu verras. Allez, tu sauras pourquoi. Là, vous le voyez pas, mais je suis en train de faire un fuck à tout le monde. Imaginez-vous ça, voilà. Au lieu de faire un fuck, tu vas nous parler d'un jeu. Ah non, mais fuck, je m'en vais là, c'est bon. Ok, ça. Allez, salut. On passe aux actus. Petite pause. Non, on t'attend. Ah, faut enchaîner. Allez, enchaîne. Ok, alors je suis pas du tout prêt. Non, on n'a pas le temps. Bon, on n'a pas le temps, on n'est pas trop en retard, ça va. Non, on est pile dans les clous. C'est 22h. Non, c'est 23h01h. Tu chroniques, toi, au lieu de parler. Non, mais je l'ai ma chronique, hein, t'inquiète. Alors, du coup, comme on change de tout, Skyrim, qu'est-ce que c'est ? Question pour. Un jeu ? Un jeu vidéo. Un jeu ? Waouh, bravo. Merci. C'est sorti en quelle année ? En 2009. 2009. Non. Non, 2009, c'est Avatars. Ah merde. Je dirais 2011. Merci Charles. Un vrai passionné. Merci. Alors, du hasard. Non. Je sais pas si vous vous souvenez, mais 2011, on est sur l'époque de la PS3 et de la Xbox 360. Ouais. Ça remonte à 9 ans déjà. Jusque-là, c'est normal. Oui, jusque-là, c'est normal. Donc, à l'époque, donc, sort Skyrim, qui est le cinquième opus de la saga The Elder Scrolls. Je sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion de jouer à l'un des quatre opus avant. Donc, Oblivion, qui était celui notamment le plus controversé au niveau de c'est pourri ou c'est trop bien. Voilà, au choix, il n'y avait pas de juste milieu. J'aimais bien. Et du coup, Skyrim était là pour relever le défi à dire on peut faire encore mieux qu'Oblivion et que ce soit pas de la merde. Et justement, je voulais revenir un petit peu sur la partie de quand vous allumez l'écran au début, enfin le jeu, vous arrivez, vous avez l'écran donc d'accueil qui arrive, enfin le menu, avec le symbole de Skyrim, donc un grand dragon, parce qu'on est sur l'édition Dragonborn. Un tout petit dragon, c'est un logo de petit dragon. Oui, wow, c'est un logo dragon, et vous avez cette musique épique que tu peux remettre si tu veux. Attends, il l'a enlevé. Le cartouche est vide. Donc, qui s'appelle Dragonborn, et qui tout de suite vous met dans l'ambiance de va y avoir des choses qui vont se passer. Et pas n'importe laquelle. Alors en gros, Skyrim, c'est un jeu d'aventure open world, donc c'est-à-dire que c'est un monde ouvert. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez tuer des civils, pas les enfants, sauf avec. Jamais les enfants. Sauf avec des mods qui vous autorisent à le faire. Mais des mods. Mais pourquoi tu voudrais tuer un enfant de base en fait? Pourquoi? Parce que les enfants ils sont trop chiants dans le jeu. Pourquoi pas? C'est les seuls chiants dans le jeu. Tu... Et on me dit que les jeux vidéo c'est pas violent. Il y a des moments en fait dans les jeux en fait, tu vois, t'as envie de t'éclater. Tu vois, tu sauvegardes ta partie, t'enlèves la sauvegarde automatique, tu tues tout le monde dans le village. Voilà. Mais t'as tes putains de gosses, tu peux pas les tuer, ils courent, ils sont là, tu les entends. Et du coup, t'as toujours une... Et du coup, en fait, tant que t'as battu tout le monde, t'as toujours une prime sur ta tête. Faut savoir que dans Skyrim, vous êtes sur un open world, donc un monde ouvert, certes, mais c'est pas comme dans GTA où vous faites n'importe quoi et il y a les policiers et vous les tuez facilement. Non, dans Skyrim, les gardes, ils ont beau avoir pris des flèches dans le genou, ils sont badass et ils te défoncent la gueule, surtout au début. Ah, si, si. Au début, je dis au début. Ouais, au début. Nuance. Et non, à la fin, ils ne défoncent pas. Hein. Et dans Animal Crossing, on peut défoncer tout le monde aussi. Ça, c'est non, plus je crois pas. Délire, je crois. C'est ça qui manque dans Animal Crossing. Ouais. Alors, si vous voulez savoir un petit peu ce qui change par rapport aux opus d'avant dans Skyrim, notamment, c'est que avant, quand vous créez un personnage dans, par exemple, Oblivion, vous choisissiez déjà une classe prédisposée, si vous voulez. Donc, genre guerrier, machin. Dans Skyrim, vous partez de zéro. Vous choisissez si vous allez augmenter en fait des compétences à force de les utiliser. Donc, si vous êtes un magicien, vous allez devoir apprendre des sorts. Genre lance-flamme, enfin flamme, foudre, givre, voilà. Trompette de jeu, etc. Et vous allez augmenter vos compétences en les utilisant contre des adversaires ou pas. Hein, et vous allez utiliser votre mana. Sinon, vous allez avoir les gars, quand vous allez porter des armures, vous allez devoir augmenter votre poids parce qu'il y a du poids. Enfin bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte qui ont été révolutionnaires pour l'époque, donc il y a 9 ans en 2011. Et c'est ce qui a fait que Skyrim a fait un boom. Bah, c'est surtout les épisodes assez drôles. Il y a plein de personnages secondaires qui sont vraiment drôles. Il y a eu notamment Lydia qui est votre Huskarl, voilà, qui vous accompagne parce que à un moment vous devenez un Jarl, un espèce de roi entre guillemets. C'est quoi un Huskarl? C'est un Payarl, garde du corps un peu. Non, c'est pas Jarl. Tu deviens Tan. Oui, un Tan. Tu deviens un proche du roi. Ouais. Pas du roi, mais. C'est pas des rois parce qu'il y a le grand roi. Bah si, c'est des rois. Tu deviens proche du maire de la ville. Oui, en gros, pour faire simple, tu deviens proche du maire ou du seigneur de la ville. Du coup, c'est t'as le un seigneur. Titre, ça s'appelle Tan. Voilà. Et en tant que Tan, tu as le droit d'avoir un serviteur qui s'appelle un Huskarl. Voilà. Et Lydia. Je l'ai épousé, je crois, dans ma vie. Oui, moi aussi. Tout le monde a épousé Lydia. Ouais. Donc, faut savoir en fait que dans le jeu, vous pouvez épouser des personnes. Vous n'êtes pas obligé de faire du tout la trame principale du jeu pour pouvoir accéder au tout le reste. C'est-à-dire que, vous pouvez faire tout le jeu sans faire une quête. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans les campagnes, aller défoncer des bandits dans leur forteresse, aller dans des mines minées. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des métiers. Enfin, c'est un truc, c'est incroyable. Vous faites aussi de la vente. Vous pouvez ouvrir un marché. Voilà. Avec votre femme du coup Lydia pour ceux qui l'ont choisi et puis donc en gros c'est tu ça le jeu. Tu peux avoir ta propre maison aussi. Alors ça dépend. Ouais. Alors je parle de Skyrim en 2011. En 2011, il y a pas encore les DLC. Tu peux acheter tes maisons. Oui. Ouais, par contre, tu peux acheter tes maisons, notamment la petite maison de Blanche Rive qui coûte 10 000 je crois au début. Enfin, qui coûte 10 000. C'est la plus petite maison, elle est sympa, elle est au milieu de Blanche Rive qui est la grande cité principale où vous allez faire votre quête principale. Donc voilà, donc en gros, c'est un jeu de bastos. C'est super cool, et puis j'ai fini de parler. Tu peux tuer des dragons, tu peux chevaucher des dragons. T'as l'aspect, les cris aussi qui sont connus, le célèbre Fusroda, parce qu'en gros t'as la magie, mais vu que toi t'es un enfant de dragon, Skyrim en fait, c'est ça, c'est un peu l'histoire des enfants de dragon, du coup toi t'en es un, voilà, c'est cool, tu vas, ta quête principale ça va être justement d'empêcher l'avènement du dragon Alduin, qui est un gros méchant dragon, voilà. Tout noir comme par hasard. Il est pas un peu vert? Non, c'est le dragon noir aux yeux rouges. Je sais pas sûr. Bon, du coup, toi, t'es un enfant de dragon, et en tant qu'enfant de dragon, tu peux parler comme les dragons. Ouais, tu apprends la langue des dragons. Voilà. Et du coup, tu peux dire un Fusroda, c'est les dragons qui parlent comme ça. Et notamment, en fait, quand vous allez apprendre... Ça paraît pas, mais ils parlent comme ça. Voilà. Okay. Et quand vous faites le Fusroda, en fait, chaque mot représente la puissance. Donc le Fus, c'est en fait, quand le personnage veut le dire, ça va faire une espèce de... Comme si vous souffliez très fort et ça que... Ça peut être vent. Après, ça peut être puissance, et après, je sais pas. Je crois que c'est force. Il y a vitesse aussi, je crois, non? Oui, mais ça, c'est Fortatum. C'est quand tu te déplaces, tu t'en téléportes. Chaque syllabe correspond à un mot, grosso modo. Oui, draconique. Et si t'as les trois, t'as le cri à son maximum de puissance. Et en fait, quand vous finissez le Fusro avec le Da, bah, le Da, vous. vous projetez en l'air très très loin les gens. Et du coup, c'est très drôle à utiliser quand vous vous battez notamment sur des ponts ou à côté de tout en haut d'une montagne. Vous faites fausse rondelle, vous voyez le personnage, le PNJ. Et mourir, voilà, tout en bas. Quand les PNJ tombent, même quand toi tu tombes, t'es là. T'es totalement désarticulé, ouais. Désarticulé bon. Le bordel. C'est pour ça que le jeu est très bien aujourd'hui avec plein de modes, notamment des graphismes 4K possibles, un mode multijoueur avec notamment Skyrim Together qui fait qu'on peut jouer à deux. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, les The Elder Scrolls, sauf le The Elder Scrolls Online, sont que des jeux solo. Et c'est vrai que solo ça peut être un peu barbant. Non. Mais bon, heureusement qu'il y a des compagnons qui disent toujours des conneries, genre Lydia qui te raconte plein de trucs. D'accord, c'est pas barbant les jeux solo. Les jeux solo c'est pire. Continuez les jeux solo. Non, c'est drôle de pouvoir se dire, ah, tiens, allez. Ça peut être niquer des dragons, tu vois, je sais pas, à deux, tu vois, essayer de faire des mammouths ou des géants, parce que c'est pareil, il y a dans le jeu, vous avez les mammouths. Ouais. Les mammouths, ils sont gardés par les géants, parce que les géants font la traite des mammouths. C'est femelles. Leur vache. Moi, j'ai eu la bonne idée au level 10 d'aller voir des géants, je l'aurais jamais dit. Voilà. Donc, quand vous arrivez sur un territoire de géants, s'il n'y a pas de mammouths, ça va, c'est tranquille. Par contre, si vous arrivez et qu'il y a des mammouths, les géants sont agressifs envers vous. C'est-à-dire qu'en fait, un géant, début, milieu et fin de jeu, il vous met une tatane, vous êtes mort et vous volez tout, à travers toute la carte, mais littéralement. Ouais. Le jeu est tellement bien foutu à l'époque que tu voles à travers toute la carte avec des bugs, bien évidemment. Voilà. Et ça, c'est des choses assez sympas. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Fun fact, c'est ça? Ouais. Au niveau 5, donc au tout début, j'ai été à la première ville principale qui est Blancherie. Voilà. J'avais la flemme d'y aller, je voulais découvrir, moi je voulais aller voir partout. J'avais joué à Oblivion et Morrowind, donc j'avais à quoi m'attendre. J'étais à côté et il y avait un fameux camp de géants. Où il y avait deux géants et un mammouth. Tu te dis, je vais me les faire. Bah ouais. J'étais là avec mon arc et des flèches. Alors j'avais pas mal de flèches pour le coup. J'avais un bon stock de flèches parce que moi je suis un archer pur et dur. Ben j'ai passé au moins une heure à leur tirer des flèches dans la gueule. Et ils sont jamais morts. Si, ils sont morts au bout d'un moment, mais c'était très long. C'est possible de les tuer, faut se mettre sur des rochers. Ouais. Oui, ils arrivent pas à parce qu'ils peuvent pas passer dessus parce que c'est un peu buggé et que c'est pas parfait comme jeu. Voilà, ouais, 2011, c'est normal. Il y a des petits trucs comme ça, tu te mets sur les rochers, t'es en sécurité, tu tires les géants, ils vont se cacher, tu descends du rocher, il va revenir, tu remontes sur le rocher, tu retires, et ça pendant très longtemps. Ouais. Et j'arrivais à tuer des géants comme ça. Et faut savoir que dans le jeu Skyrim, lorsque vous achetez votre cheval, grâce à celui-ci, vous pouvez gravir n'importe quelle montagne, même si ce n'est pas même possible si à pied. Ça. Voilà, même quand les. Et à pied aussi, tu peux le faire. À pied? Ouais, j'ai monté toutes les montagnes à pied de Skyrim. J'ai jamais réussi, mais moi, avec le cheval, vous appuyez sur la touche du saut et en fait, il va monter automatiquement. Il va rester les jambes en l'air comme s'il sautait et il va aller à un point où il peut réatterrir. Donc il monte, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est un jeu très peu buggé, honnêtement. Il y a beaucoup de glitches qui vous permettent d'accéder à des coffres normalement inaccessibles, cachés sous la map. Hein. Je l'ai fait pour gagner plein de thunes et avoir facilement la première maison et le premier cheval. Voilà, quand vous commencez le jeu. Mais enfin, c'est quand même drôle parce que justement, il y a tout ça. Et si vous voulez même vous amuser, vous allez sur YouTube, vous marquez grand-mère qui joue à Skyrim. Et il y a vraiment des grand-mères qui jouent et qui font du stream sur Skyrim. C'est et justement, elles font ça en thérapie en fait pour rester actives. Et ce qu'elles expliquaient, c'est que depuis qu'elle joue aux jeux vidéo, ces personnes-là, donc âgées, elles retrouvent de la motricité, elles n'ont pas de perte de langage. Voilà, le cerveau est encore super actif. Par comme contre, quoi, c'est pas obligé bon de jouer à Skyrim, pour la ils peuvent jouer à n'importe quel jeu, ça devrait marcher aussi. Elle joue aussi à GTA, donc vous voyez un petit peu. Mais moi, j'aimerais avoir une grand-mère geek comme ça, ce serait génial. Ouais, faire une session de stream. Non, bon, après, plus de viewers que moi, c'est pas cool, mais. Je pense que notre génération, du coup, il y aura des grands-parents. Ah bah oui, ah bah ouais. Franchement, je le serai moi-même si je suis encore en vie. Une grand-mère sur San Andreas, c'est fun, franchement. Ouais. Je sais pas. Bah attends. Je l'ai jamais vu. Bah moi non plus. Mais faudra en voir. Et donc du coup, pour en finir un peu sur l'univers de Skyrim, donc vous arrivez, vous êtes là avec des Jarls, donc c'est un petit peu la mythologie nordique. Les Jarls, c'est en gros les rois ou les seigneurs, si vous préférez, vikings, on peut appeler ça. Donc ils sont un peu partout dans cette zone qui s'appelle Bord de Ciel. Il y en a un qui a trahi les autres, il a tué le haut roi, donc le roi des rois en gros au niveau de Bord de Ciel. Du coup, il y a une réélection qui est en cours, et il faut savoir qu'il y a une deuxième faction, enfin il y a trois factions. Il y a Bord de Ciel en gros qui représente tous les vikings. Les Nordiques, c'est leur terre à eux, et en fait il y a les impériaux qui viennent d'ailleurs, mais en gros qui gèrent beaucoup d'autres pays en fait. Voilà, en fait ils sont sous la tutelle des impériaux. C'est l'OTAN. Ouais, en gros. Et ils leur disent, voilà, votre religion c'est ça, on interdit vos cultes religieux sur machin, Thanos, etc. Mais ils ont une raison de le faire aussi, parce qu'ils ont perdu une guerre contre des elfes. Voilà. Donc forcément ils interdisent le culte parce que sinon ça va être re-guerre et du coup ils ont pas envie. Voilà. Voilà. Donc en gros il y a les elfes principalement, les humains nordiques et les humains impériaux. Et donc du coup il faut savoir que quand le roi a été tué, il fait partie des impériaux, il est élu grâce aux impériaux et c'est ce qui permet de garder la paix. Du coup vous arrivez dans un pays en guerre et fractionné en deux clans. Alors il y a les impériaux, les impériaux et les nordiques. Et non, enfin, les fils de bord de ciel. Les fils de bord de ciel, voilà. Ils s'appellent comme ça. Oui, bon, les nordiques en gros. Et vous allez pouvoir choisir votre camp et du coup grâce à ça vous allez notamment grâce à cette open world en fait aller conquérir des châteaux via soit il y a vraiment un jeu de guerre soit, en fait aussi ouais. qui s'inclut dedans soit t'es pour un camp soit t'es pour l'autre voilà en fait. T'as un choix à un moment t'es obligé de faire le choix soit tu es pour les impériaux donc tu vas aller tuer l'autre Jotlarl qui a tué le roi soit t'es de son côté à lui tu veux que en gros les nordiques reprennent possession de leur terre Et dans de leur les culture, deux cas, en fait, etc. Il y a du pour et du contre. Voilà. Mais et il faut savoir que dans ce jeu, même si c'est un open world, il y a aussi des choix qui changent totalement le jeu. Donc, justement, le fait de choisir une faction ou une autre va faire que telle ville va disparaître, il va se passer ça ou ça. Et c'est pareil, dans toutes les quêtes secondaires, vous avez plusieurs choix, par exemple, de garder un objet que normalement vous pourriez rendre. Voilà, c'est du coup, par exemple, vous n'aurez pas accès à une autre quête ou à une femme pour vous marier avec. C'est le jeu pour avoir enfin, voilà. C'est, ça revient un peu sur les questions de jeu dont on parlait un petit peu plus tôt, il y a même trois. Plus de 3 heures au début de l'émission avec bah tiens tu fais tel choix il y a telle conséquence et plusieurs fins possibles et bah là c'est exactement pareil voilà il y a plusieurs fins possibles et c'est ça qui en fait un jeu vous allez au moins y passer 200 à 300 heures pour finir une fois la partie en entière quoi. Moi j'ai une question, qui est-ce qui a déjà joué à Skyrim ici? Alors du coup il y a Jolan, Eliette, Teddy, moi aussi donc Ismaël, Gaëlan pas du tout, Charles, Charles non plus, Pierre non plus, Marguerite non plus. Ok. D'accord. Donc, il y a pas beaucoup de vrais gamers, quoi. Ouais. Par question, pour les 4 gîtes, est-ce que tu sais s'il y a ou pas une situation? Alors oui, ils ont parlé de faire un jeu elsewhere. D'accord. Ça se passerait elsewhere. Je sais plus si c'est en ligne ou pas en ligne, mais c'est prévu normalement. Ouais. Si c'est pas déjà sorti d'ailleurs. De toute façon, dans le Elder Scrolls 6, on change de région. De région, oui. Parce que là, il y a. Donc... Ça change toujours de région. Mais ouais. c'est elsewhere au dernier. Ou alors c'était chez les Bretons, je sais plus. Et j'ai vu deux informations comme ça, mais je sais tant plus, que c'est pas sûr, je préfère pas trop me prononcer. Mais dans tous les cas, le prochain Skyrim qui va sortir, c'est dans les années qui arrivent. Là, soit c'est fin de cette année, soit l'année prochaine. Et ça devrait reprendre un petit peu les mêmes principes open world, enfin comme tous les autres en fait, mais en plus poussé. Et encore plus d'aventures, enfin voilà. On verra qui bien. Qui sortira sur PS4 PS4, PC, Xbox. J'ai deux questions pour ceux qui ont joué. Alors, de quel côté vous avez été, genre impériaux ou nordiques, et quelle race de personnage vous avez pris? Donc, Jolan. Impériaux, Khajiit. D'accord. Et Diet Je crois que c'était pareil, c'est très longtemps. Parce que c'est sûr que j'étais une Khajiit, c'est sûr. D'accord. Mais tu sais pas si t'étais avec. Je crois que j'étais impériaux. D'accord. Moi j'ai souvent fait que des nordiques en vrai, je suis à fond nordique parce que barbare. Alors nordique, j'ai commencé nordique. Mais impériaux. Non, j'ai fait nordique et après nordique impériaux et j'ai préféré le nordique impériaux. Pareil. Moi, même si leurs armures sont dégueulasses aux impériaux. Je suis un orque mais impériaux. Impérial, oui, parce que c'est vrai que il y a une autre faction, ouais, il y avait les orques. Leur pouvoir est orques. Beaucoup trop pété pour pas prendre un orque. Faut pas aussi, ouais, mais la résistance à la glace quand tu fais la quête principale qui consiste à aller tuer les dragons. À la magie. Les orques ? Ouais. Bah, les va te faire foutre. Ouais. Allez, fin de l'émission, salut. Ils ont pas de faiblesse à la magie, non, ils ont un sort, leur sort de race qui permet de doubler les dégâts qu'ils font et de diviser par deux les dégâts qu'ils reçoivent. Que faire de plus ? Ouais. En vrai, tu prends ça et tu détruis tout. C'est cheaté un peu. Ça va. Voilà. Enfin. C'était pour Skyrim. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez tué par Turnax ou pas ? Dans une partie, je l'ai pas fait. Dans la première, je l'ai pas fait parce que je l'aime bien. Le Parturnax, le dragon rouge qui t'apprend. Le frère d'Alduin. J'ai jamais tué, moi. Moi, je l'ai tué. Oui. Moi, je l'ai tué aussi. J'étais là, non, mais les. Des bâtards ! En vrai, je l'ai pas tué. Moi, le dragon, il vous apprend tout. On a fini sur Skyrim. Et d'ailleurs, petite dédicace à une de mes potes qui va faire le cosplay de Astrid. Dans Dragon. Petite dédicace à toi. Je dois dire qu'elle aussi, elle est badass. C'est pas qui c'est. C'est quoi son nom? Akira Reilai. Son vrai nom? Marion. Ouais. Akira Reilai. Ah, à tout de suite, hein. Ah ben on fait des big up à Marion, voilà. Ouais, tout simplement. On fait un petit point actu, puis on s'en. Oui. Un petit point actu. Et on se casse. Et on se rentre. Ce sont les actus de PA. Bienvenue sur le radio stream de Domingo. Non, je rigole. Doflamingo, quoi, tu fais de la pub là? Arrête avec Doflamingo. C'est toi Doflamingo, moi je dis Domingo. Galen, t'avais des actus? Oui, j'en ai plein. Alors, comme on a fait une spéciale Harry Potter la semaine dernière, j'ai une actu sur l'acteur Daniel Radcliffe qui sera à l'affiche. Il est mort enfin. Non, qui sera à l'affiche de Guns Akimbo de Jason Leigh Howden, où il jouera Miles, un développeur de jeux vidéo déprimé qui se retrouve un matin avec des revolvers vissés aux mains. What the fuck? Il joue souvent que des trucs bien dramatiques, enfin dans les films dramatiques. Ouais, mais là ça a l'air assez dramatique. Ça a l'air assez comique. D'accord. Et il dit qu'il veut se détacher du personnage d'Harry Potter, et c'est vrai que là dernièrement il y arrive, je trouve. Moi je trouve qu'il s'en est détaché bien, ouais, aussi facilement qu'Emma Watson. Il y a vraiment que Ron Weasley. Ron Weasley, Rupert Green dans Sick Note. Je veux pas trop te voir, ouais. L'impression. Mais justement, par rapport, j'ai vu une interview par rapport à après qu'il ait fait le film, où il disait que voilà, lui, il attend qu'une chose, c'est qu'il y ait une suite à Harry Potter pour pouvoir retourner dans le rôle de Ron Weasley, où il c'était, où voilà, c'est sa vie en fait. Et après, il a du mal. Ouais, c'est comme un accro un peu à l'héroïne, ou des choses comme ça. Rupert Grint, il a fait des séries excellentes. Hein. Il a quand même réussi. Oui, et je dis pas qu'il en a pas fait, mais de lui-même, il a dit que voilà, pour lui, il est encore bloqué sur l'époque d'Harry Potter mentalement. Ça, ouais. C'est pas. C'est un peu le rôle de sa vie en même temps. Ouais, je pense, pour chacun d'entre eux, ouais. À moins qu'ils fassent quelque chose de mieux, mais bon. Ça... Bah, Emma Watson a fait des bons films, Je suis d'accord, Le Cercle, et puis dernièrement, Les Filles du Docteur March. Ouais. J'étais un peu déçu avec ça. C'est pareil. C'est peut-être des bons films, mais elle est quand même plus connue que Hermione Granger que dans les autres films. Oui, bien sûr. C'est aussi un rôle de sa vie. Après, elle est surtout connue pour, en tant qu'égérie de féministe, etc. Et qui se bat pour les droits de l'homme. En général. J'adore Emma. Sinon, le 29 janvier, il y a un film qui sort et que j'ai hâte de voir, c'est Jojo Rabbit, le nouveau film de Taika Waititi, qui a réalisé Thor Ragnarok. Donc un film avec Scarlett Johansson et Sam Rockwell. Donc c'est sur Jojo Rabbit, c'est avec Hitler. Ça. Ah oui, si, je l'ai vu. C'est un enfant en fait. Très drôle. Ouais. Voilà, où Taika Waititi va. Donc film pour les nazistes, ok. Non, contre. Ah d'accord. Ouf. Anti-nazi. Bon je vais aller le regarder alors. En fait c'est un petit garçon qui est nazi, enfin qui est entraîné à être nazi. Oui voilà. Et il a des visions de Hitler, je crois. Ou alors c'est vraiment Hitler. Hitler qui est. Ouais. Et en fait il va être ami malgré lui avec une juive. Ah. Pourquoi malgré lui? Parce que je crois qu'au début il la voyait comme le mal quoi. Il s'en est pas rendu compte. Va des rétros satanas, ouais, tu sais. C'est ça, et mais tout, au final il va se lier d'amitié avec. Et bon je te laisse deviner la suite, je l'ai pas vu le film. Mais... Bon ils vont ken quoi. Ouais, mais non, mais ils sont jeunes. Et Barbie. Non, mais ils sont jeunes. J'ai dit Ken et Barbie. J'ai oui, pas dit. Je crois. Là. Voilà, nuance. Voilà. Sinon, pour les fans de Star Trek, il y a le retour de Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard. Ensuite, je vais commencer là par une mauvaise nouvelle. Il y a Terry Jones qui est décédé, qui était un des fondateurs des Monty Python, qui a notamment réalisé La vie de Brian. Oh merde. Alors, c'est une grande perte, mais c'est pas doublé dont je ne connais pas le nom. Non, ça a jamais été doublé en français. Et c'est bien. Ah non, c'est long. J'ai regardé deux épisodes. Putain, ça m'a pris beaucoup de temps pour traduire. Dégage. Donc oui, voilà, Terry Jones qui va nous manquer. Et puis je pense que ça doit bien pleurer aussi, là, ses potes. Genre John Cleese ou Terry Gilliam. Mel Brooks, ouais. T'es sûr? Des Monty Python, ouais. Et Mel Brooks. Tu regarderas. Ouais. Je suis pas sûr. Non, mais t'as sûrement raison. Fais gaffe, c'est le papy de l'émission, il a plus de connaissances. Je connais bien, mais je me souvenais plus qu'il y avait Mel Brooks. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure, mais. Oh, il a mis une colle à Galen. Oh, c'est chaud. Attends, je vérifie en même temps. Vas-y. Vous pouvez me dire si vous vérifiez, j'attends. Mais je sais qu'il y a Terry Gilliam, le réal, et puis John Cleese. C'est pas bien, Gela, t'as oublié. Sinon, si pour ça, je vous conseille de regarder La vie de Brian ou encore Sacré Graal, qui sont disponibles sur Netflix. Ça charge là ou pas? Ça charge, mais ça capte pas beaucoup. Ah ouais? attends. T'es chez Free, t'as pas tout compris. Non mais c'est pas grave, on va peut-être pas attendre. Actus, si je peux en dire une, c'est une série Netflix qui va sortir, qui a l'air plutôt pas mal au niveau de la bande-annonce. Après, je suis qu'un amateur pour juger ce genre de choses, mais qui a l'air super sympa. Ça s'appelle Ragnarok. Ouais. Et franchement, ça a l'air d'être une série B de Netflix. Non, je sais pas. Galen, t'as vu la bande-annonce ou pas de Ragnarok? Non. Non, ok. Ouais, tellement que. Non, en vrai. En gros, c'est un gars, il va se retrouver avec des pouvoirs divins et il va combattre des humains qui ont aussi des pouvoirs divins. C'est grossièrement dit, la façon dont je le dis, mais n'hésitez pas vraiment à checker ça sur YouTube, vous allez voir, c'est bien foutu. T'as raison, Mel Brooks. Ouais, j'ai raison. Et oui, c'est bon. Je m'en souvenais plus, tu vois. Ok, on s'en bat les couilles, merci. Au revoir. Pardon. Bonne nuit tout le monde. Niveau jeu, on n'a pas d'actu. Non. Non, puis il reste une bonne nouvelle là, cette semaine quand même. Ça va ravir tout le monde, c'est que le premier teaser de Kaamelott est sorti. Oui. Oui, énorme. C'est vrai. Et ça a été annoncé plutôt le 29 juillet 2020. Alléluia. Du 14 octobre. Si dans les bonnes nouvelles, c'est que on est en 2020. Bah ouais. Dans un an, au mois de décembre, il y aura Avatar numéro 2. Et attends, avant, en 2021, en février, OSS 117.3. Oh. Eh oui. Donc il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Afrique noire. Putain, il spoil l'année prochaine. Quoi. Ah mais nous, on est déjà dans le turfu. Attends, hein. Avatar, après, ça va pas sortir cette année. 2021, 2022, ouais. Ils ont repoussé d'un an. À la base, c'était 2019, donc ça aurait dû être décembre de l'année d'avant. Après, ils ont fait oh non, 2020, et puis après, il a refait ah bah non, 2021. C'est pour mais ça, bon. Genre, je pense qu'ils vont encore nous dire oh, peut-être 2022, tiens, donc bon. Non, mais à la fin, on va pas aller le voir parce que ça nous arrive. Oui, à la fin, on va faire l'emménique, c'est bon. Non, non, j'attendrai qu'ils sortent. Mais bon, après, il y a 5 films qui sont déjà prêts. Donc Le 2 et le 3 sont prêts, il attend pour voir si ça fonctionne. On verra bien si c'est prêt ou pas, de toute façon. Oui. C'est une fin d'émission. Voilà. Waouh. Wow. Ou comme dirait Thomas, c'est une fin de tournage. Yes. Voilà. Petite dédicace à Thomas, du coup je suis pas. Exactement, petit big up. On lui fait des bisous. Ah, des bisous, Thomas. Non. Et bah nous on se dit à jeudi prochain. À jeudi. À la semaine prochaine tout le monde, et bisous. Allez, plein de bisous. Ce ne sera pas une spéciale. Non, cette fois. Si, on a dit qu'on faisait une spéciale de spéciale. Du coup, on reprend tout ce qu'on a fait dans celle d'Harry Potter et celle-ci. C'est la semaine prochaine, rien à foutre. Non, non, on attend de faire toutes les spéciales. La semaine prochaine, c'est une émission normale. On fera 21h, 23h. Allez, peut-être 23h15. Sur. Non, 23h. Si on est chifou, quoi. Voilà. Mais sinon, normalement, on fera 2h d'émission. Est-ce que je peux spoil un jeu que je vais présenter pour la semaine prochaine ? Sûr. Ça s'appelle. Roulement de tambour. Mystère. Ah bon, le technicien il est mort. On est enterré. Non, la semaine prochaine ce sera Kingdom Under Fire 2. Jeu très connu dans Corée, Japon, etc. Vive l'Asie. Je connais pas. Ou l'Europe. Et pourtant j'en connais. Personne ne connaît. Je pense que vous y avez peut-être déjà joué si vous aviez une Xbox il y a très longtemps. J'y ai joué en démo parce que moi j'avais plein de démos Xbox. Bah du coup tu y as pas joué. Ah si, à la démo. D'accord. Mais tu nous raconteras tout ça avec grand plaisir. Peux dire. Oui bien sûr tu pour peux ma part je présenterai Breakfast Club. Oh trop bien. Enfin, parce que alors là il y a les gens de l'escat, ils disent toujours ouais trop bien. Je sais que Mathilde je l'embête avec ça aussi. Oui. Tu sais, même si c'est nul, ils diront oh trop bien parce que c'est l'escat. Non, voilà. c'est une très bonne référence. Ils savent de quoi ils parlent. Mais nous non, on est là. Et moi je vous parlerai de Shia LaBeouf, l'acteur. Ah yes. Shia LaBeouf. Ouais. Ah, c'est toi qui présente la personnalité. Ouais. Cool. Elliot, tu seras là la semaine prochaine. Oui. Bah du coup je vais changer mon jeu, on parlera d'Avicii Victor. Oui, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais présenter. On verra. Oh, tu verras bien. J'ai beaucoup de choix. Marguerite, tu seras là aussi. Bon, je pense, ouais. Ouais. Pierre, je sais pas ce que je présente. Peut-être. Ah, ça veut dire non généralement. Si, c'est sûr. Comme tu as vu comment. Jolaine, tu seras là. Ouais, c'est cool. Non, mais faut que j'ai quelque chose à présenter. Bon, ouais, pas de problème. Tu viens quand tu veux. La porte est ouverte. Bah, c'est sympa. D'ailleurs, la porte est ouverte à tout le monde si vous voulez passer à la radio, présenter votre truc. Allez hop, on ouvre les portes. Vous êtes un membre de PK Avenger comme ça. Voilà. Donc on se donne rendez-vous jeudi prochain à 21h pour PK Avenger. Voilà. 21h-23h, PK Avenger. Des bisous. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.